Cette émission vous est présentée sous le sceau du CRBO. Le regroupement des comiques recrues boycottées par les Oliviers, fondé par le BOM Intello, afin de préserver la liberté d'expression aux petits comiques que nous sommes. Si certains propos énoncés lors de cette émission parvenaient à froisser vos oreilles puritaines, veuillez cesser d'écouter immédiatement. Pour tout renseignement, adhésion ou demande sur le CRBO, veuillez communiquer avec le BOM Intello, PDG fondateur et membre à vie du CRBO, à l'adresse email lebomintello@hotmail.com. Merci et bonne émission. Don't be inquiète. Très, très excellent. Pour que Mme Jean ait fait ce job-là, qu'elle ait accepté de la faire, ben qu'elle assume ce qu'elle a fait, et que moi, comme Québécois, contente de noyer dans la grande mer canadienne, je dise, ben la job que vous faites, c'est une job de reine nègre. Moi, mon point de vue est assez simple là-dessus. Est assez simple dans le sens que moi, je suis un polémique, je suis un pamphlétaire, et évidemment, la job du pamphlétaire, c'est d'abord et avant tout de savoir viser sur le bon clou pour qu'on parle en fait des vraies affaires. D'une capitale à l'autre, la Saint-Fouillard est également rebondie au Québec. Problème de son, là. Pas d'erreur. Bon, alors, l'affaire Couillard, donc, d'une capitale à l'autre, a rebondi à Québec de façon quand même assez inattendue. Ben, parce que t'arrives là, t'as l'impression que t'es en pays étranger. C'est pas bien compliqué. T'es maire de Québec, t'as l'impression que t'es en pays étranger. T'es mal à l'aise. C'est pas bien compliqué, là. Pourquoi hein? On a l'impression d'être en pays étranger? Ben, premièrement, t'as trois conseillers de l'opposition, là. T'as huit personnes qui ont été nommées par eux autres. Ils parlent de quoi? Hein? Ils parlent de quoi? Ben, il y a une ministre. C'est déjà été une demi-heure, là. Je peux pas vous en parler bien. L'autre affaire, moi, de bien honnête avec vous, j'avais pas le temps. Okay? C'est pour ça que je vais avoir, moi, des gens de l'exécutif, de la ville. Oui. Puis en même temps, ensemble, on va séparer le travail. Parce que tout seul, moi, j'ai pas le temps de faire ça, là. J'ai entendu le nom de Marc Simoneau. Pas que je suis inquiet, mais ça va être quoi son mandat, précisément? Non, mais Marc, il est déjà là, lui. Il est déjà là. Il est déjà là, puis Marc, on va le garder, lui. OK. Donc, parce ça, c'est. Parce que Marc Simoneau connaît le sport, puis moi, je l'aime bien, Marc Simoneau. Lui, j'ai toujours dit, c'est mon idole. Moi aussi. J'ai été derrière mes citoyens pendant les derniers mois. Et je vais voter contre ce soir. Alors là, je vais vous donner des informations pour faire un choix éclairé. Alors, les équipes s'entraînent de part et d'autre. On peut appeler ça la guerre des étoiles. On dit que ça va probablement être la finale de Coupe Stanley qui va attirer le plus l'attention. Moi, je pense que demain, ouais. Demain, des pingouins, c'est pas demain en passant. C'est samedi. Ça, c'est encore une erreur monumentale de M. Gary Bettman. Gary Bettman, au lieu de se faire poser dans les estrades, là, devrait écouter les amateurs qui en ont ras-le-bol. Mais Gary Bettman, il décide pas, de Coupe Stanley. Il décide pas, c'est la TV qui décide, qui décide. Ben c'est ça, Gary Bettman n'est pas capable de mettre ses culottes, c'est épouvantable. Trois jours de congé en pleine série finale, là, c'est toujours la même poutine, ça s'éternise. Parce que là, vous savez, ça va aller en 5 matchs, vous savez? Ben non. Ben je vous l'avais pas dit. Non, c'est pas sûr que ça va aller en 5 matchs. Là, okay. C'est 6 ou 7. Ben, t'as une minute, là. Les Penguins de Pittsburgh, samedi, là... Ça va être extraordinaire, la leçon d'hockey qu'ils vont donner au Canada. Et là, Michel, pars pas en peur, là. Je veux juste te dire, si jamais les Red Wings dégonflaient ta petite ballonne samedi. Donc, selon Bergy, on donne une leçon aux Canadiens demain, les Pingouins. C'est beau de connaître son sport, quand même, hein? Et puis ce soir, on vous offre une 33e édition. Oui, monsieur 4, numéro 4, et 33e édition comme le numéro de Patrick Roy, hein? Ben oui, Roy. Oh, un petit dossier. Un petit dossier chaud. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue en direct de nulle part, numéro 33. Yeah! Avec ce soir, Pat de Bat, qui va être au bat. Toujours. T'es toujours là, Pat. Toujours à la plate. Très fidèle. Mais oui. Également, une invitée spéciale. Oh, oui. Nadja est là. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis spécialement venue pour mon fan club. Oui, pour tes fans qui écoutent ce soir. Ils sont déjà tous en ligne. Ah oui. Tout le monde est prêt. Alors, Nadja qui a apporté son journal en plus. Et son beau sourire. Et son superbe sourire. Et puis, elle a passé une mauvaise semaine. Fait qu'elle va, elle va être méchante avec nous autres parce qu'elle va se défouler sur nous autres. Yes! Ouais. Alors, j'espère que ça va bien. Non, sérieusement, Pat, t'as passé une bonne semaine, toi? Bonne semaine, mais bon, il y a des histoires qui sont venues un peu ternir là, la semaine, comme aujourd'hui. Ouais, des histoires plus plates un peu. Mais en gros, c'est une belle semaine. T'as pas, ouais, une semaine occupée. Une semaine occupée, mais quand même agréable à passer. Ah oui, écoute. Puis ben, effectivement, ce soir, la 33e émission, ça va être l'émission de... Il va nous manquer Mr. A, qui ne sera pas là ce soir. Mm-hmm. Mr. T non plus est en devoir. Il s'en va assister à un mariage civil, à part de ça. Et puis... Ça va donner sa bénédiction, je crois, hein? Ouais, c'est quelque chose de même où je sais pas s'il va être le petit servant de messe. Ah non, c'est une messe civile. C'est fait ça. Que ça marchera pas. Non. Mais en tout cas, il est pas là cette semaine et il est pas là la semaine prochaine non plus. Mais non. Eh non, parce qu'il s'en va en Ontario pour un autre mariage. Eh oui. C'est Monsieur Mariage. Ouais, c'est ça. C'est Monsieur Mariage. Comment ça s'appelait le... Il y a un film, là. Ouais, la comédie des garçons d'honneur. Exact, là. C'est ça. Ça, c'est assez terrible, ça. Moi, j'ai un de mes amis qui est animateur dans une émission broche à foin qui s'appelle François Mystery. OK. Qui lui s'était déguisé en, je sais pas si vous vous souvenez, dans La cloche et l'idiot. Ouais, le film, le premier, là. Ouais, avec, je sais pas si, ouais, il y en a eu deux de ça. Oui, il y en a eu deux. Le premier est bon, le deuxième, il est... Ben, le premier avec Jim Carrey, puis l'autre. À la fin, il arrive à Aspen dans des espèces de suits orange puis bleu, là, avec du foufou, puis toute la patente. Un en bleu, un en orange. Ouais, c'est assez c'est Jeff Daniels, l'autre. C'est ça, Jeff Daniels. Et puis, notre Mr. A s'est présenté au mariage d'un de nos très bons amis, habillé comme ça. En bleu poudre avec le froufrou puis toute la patente. C'est du grand off. Ouais, ça, c'est Frank à son meilleur, effectivement. Ouais. Et depuis ce temps-là, parce qu'il était garçon d'honneur pour ce mariage-là, et depuis ce temps-là, il est sollicité pour plein de mariages. Ça fait, je pense c'est son troisième qui est allé faire ou qui s'en va faire dans les prochaines semaines, parce que son petit saut, il fait son effet, là, effectivement. Mais tu pourrais faire son partenaire, toi, en orange? Ouais, je pourrais, mais c'est parce que c'est dur à trouver, ces sauts-là. Écoute bien, là. Faire ça sur mesure avec l'argent que tu fais. Ah oui, c'est sûr. Avec la radio. Ah oui, avec la radio, on fait des millions de scènes noires, Ouais. Ah ouais. Ben, peut-être juste avec les vides, là, mais à part de ça, il n'y a pas grand cash. Non, c'est vrai. Il n'y a pas grand cash à faire. Non. Donc, oui, ce soir, on a une grosse émission, malgré tout, pour vous. On a des sujets virulents. On a entendu en ouverture quelques petits hints, comme on ça dit. Ça va brasser, je pense. On va parler de Julie Couillard, la dame qui a fait tomber le ministre Bernier. Le livre s'en vient. Ouais. Est-ce une conne ou est-ce une fille qui sait où ce qui s'en va? Elle sait où ce qu'elle s'en va. Ouais, je pense que c'est ça. Là. Ou en tout cas, elle se fait guider. Elle se fait guider, mais elle est très bonne dans ce qu'elle fait, là, parce que, en tout cas, elle a l'air de connaître, de savoir où s'en aller avec ça, là. Ben, franchement. Mm-hmm. On va parler de ça. On va parler également, de politique, de Stéphane Dion, des sondages de Stéphane, ça va pas très bien. Non, le Parti libéral. C'est pique du nez, là. C'est terrible. Ben, autant que l'ADQ, n'est-ce pas? L'ADQ aussi, c'est pas facile. Même les conservateurs aussi, c'est pas facile. Ah, il y a personne qui c'est facile. C'est facile pour personne. Il y a juste Grille Duceppe qui le fait dans les voiles. Le bloc-pot, ça va bien. Ouais, le bloc-pot est en montée et en recrudescence. Ensuite de ça, on va parler un petit peu du monde de la radio. Alors, on va se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'être animateur encore pour faire de la radio? Parce que de plus en plus, on engage n'importe quoi. Mm. Je dis pas n'importe qui, mais bien n'importe quoi. Là, quand on est rendu cette semaine avec France d'Amour. Ah, c'est pas drôle. Gardez des noms de même qui sortent. C'est incroyable. Là. Fait que, en tout cas, c'est bien plate pour des gens comme notre ami Mr. T qui est allé étudier en radio. Exact. Ben, ça servira pas grand chose parce que si t'as pas de nom, ben c'est ça. Tu feras pas de radio. Fait que c'est triste pour lui, mais en tout cas, c'est ça. On va parler un peu de ça. On va parler également, bon, ça, on l'a dit tantôt. Hey, on a plein de sujets, là. On est plein. Ah, le ministre, pas le ministre, mais peut-être le candidat Obama, Barack Obama. Ben oui. un incontournable, gaffe par-dessus gaffe. Ouais, c'est ça. On va parler un peu des histoires qu'a faites cette semaine-là. Bon, Nadia, on va avoir une bonne discussion avec Nadia. Ça va être bon. Un instant. Bon, et la Clinton, elle, c'est une sainte? Ah non, sûrement pas non plus. Là. Bon, merci. Mais la meilleure pour Nadia s'en vient, là. Oui, effectivement. Monsieur Lévy-Beaulieu. Victor Lévy-Beaulieu, je sais pas si Nadia... VLB. Oui, tu l'as-tu entendu? La reine de N, trois petits points. On le dira pas, là. Incroyable. Ben, c'est ça. Là, cette semaine, Victor a encore fait une frasque. Un pied dans la bouche. Et c'est incroyable. Il en a fait, comme on disait à l'avant-show, ça fait à peu plusieurs. Près 4-5 depuis 6 mois. Là. Est-il en train de perdre la boule? C'est ça la question. Ben, de ce que je comprends, c'est que lui, il se définit comme un polémiste, fait que ça lui donne le droit de dire ce qu'il veut. C'est ça qu'il a dit, je pense que c'était Paul Arcand. En tout cas, on a des petits extraits qu'on va vous faire entendre ce soir. D'accord. Et puis, il essaye de défendre son point, là, mais en tout cas, ça marche pas du tout, parce que le gars, il est censé supposément intelligent, parce qu'il écrit des livres, puis il sait comment manier les mots. Puis en prenant ces mots-là, il savait très bien que ça allait créer une polémique. Oh oui. Fait que quand il nous dit que c'est un terme qui est consacré, puis qui sert dans d'autres situations, je veux bien, mais en s'en servant dans ces cas-là, c'est mettre de l'huile sur le feu. Je pense que... En tout cas, on va pouvoir parler de ça. Bon, on va parler également, ça je l'ai dit. On va, ben, Pat Desport, check donc ça, ouais. Ben, c'est sûr que j'ai pas le choix de passer. Je peux pas passer sous silence l'histoire de Luc Bourdon qui est arrivé hier. Ben oui. Je vais en parler. Je vais même faire un parallèle avec justement où est-ce que j'étais allé aujourd'hui au niveau de Valérie Castonguay. La fille qui est décédée cette semaine, que moi j'ai coaché sa sœur. J'en ai en parlé aussi. Coupe Stanley, la Coupe finale, Memorial. Bergy qui s'énerve. Quelques brèves et des célèbres encore bien chaudes. Des célèbres. Ah ouais, donc le Doc Duquette. Écoute, le Doc Duquette, j'ai été gratté là-dessus. Là, j'ai sorti des noms. T'as sorti des noms. Là. Ils font partie là, des gars qui sont partis dans l'Ouest dans les années 2000-2001, là, qui sont candidats au potentiel là, à l'EPO. C'est-à-dire qu'il aurait été dans la tourmente, qu'il aurait fait partie des clients. Exactement, potentiel. Potentiel. À l'époque. Quand monsieur administrait des piqûres à tout le monde. Ouais. À gauche et à droite. Puis là, il a parlé des joueurs des Alouettes. Les Alouettes, Geneviève Janson. Ouais, c'est ça. Donc, le sport amateur, les Alouettes, le Canadien. Alouettes. C'est impossible. C'est ça. Fait que là, toujours aussi propre, le monde du sport. Mais c'est comment ça qu'il s'est mis à la table de même, là, d'une shot, là? Ça y tentait pas avant? Ou... C'est sûrement pas des remords de conscience, là. Non, sûrement qu'il était coincé, là. Il était coincé dans un coin. Il savait que ça allait sortir. Puis sûrement que, bon, en faisant ça, là, ce qui va y arriver, quoi, il va être rayé au niveau des par les médecins. Ouais. Parce que lui, il était accusé de 14 chefs d'accusation devant... Il va être suspendu pour un an. Exact. Il va revenir dans un an. Là. Parce que là, les avocats ont suggéré 4 mois, je pense. Et voilà. C'est très peu. Là, on est en manque de médecins. Pensez-vous qu'ils vont le mettre dehors comme ça? Ouais, mais sauf que lui, je suis pas sûr qu'il guérit grand monde ça. Là, en faisant mais, ça. T'sais, si on s'entend que devant le collège des médecins, puis devant une cour, un tribunal, c'est deux choses. Là. Oh oui, ça c'est sûr. C'est ça. T'sais, fait que le gars, il s'est dit, bon, je vais me servir de cette opportunité-là pour passer mon message, faire éclairer. Mais au moins éviter la justice, la grosse justice. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a flairé l'opportunité là, de peut-être s'en sortir avec une sentence moins grave que par la cour. Puis là, l'affaire, c'est qu'il veut pas le dire des noms, mais en même temps, il a le goût. Ah, le gars, il veut pas tomber tout seul, c'est ça paraît. C'est ça. Il veut vraiment amener du monde avec lui. Là. Fait que là, toi, t'as pris ses propos, t'as décortiqué ça avec l'aide de l'ami Francis. Ah, écoute, une chance que j'avais lui, c'est un recherchiste hors pair, l'ami Francis. C'est un king. Puis c'est lui qui m'a sorti les transactions du Canadien là, de 98 qui m'intéressait dans le fond jusqu'à 2002, exact. Oh. Puis les joueurs qui s'en allaient dans l'Ouest. Là. Donc on va s'amuser et avec on ça. On a des noms très intéressants, dont un à RDS. Oh! Puis c'est pas Jacques Demers. Oh non. Ben oui. Presque aussi gros. Ben assis chaque côté. Ouais, c'est ça. Bon, ensuite de ça, ben c'est ça. Hein, Pat, t'as d'autres choses aussi. Le reste, c'est des surprises, ben oui. Ah oui, des surprises. Je dévoilerai pas tout. Ben non, regarde. Madame Kim Saint-Pierre dans 2 semaines. Ah oui, ils sont là. Ben ça, on peut le dire, là, vu que ça, c'est officiel. Kim Saint-Pierre, exact. Gardienne de but officielle de la Ligue de hockey féminine. Équipe Canada, 2 médailles d'or aux Olympiques. Oui. J'ai été manger avec ce midi, puis c'est confirmé. Vendredi le 13, elle va être ici à 21h. Tapant. Jusqu'à 11h. Manquez pas ça. Non. Parce que c'est un rendez-vous. C'est un vendredi 13. Et en plus. Vendredi 13. Oui. C'était pas un 14, je pensais que c'était un 14. Moi aussi, je pensais que c'était un 14, jusqu'à... Je l'ai réalisé samedi passé, le lendemain du show, quand un copain m'a dit non, ma fête, c'est dimanche, c'est un 8, fait que ça marche pas. Fait que nous autres, on va finir ça un vendredi 13. Ouh. Exactement, on est pas heureux. On est pas heureux. On va aller chercher des petites tounes d'ambiance. Ben oui, regarde, hein? On va travailler ça. Excellent. Ça va être super. Puis à part de ça, ben Nadja va commenter, elle, on va s'ostiner avec elle, ça va être drôle. Si vous voulez nous rejoindre, mesdames, messieurs, vous pouvez nous laisser un email à studioacommercialeddnp.com ou encore sur le MSN, Pat est ouvert. Yeah, et déjà, je discute avec des auditeurs. Des auditeurs, donc ouais. C'est toujours la même adresse sur MSN, studioacommercialeddnp.com. Et puis, vous pouvez également nous syntoniser sur Tactical FM en rediffusion, mais aussi en live sur XL Tracks en français, notre provider officiel avec Radio Solutions. Mm-hmm. Et également sur radiosphère.ca qui présente l'excellent show du B en liberté à toutes les semaines. Lui aussi achève, là. Je pense qu'il reste 2-3 semaines. Il finit pas mal dans nos mêmes dates, là. Exact. Il va prendre un congé, lui ben aussi. Oui, là. Écoute, congé estival. C'est ça. Il se passe rien l'été. Tout le monde va aller se faire bronzer. Toutes les activités se passent là. Ben oui. On essaie de prendre nos vacances. Là, yeah, Ron a compris, lui, ça fait un mois qu'il est parti en vacances. Hey. Également sur Franco Radio, on est là sur les 3 radios de Franco Radio, c'est pas 4. Donc, allez faire un tour sur nos sympathiques partenaires qui, grâce à eux, diffusent un show fantastique. Parce que sans eux, ben ça ferait dur. Là. On ferait un show ici en dedans. Là, mais puis le monde en face là, qui des fois nous regardait. Ouais, là, mais là, c'est en train de changer de staff là, l'autre bord. Là. Ah, fait qu'on sait pas trop là, qui qu'on va avoir comme auditeur dans les derniers shows. Mais ça va être plus au mois de septembre là, qu'on va voir. C'est les vrais tops. Parfait. Fait que sur ce, mesdames, messieurs, on va commencer tout de suite l'émission parce que ça va être très, très chargé une fois de plus. Et je suis allé chercher une toune des Foo Fighters. Wow. La nouvelle qui s'appelle Let It Die. Fait qu'on s'en va écouter ça tout de suite après. Ah oui, c'est vrai, on va partir ça, cette grosse patente-là de camion. Là. Oh. Regarde, la roue coule. Là, on est en train de démonter quelques petits morceaux parce que là, cet été, on change ça. On va essayer de le faire hybride. Là, fait que, ouais, là, ouais, on a commencé à démanteler des affaires. Okay. Il n'y a plus de break à bras. C'est fini. Ah, terminé. Non, on n'aura plus. On a encore des bons vieux freins à disque, là, mais oh. Ça achève ça aussi. Fait qu'on s'en va écouter les Foo Fighters et puis on revient avec un petit peu d'actualité puis des sujets. Vous êtes en direct de nulle part jusqu'à 23h. Lost its pride. Beautiful veins and bloodshot eyes. I've seen your face in another light. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? In too deep and out of time. Why'd you have to go and let it die? A simple man and his blushing bride. Intertwined hearts gone cold, your hands were tied. Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Why'd you have to go and let it die? Into deep and out of time. Why'd you have to go and let it die? Never think of me. You're so considerate. Never think of me. Oh, so considerate. Into deep and lost in time. Why'd you have to go and let it die? You Magnum Babiscum in cum spiritum sanctus. Ça, avec les images qu'on avait diffusées, les gens sont très surpris de cet acquis. Ben, c'est vrai, tout le monde est dépassé, mais là, juge, je l'ai expliqué, moi. Hey, ça a été long, hein. Commencé vers 2 heures. Ça a fini vers 4 heures. Mm-hmm. J'ai son jugement, 30 pages. Okay. Puis lui, il a décortiqué ça, puis je l'ai dit. Faut faire attention. Ouais. Les images, l'hélicoptère monte du haut des airs. Il y a des choses qui se sont passées en bas. Il y a eu des témoins. Le juge a accordé beaucoup d'importance aux témoins civils qui ont vu des choses. Alors ça, c'est sûr. Puis quand les policiers m'appellent le matin, parce qu'on peut connaître ça, quand c'est des policiers ou des policières, vous défendez une droguée puis sa fille de votre boss, ça n'a rien à faire. Moi, Pierre-Carl Pelledo, pas lui qui décide ce que je dis dans mon émission le matin. Vous m'écouterez à 9h ce matin. Faut connaître Claude pour savoir qu'on lui dit pas quoi dire. Aminum babiscum in cum spiritum sanctus. Bonjour, ici Paul Oud. Cette semaine, en direct de nulle part, ça va barder en un cicaise de sacrament d'abarnaque en franchine, un tabarnak de cicaise de grosse vachale avec des plis. Vous avez pas aimé ce que vous avez entendu? Ben, je vous blâme pas. C'est normal. Ici, on se laisse aller, pis pas à peu près. Bienvenue sur en direct de nulle part. Lâchez-vous douce. Ça presse. Et le jeune. T'aimes groover, t'aimes cruiser, t'aimes te frotter ces petites bétounes, tu veux montrer ta civique, pis flouber ton fric. Alors, le tout nouveau bar-lounge rencontre branché le Beat Market de Laval est là pour toi. Groove. Viens sur le dance floor, frotter sur des plots en spécial au rythme de DJ Party Boy. Tous les mercredis soirs, uniquement au Beat Market. Ah, as-tu vu sa saucisse et ses allemandes? Ouais, pis toi, la blonde au gros ballon, en passant, sont-tu dans la saison qui sont chuteux, là? Rose. Au Beat Market, tu choisis ton morceau ancien. Attends ton rhum coco, pis tu payes à sortie au bar à shooter. Ciao. Un hyper huge parking a été spécialement aménagé pour faire tes shows de boucan avec ta grosse cylindrée. Vas-y, montre-nous ce que t'as dans ton char, Johnny. Ouais, mais check-le bien mon char, parce qu'il fait dans tabarnak. Oui, le Beat Market, c'est la place pour magasiner sa baisse. 4669 Saint-Martin-Est à Laval, danse à Réobéro table tous les jeudis soirs, puis shooter toute la veillée pour les filles en top rose. What is love? Knights of the Road, here's your stallion. The car for freedom. The car for hot excitement. The car for a man who is alone against the elements. Ibatsu Thunder. The pride is back. It's the power of a compact. Looks small, but it's so big. Fuel injected. Inject me. My Batsu Thunder. On the toll road of life, you have to pay to prove you can. Live the emotion of an individual. Thunder. The awesome power of nature distilled into one vehicle. Because after you get struck by lightning, there's thunder. The My Batsu Thunder. En direct de nulle part! Avec votre hôte, Mr. M. Monsieur Massicotte. Eh oui, de retour en direct de nulle part, votre show du vendredi soir. Bon, alors, par quoi qu'on commence cette semaine? Évidemment, comme Mr. T n'est pas là, il n'y aura pas vraiment d'actualité commentatée à proprement dit. Mais on va quand même parler de quelques petites affaires qui se sont passées cette semaine. Bon, entre autres, j'avais quasiment le goût de commencer avec Madame Couillard. Mais je pense qu'on va garder ça pour plus tard, hein. OK. parce qu'elle est kinky, la madame. Ouais, il est tôt encore. Hein. Ouais, c'est ça, tôt. Pour parler des gros attributs de madame. D'ailleurs, qui ont fait le bonheur de George W. Bush, je sais pas si vous avez entendu, là, mais il avait lâché une affaire. Comme ça, j'ai pris ça en note. Well. Il dit, je vois que tu es en très bonne compagnie. Il a dit ça à la fille, parce que, tu sais, elle avait son petit kit, là, avec, avec un regard plongeur. Puis là, il est allé à l'émission de Paul Larocque. Puis là, elle a amené sa photo avec George W. Bush, puis elle était toute fière de conter son histoire de boule, là, puis elle dit, hey, George, il m'a remarqué les seins, puis... Il a félicité pour ses seins? Ouais, c'est ouais, ça, ouais. C'est une espèce de... Elle voulait faire une promotion, là. Félicitations. Ouais, franchement, là, elle s'est mise sur la map, comme on dit. On pourrait parler peut-être des petites actualités politiques de la semaine. On a parlé en entrée de Stéphane Dion, qui est dans le cambouis total. On dit qu'il est à 15% d'appui au Québec, selon les derniers sondage CROP, et les libéraux de Stéphane Dion sont retournés au score du printemps de 2006 où Paul Martin avait comme tout scrappé le parti, puis on l'avait forcé à prendre congé et démissionner parce que ça avait plus de bon sens. Et puis là, on voit que Stéphane Dion, peut-être avec son idée de... Attends un petit peu, la semaine passée, là, il est arrivé avec une affaire, lui-là, là, qui voulait monter le gaz à 2,5 piastres. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Ouais, tu t'en rappelles de ça, hein? Ouais, c'est... Quelle idée géniale. Brillante. C'est vraiment brillant, là, c'est comme... Qu'est-ce qu'il y avait en dessous de ça? Ça rapportait quoi, donc, il disait? Ouais. C'est ça, je me souviens pas. Il disait que... Oh, lui, ça rapporte de l'argent, là, mais je sais, ça donne, ouais. Tu sais, c'était quoi le but, là? Qu'est-ce qu'il y avait de positif pour nous autres? Ben, à cause de ça, probablement que les voitures fonctionneraient, tu sais, moins bien, puis on aurait moins de voitures qui seraient sur la route, mais là, c'est parce qu'on est rendu déjà au point où ce que les gens ont déjà fait des concessions, mais là. Déjà, les métros sont pleins, le monde utilise les transports en commun. Ben, c'est ça. On est presque à côté, là. Faudrait en faire plus, là. Hey, depuis un an, là, je te dis que quand je vais à Trois-Rivières, là, je mets ça sur le cruise à 105. Ah ouais, c'est pas hey. Attention, là. Attention! J'ai déjà pogné des tickets à 160. Ah! Ben, franchement, là, on est loin. Ben, non, mais je roulais pas 160 souvent, là. Ça m'est arrivé une fois que j'ai fait 160 pour essayer la voiture. Puis là, c'est là que ça arrive tout le temps, que le policier t'embarque. Mm-hmm. Ben, il t'embarque pas, mais il colle un beau ticket. Mm-hmm. Ben, écoute, ben, là, le monde, on a commencé. Moi, le plus possible, je prends mon vélo. À cette heure, le métro, ben, ça fait longtemps. Quand on est à Montréal, on a vite le réflexe d'utiliser le moins possible sa voiture. Exact. Du moins en ville, là, parce que c'est compliqué. Le trafic. Ah oui. Le stationnement, c'est cher. Tout est compliqué, là. Là, c'est de plus en plus compliqué. Puis là, Stéphane Dion, mais ben, là, il disait que c'était, ben là, je pensais que je l'avais. Mais en tout cas, en gros, ça disait, c'est ça qu'il voulait monter les prix de l'essence, puis que ça s'en irait dans un pot pour Kyoto. Encore là, on sait pas comment ça serait dépensé, cette histoire-là. Tu sais qu'est-ce qui arrive avec ces pots-là, hein? Oh, oui. Ça on fait s'en des va pots, en vacances. C'est ça. En vacances. Hein? Oh, l'argent disparaît, le ben ouais. Chaos. On va, des enveloppes brunes. Ah. On se ramasse deux ans plus tard. Ah, ben finalement, on n'a pas ramassé autant qu'on avait prévu, parce que bon, ça nous a coûté plus de frais, Alouette. Faut pas oublier non plus, là, quand il avait dit, là, que l'argent devait être envoyé sur les routes du Québec, là, quand ils ont augmenté les taxes sur l'essence, là, on s'excuse, là. C'est passé où, l'argent? Ben, c'est ça, là, il y a des trous partout. Et d'ailleurs, c'est Honda, j'ai su ça la semaine passée ou la deux semaines, Honda, ça a l'air que depuis plusieurs mois, l'équipe de Honda Japon sont à Montréal, dans la région de Montréal, parce qu'ils vendent beaucoup d'Honda au Québec. Hein? C'est une des voitures les plus populaires, les Civic puis tout ça. Mm-hmm. Et ils sont en train de faire des tests et essayer de comprendre c'est quoi le problème avec les amortisseurs des Honda, parce qu'ils vendent beaucoup de chars ici Honda, et il y a beaucoup de retours sur les amortisseurs, sur les voitures neuves, des garanties, ça coûte très cher. Ils ont pas été faire de tour ces routes? Ben c'est ça, ils sont en train de se rendre compte. Ils pensaient au début que c'était le climat, puis tout, là, ils font des recherches depuis, je pense que ça a commencé au mois de décembre ou quelque chose de même. Et puis là, ils se sont rendus compte, Christy, c'est pas ça le problème, c'est que les routes sont tellement tout croche, puis là, ils se posent des questions. Ah. Comment ça que le gouvernement ici s'occupe pas des routes? C'est des champs de mines. C'est des champs de mines, puis tu sais, c'est quand même assez gênant. Tu dis, la compagnie s'en vient ici spécialement pour ça, puis là, ils essayent de développer une expertise de nid de poule, parce qu'on est à la pire place dans le monde, là. Hey, je m'excuse, là, mais en tout cas, moi, personnellement, je me sens un peu... Je me sens cheap. On a honte un petit peu. Ben, j'ai honte parce que je me dis, regarde, ces compagnies-là, à un moment donné, ils vont dire, ben là, ça a plus d'allure de vendre des chars ici, on va scraper les garanties, ça sera plus 5 ans, vous autres, ça va être 3 ans, parce que ça coûte plus cher, tu sais, les amortisseurs, tu changes 3 fois sur un Honda au Québec, comparé à un en Ontario. T'as pas besoin d'aller bien loin, ils disent qu'à Ottawa, déjà là, c'est beaucoup différent. Oui, c'est très différent. C'est très différent. Quand on passe la border, borderline. C'est ça, entre le Canada et l'Ontario. Entre le Canada et l'Ontario. Le Canada français. Québec et l'Ontario, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est jour et la nuit. Puis là, si on va dans le sud, c'est encore pire. Là. Si on va aux États-Unis où les routes sont payantes, t'as tout le temps deux routes, hein. T'as la route qui est gratuite aux États-Unis, exact. Comme plus une route de campagne. Comme ici. Et puis si tu payes le gros prix pour aller dans une route plus belle, plus grande, ben là, dans ce temps-là, là, les routes, je peux-tu te dire qu'elles sont top-notch. Alors voilà le sujet d'aujourd'hui, qui sort dans les journaux. Quel lien incroyable. Lily et Daniel. Ben oui, attends un peu. Montréal mise sur les péages. Et voilà. Yes, encore de l'argent. Ben oui. Et puis là, ceux qui disent encore que ça va s'en aller ces routes. Oui. Exactement. Puis on sait très bien ce qui va se passer. Ça va être tout sauf ça. Ça va aller dans le fameux fonds consolidé de la province et ça va être englouti dans des petites commissions qui finissent plus. D'ailleurs, on va en parler ce soir, les prix des commissions. On parle pas des petites commissions aux dépanneurs. C'est faramineux. Non. Les commissions Johnson, Bouchard, Gaylord, puis toute la gang. On parle là, de quelques mille dollars par résident. Par résident puis par commission. Exact. Si on fait le total, là, ça va faire peur. Ça va faire la livre. Dites-vous que c'est vous qui payez ça, madame, messieurs. Voilà. Alors, pendant que Stéphane Dion, lui, dit qu'il faut monter l'essence, alors on dit que Petro-Canada a enregistré au début du mois des profits records de 1,1 milliard pour son premier 3 mois. Ben, c'est des profits records. As-tu remarqué depuis un an ou deux, ben c'est oui. toujours un record, puis oui. un nouveau record. Record par-dessus record. Toujours. Moi, ça m'écœure parce que Petro-Canada, là, avant Paul Martin, ça appartenait au gouvernement. Oui. Parce que là, je me disais dans ce temps-là, bon, ben au moins, ils font de l'argent, mais c'est comme réinvesti dans le gouvernement parce que ça, c'est comme Hydro-Québec, c'est ça appartient au gouvernement. C'est parfait. Lui, pour faire éponger son déficit puis pour faire boucler son budget, il a décidé de vendre les actions qui nous restaient de Petro-Canada. Puis depuis que le gaz a commencé à monter en fou, depuis 3 ans, comme tu dis, Pat, ben depuis ce temps-là, Petro-Canada n'appartient plus au Canada. Donc, c'est des intérêts privés qui ramassent tout le cash. Donc, des profits records qu'on aurait pu avoir, nous autres, ben on oublie ça. Terminé. Augmentation de 82% par rapport au bénéfice net de 590 millions, qu'il avait encaissé au premier trimestre de l'année. Ça veut dire que l'année passée, à la même période, les 3 premiers mois, ça lui avait donné 590 milliards. Là, sont au double. C'est pas mêlant, là. C'est du simple au double en 1 an, là. M'excuse, là, mais qui venait pas nous dire, là, que parce que moi, c'est ce qui est plate là-dedans, c'est qu'ils sortent toutes sortes de raisons pour dire que le gaz va monter. Bon, là, il y a des, on manque d'abeilles dans le sud du Honduras, là, ça va faire monter l'essence. Il y a eu des coups de vent, Il y a plus de 30 km. Au Japon. On anticipe. Oui, c'est ça, anticipe. Ils font une hausse parce qu'ils anticipent qu'il va arriver des problèmes. Puis là, bon, eux autres sont très fiers, les pétroliers. On dit l'exercice débute très bien pour nous, j'espère, tu sais. Puis là, il dit que les résultats de Petro-Canada ont nettement dépassé les prévisions des analystes. Et puis on dit que ça va encore continuer parce que le baril continue d'augmenter à des rythmes fous. Là, regarde, cette semaine, ça a monté à 1,45 l'essence. Moi, c'est pas pire parce que je me sers pas beaucoup de ma voiture, mais je pense aux gens comme les chauffeurs de taxi, là. Ces gens-là, souvent, même les livreurs de pizza, c'est con à dire, là. J'ai fait de la livraison de pizza un certain temps, moi. Puis, écoute bien, là, la partie qui est payée par ton employeur, là, ça couvre à peine, puis c'était dans le temps. Dans le temps, ça couvrait à peine. C'est pas Petro-Canada où les techniciens sont en grève ou Ça se peut. C'est bien possible. Ils ont la difficulté à signer une convention collective avec leurs employés alors qu'ils font des milliards. T'as raison. Je pense que c'est vrai, c'est eux autres, ça. J'ai de la misère avec ça, moi, là. Ah oui, regarde. Ils disent que le prix moyen obtenu par les compagnies au premier trimestre, c'était de 93 $ le baril. Tu vois, ça, c'est rien qu'au début du mois. Là. Puis là, c'était les 3 premiers mois. Ils disent que la moyenne du prix du baril, c'était 93. Puis dans les dernières nouvelles de cette semaine, on était rendu à 135. C'est ça. Fait que, tu sais, en même pas 2 mois, là, ça a monté à un rythme de mongol. Là, je suppose qu'on s'en va avec ça. Là, cette semaine, il y en a qui ont dit, des grands spécialistes, qui ont dit que le baril est à veille de commencer à descendre. Parce que il y a beaucoup de spéculation. Les gens achètent des barils d'essence pour faire de l'argent dessus. C'est-à-dire qu'on là, mettons, quelqu'un qui a 1 milliard, ben là, il achète pour 1 milliard d'essence en espérant que le prix augmente dans 3 mois. Puis là, il va faire, mettons, ça va assez vite, là, on l'a vu, là, ça monte de 10-15 piastres à toutes c'est les ça. 3 semaines, là, c'est en site. Fait qu'il y a beaucoup d'argent qui est fait de même, du monde qui retiennent la production de pétrole, parce c'est que l'OPEP, qui est les pays qui sont producteurs de pétrole, eux autres veulent pas augmenter. Ils augmentent pas leur production, même s'ils sont capables de le faire, mais tu sais, on se met à leur place, puis eux autres, ils ont le beau jeu là-dedans, plus que le prix est fort, tu sais, ils ont rien à perdre, eux autres-là. Sauf que là, c'est ça le problème, c'est que les gouvernements doivent commencer à penser à des alternatives. Et heureusement, ça commence à suivre. Là, je sais pas si vous avez vu cette semaine dans la presse, le gars qui s'appelle Loïc... en tout cas, le gars, il prend des Mazda 3, puis il modifie, il fait des chars électriques avec. Ça coûte une vingtaine de mille piastres, le char inclus. Mm-hmm. Il prend des Mazda 3 usagés, et lui, il enlève le moteur, il enlève tout ce qu'il y a dedans, il met des grosses batteries là-dedans, et puis ça fait un véhicule qui avance à électricité avec une autonomie de 100 km. Mais ils disent que 90% des gens font moins de 30 km pour aller au travail, ou moins de 30 km par jour. Fait qu'une autonomie de 100, c'est assez pour la plupart des gens. On dit aussi que bon, le coût de la recharge pour 100 km, c'est 1,80 $. Wow. Comparativement, mettons un 100 km en char, là, moi, je sais qu'il va me coûter 25, là, à peu près, ça, là. 30, si tu 25, roules, tu sais, un 110, mm-hmm. là, t'essayes d'économiser, puis ça va te coûter à peu près 25, 30 piastres. Sur des Hummer, on n'en parle pas, là. Non. La vitesse maximale de son prototype, c'est 120 km/h. C'est bien correct, tu sais, je veux dire, pas besoin d'aller plus vite que ça. Le seul problème, c'est ça, c'est que ça prend... tu peux le brancher n'importe où pour recharger ton véhicule. On a mis un fil électrique à la place de la tank à gaz. Le fil sort. Tu branches ça dans le mur. Mm-hmm. Et puis, ça prend une dizaine d'heures à recharger. OK, c'est ça. C'est ça. Sauf que la personne peut le faire la nuit, mettons. Oui, tu t'organises. Dans le cas d'une deuxième voiture, mettons, un couple qui a deux voitures, c'est parfait. Tu sais, la voiture de ville, souvent, quand quelqu'un travaille pas trop loin, prends ça. Et puis, l'économie que tu peux faire en essence, il calcule environ de 2 à 3 000 $ par année. Ce qui est quand même très bien. Mm-hmm. On dit, par contre, il faut changer les batteries à tous les 4 ans environ. Okay. Puis ça, c'est un coût de 2 500 $ pour les batteries, mais c'est une fois autour aux 4 ans. Puis c'est encore juste lui qui peut faire ça ou là, on peut l'utiliser? Je pense que pour l'instant, il est seul à avoir cette expertise-là, mais c'est sûr que ça va se développer. Ça va donner le goût aux autres, là, parce que... là, c'est ça. C'est la presse qui a commencé ça. Ils ont fait un article dans le journal cette semaine là-dessus. Et puis, en... 4-5 jours, ils ont donné plein d'entrevues, ce gars-là. Mm-hmm. Ils sont rendus avec un carnet de commandes d'au-dessus de 250 voitures. Il y a 25 000 personnes qui sont allées voir son site web en l'espace de quelques jours seulement. Et puis, ça continue, là, parce que là, il commence son entreprise et elle vient de démarrer. Fait que, tu vois, il y a des solutions qui sont possibles. Il y en a. Sauf qu'évidemment, ça commence, puis ça s'adapte pas peut-être à toutes les situations. Il y a des gens que ce serait plus compliqué. Quelqu'un qui fait plus que 50 km pour aller au travail, ben là, on dit que ça va être plus difficile, là, parce que tu peux pas recharger vraiment, tu peux pas aller prendre un petit café puis aller recharger ça en attendant. C'est plus long que ça. Ouais. Mais quand même, pour bien des gens, ça pourrait faire l'affaire. C'est un début de solution. Et puis, évidemment, avec les technologies des batteries au lithium qui s'en viennent, qui sont plus efficaces, qui sont moins pesantes, plus légères, cette technologie-là va a des beaux jours devant elle, je pense. Et puis, c'est un produit du Québec, n'est-ce pas? Ça s'appelle la VEQ. Exact. C'est la voiture électrique québécoise. Et puis, on va mettre tantôt les liens sur la page si ça vous tente d'aller voir ça. Il y a des vidéos d'essais. Ça a tout été homologué par la SAAC, la Société d'assurance automobile du Québec. C'est ce qu'on a reçu par email cette semaine? Non, toi, tu parles du Zencar. Oui, ça, c'est le dossier de Mr. T. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Le Zencar, c'est un autre dossier. C'est une voiture qui va à 50 km/h, qui est fabriquée à Saint-Jérôme, mais qui n'est pas homologuée au Québec encore, mais qui roule dans certaines provinces, puis surtout aux États-Unis. Merci de remettre les pendules à l'heure. Oui, c'est ça. Loin de moi l'idée de... Merci. Mais en tout cas, le Zencar, c'est ça. Ça, c'était notre ami Yannick qui nous avait... Mais tu vois, c'est d'autres solutions comme ça. Oui. Ça s'en vient, là. On le voit parce que les gouvernements n'ont pas le choix. Même les méchants Américains qui ont des gros camions puis tout ça, eux autres même n'ont pas le choix. Les voitures s'en viennent de plus en plus petites aussi de leur bord parce que, regarde, jusqu'à maintenant, c'était le party. Le gaz était pas cher là-bas. Mais ça les rattrape, eux autres aussi. C'est comme n'importe qui. Fait que, bon, c'est sûr que la crise du pétrole pourrait avoir du bon là, dans ce sens-là, à condition qu'on fasse les efforts pour s'en sortir, parce que sinon... Mais là, si j'ai bien compris, tu me dis on est loin de Stéphane Dion, j'étais parti sur les chiffres de Stéphane Dion, ça n'a pas d'allure. Mais c'est bon, on va continuer. Qu'est-ce que tu dis? Si j'ai bien compris, là, tu me dis qu'il y a des personnes qui achètent beaucoup, beaucoup de pétrole. Ouais. Là, ils gardent exemple dans leur cours. C'est ça, ils le vendent pour dans 3 mois, dans 4 mois. Ils créent une rareté. C'est ça. Ils passent quand le prix est élevé. Puis ils font une base de cash. Évidemment, parce que ça baisse plus le gaz. Fait que c'est sûr que tu fais de l'argent. Tu sais, à moins, quand on va arriver au bout du bout, là, mais oui, c'est quand ça? T'sais, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est comme l'immobilier qui monte tout le temps. C'est ça, là, tu sais. Mais comme on disait, il y en a peut-être qui ont prévu que le baril pourrait redescendre à 95. Moi, j'y crois pas. Ben, honnêtement, là. Depuis, en tout cas, que je conduis une voiture, j'ai rarement vu le gaz baisser d'une façon significative. Non. À part une guerre du pétrole, là, peut-être 5-6 ans, 7 ans, max, où je me rappelle d'avoir tanké à 35 cents du litre. Wow. Ça, c'était dans le temps que Ultramar avait lancé, tu sais, sa fameuse politique de « on surveille les prix pour vous », là. Puis ouais, aussitôt qu'il y en a un qui... Oui, je me rappelle. Puis là, il y a un petit comique, je me rappelle plus quelle chaîne, qui avait commencé à baisser le prix. Puis à Trois-Rivières, on avait eu une guerre des prix incroyable, puis c'était rendu à 35 cents du litre. C'est vrai. Puis là, un moment donné, ils sont, je sais pas quand, ils se sont rencontrés pour se dire « ça va faire, les gars. » On perd de l'argent. Tu perds de l'argent, je perds de l'argent. On arrête ça. On arrête ça. Puis depuis ce temps-là, ça n'arrête pas. Ils ont compris. Effectivement. Donc, Stéphane Dion, effectivement, avec sa politique d'énergétique pourrite, n'ayons pas peur des mots, est en train de faire crouler son parti. On dit qu'au Québec, dans le sondage qui s'est terminé le 26 mai dernier, le parti de Grilled Sep récolte 31% des appuis, qui est très heureux. C'est une hausse de 3 points sur avril. Lui, il surfe un petit peu sur l'histoire de Bernier. On dit que le parti conservateur montre d'un point à 28%, toujours au Québec, là. Okay. Ensuite de ça, c'est le NPD au Québec à 16%. Et puis, on dit qu'il y a quand même 14% d'indécis. Okay. On dit aussi qu'on entrevoit une érosion des appuis aux conservateurs à cause de toute l'histoire de Julie Couillard et du ministre Bernier. On dit que ça va avoir des répercussions, mais ça, on va le savoir dans le prochain sondage. C'est sûr qu'on va le voir à ce moment-là. La satisfaction à l'endroit du gouvernement fédéral diminue également. On dit qu'elle est rendue à 48%. Puis là, on dit que c'est un point de moins qu'il y a un mois. Fait que ça diminue d'un point. C'est beaucoup. C'est beaucoup puis c'est pas beaucoup parce que, tu sais, c'est un sondage. Fait qu'il y a tout le temps une marge d'erreur. Fait que, tu sais, 1%, ça rentre dans marge d'erreur pas mal, là, tu sais. Ça dépend des échantillons que tu prends puis tout ça. Mais on dit que le nombre d'insatisfaits augmente régulièrement depuis 3 mois. C'est passé de 40% d'insatisfaction à 44% puis à 48%. Mm-hmm. Par contre, quand on demande aux gens quel premier ministre que vous pensez qui ferait le mieux le travail, ben c'est le premier ministre Harper qui monte, qui a le plus d'intentions. Puis là, bien loin derrière, on a le NPD à 27%. Et puis, ben, évidemment, là, Gilles Duceppe n'est pas là-dedans parce que lui, c'est un parti d'opposition éternelle. Fait que c'est sûr qu'il peut pas être dans ces chiffres-là. Non, puis, Monsieur Dion décroche un 16% d'appui. Il y a personne qui le voit en tant que premier ministre. C'est unanime. Et avec raison. Avec raison. Parce que ce gars-là, il y a pas de colonne. Tu sais, on dit, il y a pas de prestance. Moi, pour avoir un premier ministre, faut que t'aies une espèce de j'ai pas. Des couilles. C'est ça. T'as-tu de quoi dire? Des messes à table. Pow! Lui, il est comme, on dirait, il est jamais sûr, il est tout le temps, non, ça marche entre pas. Entre deux, toujours. D'ailleurs, je sais pas jusqu'à quand ça va marcher, son histoire à lui. D'un moment donné, les gars, ils vont se tanner, ils vont sacrer dehors, ils vont dire, regarde, on peut pas aller en élection avec toi, c'est sûr qu'on s'en va dans le mur. Les résultats sont pires qu'avec Paul Martin qui ont crissé dehors. Fait qu'à ce moment-là, pourquoi tu garderais lui? Aucune idée. En tout cas, fait que c'est ça, ça bouge toujours. Là, on s'en va bientôt vers la fin des séances parlementaires. Eux autres, ils partent en vacances. Ouais. C'est assez incroyable, pareil, eux autres, ils... Je pense qu'ils ont 2 mois le printemps. Là, ils partent le 20 juin, là, puis ils reviennent juste en mois d'octobre-novembre. Mais qu'est-ce qu'ils font durant le reste de l'année? Le gouvernement, lui, c'est ceux qui ont des dossiers avancés. Les députés, ils disent qu'ils s'en vont dans leur comté, puis ils attendent que le monde leur parle. Mais moi, j'ai jamais été voir mon député. J'ai jamais été rencontré pour quoi que ce soit. Ils vont sur le coin de la rue, puis ils signent des autographes? Je sais pas, peut-être. Qu'est-ce qu'ils font? Faudrait aller voir... ici, moi, c'est un du membre du Bloc québécois qui s'appelle Thierry Saint-Cyr. Le petit Thierry, qui est beau et sympathique, qui envoie tout le temps son petit calendrier à chaque année. Là, ça me fait bien rire. Là, ils ont l'air tout contents de nous remettre ça. Puis dans le fond, tu sais que c'est toi qui le paye. Puis son lettre, les calendriers, ça finit tout le temps au vidange. Ça, toujours. Recyclage. Au recyclage, oui. Non, sérieux, j'ai 4 sacs de recyclage, moi, là sérieusement. Là, ça n'a pas de bon sens. Tantôt, on va parler peut-être d'Obama. Je voulais aussi vous parler de l'Action autochtone qui s'est fêtée cette semaine. On dit que c'était... Bon, on dit qu'il y a eu beaucoup de manifestants autour du Parlement d'Ottawa. C'est qu'on a fêté de la festivité des revendications autochtones partout au pays. Tout était calme dans certaines provinces, mais ici au Québec, on a eu entre autres les Mohawks qui ont bloqué la route 344 qui traverse la municipalité d'Oka. En 90, tout le monde se rappelle, c'était cette route-là qui avait été barricadée. Donc, on a dit que c'était pour commémorer la journée des Autochtones puis la revendication autochtone. On a dit, on va barrer la route, ça va faire comme le party. Au lieu d'organiser, je sais pas, un concert un power ou quelque chose de même, d'inviter du monde à goûter des mets typiques ou je sais pas, faire de quoi de constructif. Eux autres, ils ont décidé de faire de quoi plutôt négatif. Et puis là, on sait qu'ils sont en controverse un peu à cause de l'histoire des cigarettes, là, ces temps-ci. Ça coûte pas cher, là. De plus belle. Mmh. Et puis en plus, là, l'histoire de l'autoroute 30, on dit que les Indiens sont prêts à barricader et puis à empêcher le projet d'autoroute. sur la rive sud de Montréal si ça passe trop proche de leur territoire, parce que c'est prévu que ça s'en aille dans ce coin-là. Et puis, ils veulent rien savoir. Comme d'habitude, je pense qu'on va fléchir parce que nos ministres... Fléchissent. Ouais, ils fléchissent devant les 10 parce qu'ils étaient une dizaine là, pour l'autoroute 30. Ils sont 10 Mohawks, puis c'est assez pour tout scraper à machine, oui. Ça a l'air. Nous aussi, cette semaine, j'ai assisté à un petit, une petite manifestation. Ah ouais? Des Amérindiens, comme ça, la journée même. Et ouais. Puis, ils au étaient... Au centre-ville, c'était au centre-ville. Okay. Ils étaient 4. 4? Qui voulait se battre? Contre 3. Qui ne voulait pas. Il y avait 4 Amérindiens et 10 ou 12 médias. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est qu'en leur donnant de l'exposure de même, ben là, eux autres, ils en profitent, c'est sûr. En tout cas, ça, je pense que c'est justement une des choses. Il va falloir peut-être arrêter de lui donner une importance de même. Je comprends qu'il y a des problèmes dans certains coins plus au nord. On dit que les leaders autochtones ont dit qu'il faut faire de quoi, le gouvernement doit faire de quoi pour améliorer les conditions de vie qui sont déplorables dans les Premières Nations, la lutte à la pauvreté, les conditions sanitaires, les logements. Oui, c'est vrai, ça fait dur. En même temps, le gouvernement donne déjà beaucoup d'argent, ça se compte en milliards. Là. Autant au fédéral qu'au provincial, c'est des milliards. Il y a la paix des braves qui a été signée par Bernard Landry il y a quelques années. Mm-hmm. C'est un deal absolument gigantesque, l'argent qui est versé. Sauf que le problème là-dedans, c'est que c'est versé aux leaders des communautés. Et je crois que l'argent ne se rend pas. C'est par pays. On voit le conseil de bande, on a vu, vous savez l'histoire là qu'il y avait eu la crise là avec les policiers il y a peut-être 2 ans de tout ça, puis le maire de la réserve avait dû quitter sa réserve parce que là il y avait eu des menaces de mort des peacekeepers puis ouais, toute la patente. Puis ça il avait dit effectivement que c'était une bande qui était dans le conseil de bande qui gérait tout l'argent puis qui était en train de prendre le contrôle de toute la population. Puis c'est un peu ça je pense qui se passe dans ces coins-là, c'est que souvent ils sont isolés. Et puis, il y a 3-4 têtes fortes qui prennent le contrôle. Puis, à ce moment-là, ben, le gouvernement a un menu qui font le chèque. Ils n'ont plus le droit de regard sur l'argent. Fait que l'argent est mis de côté. Il y a du monde qui vont acheter des armes, qui font du trafic avec ça. En tout cas, au cas, ça a l'air d'être le cas assez... ça a l'air d'être assez répandu. On finance des casinos clandestins sur Internet. C'est la grosse mode aussi à Kanawake. Je pense qu'il y avait une statistique qui était sortie l'année passée qui disait, je pense que le 3/4 des casinos du monde sur Internet étaient gérés à partir de Kanawake. Il y a une affaire incroyable. Là. C'est beaucoup, beaucoup d'argent qui passe par là. Et puis, étant donné qu'eux autres sont maîtres chez eux, ben on peut rien faire. Fait qu'en tout cas, ça s'est passé également cette semaine. Et on va continuer d'entendre parler parce que, justement, il y a des négociations qui se font un peu partout pour des revendications territoriales au Canada. On dit qu'il y en a 800 en tout qui sont présentement en cours avec les gouvernements puis les Amérindiens. Et là-dessus, il y en a 300 qui sont seulement dans la Colombie-Britannique. Ça, on sait qu'il y a beaucoup de natives. Là-bas, c'est pas des Amérindiens, c'est des natives. Uh-huh. Puis il y a 300 demandes territoriales. On dit qu'on veut reprendre les territoires qui étaient ancestraux puis tout ça. Sauf qu'en même temps... Mais tout le temps que ça passe en cours, tout le monde qui sont payés par le gouvernement, c'est-à-dire nous, pour aller en cours, plaider, recommencer, écrire des papiers, des études, se déplacer, redéplacer, recommencer, 20 ans, 30 ans, 40 ans, combien d'argent en tout on dépense pour ça? C'est des millions et des millions, puis on dirait que c'est ça, comme tu dis, il n'y a personne qui veut le régler le problème, parce que peut-être ça sert tout le monde, là, mais en tout cas... Et voilà, peut-être c'est la question et la réponse en même temps. Puis en même temps, les Amérindiens... ils pourraient participer aussi au développement, comme je prends le Québec, mettons. Si eux autres arriveraient et ils disaient, ben là, on parlait il y a quelques semaines de l'électricité, il y en a qui nous ostinaient que l'électricité coûtait 40 cents du kilowattheure. Mais on l'avait en 6 cents. Ouais, on l'avait en 6 cents. Ça, c'est des statistiques assez époustouflantes alarmantes, comme on dit. Mais la réalité, c'est ça, c'est que 6 cents du kilowattheure, que ça revient, en fait, la production est à 3-4 cents, puis ils nous le vendent à 6 cents. Mais là, on dit que les voitures électriques s'en viennent, puis tout ça, ben l'énergie qu'on va avoir de besoin va augmenter. Pourquoi qu'on donnerait pas à ces Amérindiens-là les outils pour qu'ils s'installent quelques barrages, qu'ils commencent eux autres aussi à travailler dans ce domaine-là, puis qu'ils deviennent des kings électriques. Puis parce que là, présentement, on dit que là, ils font plus de chasse pour vendre des fourrures, là, c'est pas mal off. La bouffe, ben là, tout le monde a des supermarchés, fait que c'est rare qu'on va aller demander du caribou amérindien. Les cigarettes, ben là, on voit que c'est une économie un peu underground, c'est pas l'idéal pour bâtir. Fait que peut-être ce serait une des choses chose qu'on pourrait demander aux Amérindiens, de travailler avec nous autres pour bâtir des complexes hydroélectriques qui pourraient être gérés par eux autres, par leur communauté. Ben ouais. Puis, en tout cas, au lieu de s'ostiner tout le temps, je pense qu'il faudrait essayer de trouver des solutions ensemble, puis pas tout le temps confronter, puis arriver à de la boîte. Mais ça, c'est pas aujourd'hui que ça va se régler, non. N'est-ce pas? Fait que, ben là, je pense qu'on en avait d'autres, on va s'en garder pour un peu plus tard. Hey, TQS, c'est vrai, faut parler un peu de TQS aussi. Il y a des affaires qui se passent là. Le Doc Mailloux qui serait de retour. De retour avec le maire. Le maire. Gendron! Ça promet. Ça va swinguer dans TQS. Ça va fesser, comme on dit. Fait qu'on va aller faire une pause, je pense. Il manque juste Ron Fournier. Ron? À TQS, avec eux autres. Il pourrait peut-être laisser, comment elle s'appelle, la fille, là, Sophie Thibault. Lâcher les duplex avec Sophie Thibault, puis hey, c'est vrai, avant de partir, on va faire nos petits éphémérides, c'est tout le temps, tu sais qu'on s'en est bien sorti la semaine passée, il avait oublié sa feuille. Toujours. Fait que là, on s'est dit, tout va être beau, passé vite. Ça a passé vite. Mais là, je pense que cette semaine, on paye pour. Ben là, je pense que c'est ça qui va arriver, on va aller voir. L'intro est tout le temps tout bon, très bonne. Tu connais-tu Cournoyer Larose, toi? C'est Jacques Cournoyer et Gérald Larose. Gérald. C'est une émission à la télévision? Non, ça, c'était une émission à la radio CKAC. Non. C'est Jean Cournoyer, c'est un ancien ministre libéral. Je le connais, monsieur qui parle là-bas. Oui, oui, ça, c'est qui? Bon, beau, Gérald. Puis Gérald Larose, c'est le monsieur avec la barbe là, qui est super souverainiste, là, puis que... quand tu vas l'entendre parler, c'est sûr que tu vas le reconnaître. OK, parfait. Il est pas avec le syndicat, c'est pas lui? Oui, c'est l'ancien chef de la CSN. Ah, OK, bon, mais je sais qui il est. Je l'ai vu dans la rue l'autre jour. Ah ouais, il manifestait-tu? Non, il parlait, marchait, tout seul. OK, parce que d'habitude, quand il est dans la rue, c'est pour manifester. Non, il manifestait pas, il marchait. OK, on va aller voir. Bonjour Gérald. Ils sont super dynamiques. Bonjour Jean. Bonjour bien, Gérald. Très bien, très bien. On te voit le matin. Oh mon Dieu. C'est vendredi par exemple. Oui, c'est vendredi. On va rentrer tout ça en gare pour la fin de semaine. Ben oui. Et les éphémérides. Il fasse beau par exemple. Ouf. Ah, ça a l'air qu'il va faire bien. Bon. Ouais, ça, je suis le bord du canal demain. Là, je vois même pas des fois, je vois pas le bord du canal, tellement il y a de l'eau. Ben oui, je suis pacté. Il déborde pas quand même, hein? Non. Il s'écoule très bien. Ça coule. Les éphémérides du 25 mai, j'ai oublié hier, je te les ai rapportés. Oui, on va les faire, on va les faire. Mais... Voilà, ben oui, il faut les faire. En 1707, la congrégation de Notre-Dame achète une partie de la seigneurie de l'île Saint-Paul, appartenant à Claude Robutel de Lanoux. Et l'île Saint-Paul, c'est l'île des Sœurs. Ah! Merci. En 1833, érection canonique de la paroisse Saint-Henri de Lauzon par détachement de celle de Saint-Joseph de la Pointe de Lévis. En 1855, première inhumation dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Ah, c'est bon à savoir. 1855. Mais quel était le but de l'inhumation? 1858, érection canonique de la paroisse Saint-Marachie-Constant. 1915, érection canonique de la paroisse Sainte-Thérèse. Le 26 mai, Gérard. En 1827, l'érection canonique de la paroisse 77 de God Manchester. Oh, God! Son territoire couvre une partie du canton de God Mais Manchester. Avec toutes ces érections, il y a des explosions, des fois? L'érection canonique de la paroisse Saint-Edgéard de Linière. En 1932, création de la Commission canadienne de la radio, qui installe ses antennes de 50 000 watts pour Montréal et Toronto. Ouais. En 1982, les Micmacs de Lichtigouche et le gouvernement fédéral signent une entente avec le gouvernement du Québec. En 2000, les actionnaires des Expos refusent d'investir les 70 millions pour maintenir l'équipe à flot, tel que requis par Jeffrey Loria. Ah oui. Et son petit fils, ou fils. Son beau-fils. Son beau-fils. Sanson. Beau-fils ou gendre. Il semble qu'ils disent beau-fils. Ben, c'est je sais pas si c'est pas son beau-fils dans le sens de beau-fils. Oui, si, mettons, j'adopte un enfant. Oui. Ah, peut-être, oui. Parce qu'il y aurait du gendre autrement, comme tu dis. Ben, voilà, c'était les éphémérides d'aujourd'hui. On trouve ça dans la mémoire du Québec, cournoyer.qc.ca. Les trois questions d'aujourd'hui. La première. Dans les... Non, la première, où est-ce qu'elle est la première? C'est donc bien mauvais, cette affaire-là. Mais quel était le but de cette émission? De cette érection de télévision? C'est que Cournoyer Larose. Ça n'a pas de but, ben pas drôle. Hein? Okay. Non, c'était pas drôle. C'est fini. Premièrement, cette émission-là n'existe plus. D'accord. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord. Les gars sont partis prendre leur retraite. L'érection canonique, c'est parce que lui, là, le monsieur qui parle de même, là, c'est qu'il a fait, il a passé sa vie à compiler des histoires de même qui s'est passé à tous les jours. Il marquait ça sur un petit papier. Puis là, il a fait un rassemblement de tout ça qui a appelé la mémoire du Québec. Là, il a dit, le Québec se souvient. C'est ça, la mémoire. Je vais pas m'en souvenir. Le gars, il est parti en Chine. Il a fait un site qui s'appelle cournoyer.qc.ca, qui existe toujours d'ailleurs. D'accord. Où on peut aller consulter la mémoire du Québec. Okay. Et lui, son but, attention, c'était de faire un livre avec ça, qu'il voulait vendre à des grands prix. Ah, mais il peut faire un almanach. Ben, c'est ça qu'il voulait faire. Ah, d'accord. Sauf que quand il a commencé à aller voir les gens pour proposer son idée, ils ont tous dit... Non. Plus d'érection, s'il vous plaît. C'est parce qu'ils ont dit, t'en as tellement, ça va prendre un livre de 800 pages, puis là-dessus, il y a le trois quarts, c'est des érections, puis c'est plate. C'est plate. Fait, prends tes affaires, puis décris. C'est ça. Fait que là, il a pris ses affaires, il a décris ça, il a mis ça sur un CD. Là, il a dit, je vais vendre ça sur Internet. Il s'acharne. Il veut. Il dit, regarde, le monde, faut qu'il sache. Les gens doivent savoir les directions. Se souvenir des directions. Mais moi, j'aurais rien contre, ce serait des bonnes affaires qui seraient dans ces directions. Mais comme là, des fondations de paroisses, puis des feux d'incendie. Voyons, là. Tu sais, dans 50 ans ou 100 ans, on va pouvoir dire, Julie Couillard a causé bien des érections canoniques. Ben, c'est ça. Le monde journalistique. Voilà. Exactement. Ça vient du bomb. Là, j'espère qu'ils mettent ça à jour, ils continuent, eux autres, là. Je sais pas. Parce que là, la vie continue. Là, ça s'est pas été en 2002 là, comme Jean Cournoyer semble le dire. Puis là, ben là, les CD ils se vendaient pas non plus. Fait que là, il a dit, de la merde, je vais donner ça gratuit sur mon site internet. Il a compris. Ben, finalement, il y a personne qui y va pareil. T'sais, grâce à nous, il y a peut-être un ou deux auditeurs qui y vont à chaque fois. Ça. Par année. Mais ben, ils se demandent sûrement d'où que ça vient, parce qu'il n'y a plus personne qui va sûrement nous envoyer une cote. Ouais, une petite bouteille de vin à la fin de l'année. Chose, là, quelque chose. Un petit cadeau. Là, on le mériterait certainement. Ben oui, on pousse son affaire. Là. Oh, on a la Catou Morissette, qui est membre de l'ADQ, qui voulait parler des commissions Bouchard-Taylor. Et l'ADQ a encore des craintes, notamment sur la recommandation d'un calendrier de toutes les fêtes compétitionnelles. Ah ouais, on risque de devoir, dans nos garderies, nos écoles primaires et dans tous nos milieux de vie, cacher dans le garde-robe nos sapins de Noël ou nos lapins de Pâques. Je pense que la population a le droit de connaître les intentions du gouvernement. Bon, ça y est, faut cacher sapin de Noël puis lapin de Pâques. Voyons donc, Catou, elle s'énerve un peu avec ça, là. Franchement, on n'est pas rendu là encore, là, quand même. Il n'y a pas personne qui va venir m'enlever mon sapin de Noël que je fais pas à chaque année. Ni ton lapin de Pâques. Non, c'est moi qui vais le manger, mon lapin de Pâques. Franchement. Donc, hey Christy, la première heure est déjà finie. Qui l'eût cru? Ça file. Ça a pas d'allure. Fait qu'on s'en va écouter une chanson. C'est quoi, donc? Ah oui, sauf que je l'ai... Non, c'est ça, c'est passé, ça. OK. Nouveauté de cette semaine qui arrive sur les tablettes. Nouvel album de qui? De Motley Crue. Ouais! Qui sortent une toune, c'est du rock, là, finalement. Ils sont à Montréal cet été, hein, un festival plein air, je crois. Ouais, effectivement. C'est pas Iron Maiden, non? Ben, tout le monde est en tournée d'adieu, là. Un soir, c'est Iron Maiden, le lendemain, c'est Motley. T'avais raison, Guillaume nous avait parlé de ce week-end, là. Ouais, un week-end metal. Ouais. Rock metal. Rock metal. Il y a d'autres bands aussi. Guillaume, qui s'en vient tantôt, pourrait peut-être nous redonner les dates, puis tout ça, puis les bands, on va checker ça. Il y a pas de Green Skunk là-dedans, ou des choses comme ça. Peut-être aussi. Green Skunk. Excusez-moi, les V-Metal, si. Ouais. Pas ma cafotte. C'est pas sa tasse. Non. C'est pas la tasse. Bon. Fait que, Pat, attache-toi. Ouais. La jeu aussi, attachons-nous. OK. Oh, j'ai pris du poids. Ouais. C'est plus serré. C'est un peu plus tight. Ça pue le gaz. Ouais, ça sent la grosse gazoil. Alors, on s'en va écouter ça, l'excellente chanson de Motley. Ben, on espère, j'ai pas entendu ben. C'est Motley Crue avec The Saints of Los Angeles en l'honneur de Julie Couillard. Oh. Et ses Saints. Et ses deux arguments. Ouais, et ses deux amis. Alors, on s'en va écouter ça et on revient après des sports de Pat. Yeah! Il y a une grosse semaine de sport. Oui, hein? Ça passe à divers, plusieurs niveaux. C'est big. Ouais. OK, à tantôt. direct de nulle part, comme son nom l'indique, ben c'est ton direct de nulle part. Avec trois gars qui nous reçoivent dans leur intimité. En direct de nulle part. Avec votre hôte, Mr. M. Monsieur Mascoutin. Et vos deux co-animateurs. Mr. A. Monsieur Arsenault. Mr. T. Monsieur de Beige. En direct de nulle part. On sait pas où ce qu'on est, mais Moses qu'on sait ce qu'on s'en va. On s'en va exactement à 23h, mesdames, messieurs, et vous êtes en direct de nulle part sur les radios XL Tracks en français, Franco Radio All Around the World et Radiosphère.ca qui nous diffuse joyeusement ou peut-être en rediffusion sur Tactical FM. Salut toute la gang, le party ne fait que commencer, on est là encore pour 2 heures minimum. Oh, la nature est généreuse sur le bord du lac Poinégamouk dans le Bas-Saint-Laurent. En plus, des sentiers pédestres extraordinaires, d'innombrables activités nautiques et terrestres et son centre de santé complet avec sa piscine intérieure, la nouvelle plage de sable fin, un choix d'hébergement diversifié du camping au chalet, à la maison de campagne et au condo hôtel champêtre de luxe, 4 étoiles. Vous pouvez gagner vos vacances sur le site poinégamouk.com. Quand j'ai le goût de me taper un hostie bon roteux dans la gueule pis dans la bouche, ben je manque pas ma shot. Pis quand j'ai le goût de chier par les deux bouts, ben je me rends chez La Fleur. Parce que chez La Fleur, c'est la place. Que j'envoie un passant avant de moi à caissière, j'y pisse dans la fesse direct avec ma fleur. Stimé ou pas, La Fleur, c'est ma place à moi. Cette annonce vous a été présentée grâce au Laboratoire Garnier. Que Michel soit congédié, mais ça n'arrivera pas parce que Michel Therrien, envers et contre tous, il va encore gagner cette année. Ouais, ben écoute, c'est parti pour ça. On va voir comment il va être capable de faire gagner son équipe samedi. C'est un match crucial parce que s'il perd samedi, mon Michel, ça se finit en 5 à Détroit. Si. Si. Si ma tante. Si ma tante avait. C'est ça. Moi, Bergy, si. Hein, vas-y. Bon week-end. Bon week-end. Ça va être correct, Dave. Ouais. Dave, ça va être correct. Ouais, je passe pas en fin de semaine chez vous. C'est correct, Dave. Tout est correct, le terrain est à point, tu les fleurs. Dave, tu me comprends? Ouais, je suis toujours d'accord avec toi, moi. Ça va être correct. Salut, Bergy. On est tous témoins, on l'a tous vu, l'affaire. Dave, t'es une nasty calice, Barclay Donaldson, de prendre un gars en train de ouais, c'est vrai. Ouais, il jette son bâton, enlève ses gants, il saute sur nous autres sans avertir. Il nous insulte. Il insulte toute l'équipe. Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un soir. Dave, il est magané. Attention, le Tostour, ça va gicler en direct de nulle part. Le seul expert par excellence. Et attention, ça va barder en tabarnouche. Parce que lui, il gratte pas la glace. Il les foire pas à peu près. Que ce soit le printemps, l'été, l'automne, pis l'autre, là, c'est facile pour Patrick Rankin. Au sport, attention, c'est le passage de la Zamboni. Pis ça va barder en hostie. Avec Pat de Bat. Comment ça va, Pat, pour les sports? Ça va barder en esti. Oh! Oh, attendons un petit peu, un petit conseil de Marc-Claude Savard avant d'aller plus loin. Pour choisir les équipes là, pour les playoffs. Là. Je vais vous donner des informations pour faire un choix éclairé. Okay. Alors, les équipes s'entraînent de part et d'autre. C'est ma préférence. On peut appeler ça la guerre des étoiles. On dit que ça va probablement être la finale de Coupe Stanley qui va attirer le plus d'attention. La guerre des étoiles? Oui, la guerre des étoiles. Mais vous êtes folle, là. Mais vous êtes un asti de folle, vous! Non, ça va se terminer en 7, là, semblerait-il. Selon Bergy. Selon Bergy. Mais avant la victoire des Pingouins, c'était terminé. C'était en 4. C'était fini. Fait que c'est comme avec les Canadiens. C'est comme bipolaire. C'est ça. C'est tout va avec le vent. Pour le mieux ou pour le pire. Exact. Il n'y a pas de milieu. Les vraies girouettes. Il n'y a pas de juste milieu. Moi, je continue à vous le dire. La semaine passée, tout le monde était en onde, puis on m'avait demandé ma prédiction. Je me rappelle, je ne l'ai pas faite, j'ai écouté le podcast. Puis vous allez voir que je suis honnête. Ouais, ouais. Moi, c'est Pingouin en 6. Oui, puis tu changes pas. Là. Je change pas. Puis je regarde aller les deux premiers matchs à Détroit, puis je me dis, oh, oh. Ouais. Là, je vais y aller vraiment, avec ce que j'ai vu, les trois premiers matchs, je peux pas voir Pingouin gagner cette série-là. Non. Je suis désolé. Dans le mieux des cas, c'est en 6. Pas. Dans le mieux. Ouais, exact. Dans le mieux. Sauf que ma prédiction était Pittsburgh en 6 avant que le tout commence. Ouais. Bon, moi j'ai dit la Big Red Machine en 7. Ouais, ouais. Je me suis trompé sur le match. Ça va aller plus vite, je pense. Ça va être en 5 ou en 6. Ouais, ouais, ouais. Tout va se passer demain. On s'entend-tu là-dessus? Ouais, c'est haut. On va voir ça demain, là. C'est pas impossible que les Pingouins l'emportent. Ça va être très difficile. Ouais, ça va être très difficile. Puis en même temps, c'est qu'il y a eu tellement d'erreurs qui s'est faites, tu sais, du côté de, ben, là, premièrement, c'est ça, là. Faut pas voir, là, on a dit Bergie, là, je l'ai pas sorti le bout, là. Mais là, on a décelé une faiblesse sur Osgood, le gardien des Red Wings. Ouais. On a décelé une faiblesse parce qu'il faut pas tirer dessus. C'est il dit, aussitôt qu'on tire dessus, il y a des buts qui rentrent. C'est l'évidence même. Mais, tu sais. Non. Premièrement, la faiblesse des Red Wings, c'est Osgood. Si tu veux mon avis à moi. Ouais. S'il y en a une faiblesse, c'est lui. C'est lui. Puis on l'a vu dans le match numéro 3, quand les Pingouins ont été capables de diriger environ, je te dirais, 15 à 16 lancés en l'espace d'une douzaine de minutes, là, en fin de deuxième, puis en troisième période, en deuxième période, puis en fin de première. Il était overload. Bon, puis ils ont marqué 3 buts. Il y en a un qui a passé entre les jambes. On l'a vu 2 fois, complètement sorti de son filet à droite, en train de faire la pieuvre, ça, c'était pas beau. Nager. C'est ça, Osgood. Sauf que l'équipe est tellement bonne devant lui. La défensive. Exact. C'est tellement gros. Bien. 4 gros défenseurs. Que, regarde, Pittsburgh a 5, 6, 4 lancés par période. Aucun, des fois, à 5 contre 5. C'est ça. Mais ils sont... N'importe quel gardien, même José Théodore paraîtrait bien. Là. C'est ça, exactement. Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Osgood, c'est pas l'invention du siècle, là, après le pain tranché. Mais il est meilleur que Théo, il est meilleur que Théo, il était meilleur qu'une crise de gang. Oui, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est leur faiblesse s'il y en a une, elle est là. Puis une chose aussi, faut pas oublier que quand un goaler se décide à piquer au bon moment, exact. Ça change la donne. Oui, là, c'est série, là, on peut pas rien reprocher à lui personnellement. Là. Non, c'est ça. Il y a eu de l'aide, effectivement, là, mais. Si je résume, bon, ben, c'est 2-1 la série pour Détroit. Premier match, bon, Détroit l'emporte 4-0. Deuxième match, l'emporte 3-0. Et c'est quelque chose, réaliser ça contre les Pingouins. Contre l'offensive number one, semblerait-il. De là, de pas marquer de but, ça peut arriver. En série, tout le monde bloque les shots, ça joue bien, le gardien est solide. Mais c'est les lancers. C'est ça qui est inquiétant. Même dans la défaite. 14 lancés dans la défaite. Aïe, aïe. Ça n'a pas d'allure, ça. On rebondit dans l'igloo. Ouais. Ça faisait quoi, 19 ou 20 matchs que les Pingouins n'avaient pas perdu à Pittsburgh. À domicile. Fait que ça a un effet. Je pense que là, oui. Enfin, on va avoir une série parce qu'après les deux premiers matchs, moi, je trouvais ça vraiment plate. Ben, ça ferme. Mon équipe gagne pas. Non, mais c'était pas. Il y avait juste une équipe qui dominait. C'était trop plate. Il y avait comme une équipe qui n'avait pas d'affaires là. Tandis que là, dans le match numéro 3, là, il y avait de la réplique. Il y avait ça allait de deux côtés. C'était intéressant. J'espère que ça va rester comme ça. Ouais, ben, pas trop, là. Faut pas trop que Bergie ait raison non plus. Non, c'est là. Sûr, mais moi, j'avais quand même prédit une victoire des Pingouins. Non. On veut pas de ça. Écoute, puis là, je vais être super. Moi, je serais honnête. Déçu, sérieux. OK. Ouais. Moi, j'ouvre mon cœur. Rien, là. Je vous ouvre mon cœur. Vas-y. Si Pingouin l'emporte en 7, bon, moi, j'avais dit 6, mais si le Pingouin l'emporte en 7, c'est ma conjointe qui remporte le pool qu'on a fait à l'école. OK. Qui nous rapporte environ 250 ou 300 dollars. Un petit ballon de week-end. Exact. Ça, souper. Bon, nous autres, on a un portefeuille conjoint. OK. Fait que je le souhaite, c'est évident. Ouais, ça rentre dans ta poche. Moi, je veux que Pingouin gagne. J'avais dit en 6, s'il gagne en 7, tant mieux, ça me rapporte de l'argent. Ouais. D'un autre côté, vous savez comment je déteste amèrement le Canadien de Montréal. Je pense que je suis seul de ma gang ce soir quand même. Hein? Est-ce que tu me vois venir? Oui, je te vois venir très, très bien. Le Canadien se fait sortir humilié par les Flyers de Philadelphie. Le Canadien gagne la série Buffalo, Boston en 7. Oui, parce que c'était la pire équipe des séries que n'importe qui aurait battu, exact. Même les Sénateurs d'Ottawa auraient battu. On avait tout dit que ça allait faire en 5. Bon, moi c'est pas ça. On commence à Philadelphie. On commence là. Là, ils se font sortir par Philadelphie de façon radicale. Ouais. Philadelphie se fait humilier par les Pingouins. Donc là, le Canadien est loin des Pingouins. Attends un peu, par exemple. Uh-huh. Le Canadien s'est moins fait humilier contre Philadelphie que Philadelphie. Par Pittsburgh. Tu me l'accordes? Je suis d'accord. OK, on a bien joué. Un point. Merci. Mais on est loin. Je le marque, là. On est loin des Pingouins. Oui. Parfait. Et là, les Pingouins sont loin des Red Wings. Très loin. Fait que moi, ce qui me fait vraiment jouir là-dedans, c'est que le Canadien est extrêmement loin d'une Coupe Stanley. C'est pas demain la veille. Ouais. C'est une chose à régler, là. Oui. Es-tu d'accord avec moi? Ah oui. Yes, on est deux. Fait que Dan, lui, qui espère avec le centenaire, non, mais l'éternel optimiste. Oui, c'est ça, c'est moi, ça. Mais c'est correct, c'est ton équipe. C'est normal. Je suis fan, je suis un vrai. Je lâche pas. C'est correct, t'es un vrai. Je lâche pas quand ça va mal. Exactement. Mais puis je veux juste revenir sur une petite chose lors du premier match entre les Pingouins et les Red Wings à Détroit. Je sais pas si vous avez remarqué quand Fleury a fait son entrée sur la glace. qui s'est planté. Il est arrivé en courant, ouais, puis ses pads s'est enfargé dans la petite porte, quand même pas large. Il faut y aller une pad à la fois. Je sais pas ce qu'il essayait de faire, mais il a piqué du nez, puis il est tombé en pleine face. C'est à la glace. Ce qu'il a dit, en tout cas, pour se justifier, c'est pas fort. Là. OK, vas-y, je sais pas. Il a dit qu'il voulait détendre l'atmosphère de ses coéquipiers en faisant une petite pirouette en faisant le clown. Mais regarde, c'est pas vraiment détendant. Non, non, non. Tu vois ton il s'est planté. Et ce que ça a fait, ben, l'équipe au complet s'est plantée les deux premiers matchs. C'est plus ça l'impact qu'il y a eu, je pense. Ben, c'est ça. Ça a pas aidé à la concentration, loin de là. Non, c'est ça. Écoute, la grosse nouvelle cette semaine, la grosse nouvelle qui a vraiment fait le tour. OK, t'as-tu fini ton hockey? J'ai fini pour attends, on finit avec Bergie. Ah, vas-y, Bergie, avec ses prédictions. Ben, j'ai fini avec la Coupe Stanley, là. OK, pour la Coupe Stanley. Prochain match demain, 20h, match numéro 4. Puis selon Bergie. Parce que là, vous savez, ça va aller en 7 matchs. Bon, savez. En 7. Ah. Ben, non. Pas sûr. Vous l'avez pas dit? Non. c'est pas sûr que ça va aller en 7 matchs, là. 6 ou 7. Ben, t'as une minute, là. Les Penguins de Pittsburgh, samedi, là. Ça va être extraordinaire, la leçon d'hockey qu'ils vont donner aux Canadiens. Et là, Michel, pas en peur, là. Je veux juste te dire, si jamais les Red Wings dégonflaient ta petite ballonne samedi, puis que Mike Babcock et les vieilles jambes des Red Wings se retrouvaient, puis qu'ils retrouvaient la. Il a appelé Mike Babcock, là. Ouais. Ça, c'est une erreur, là. Tu peux pas l'appeler de même, là. Parce que ça a l'air gros pénis, là. Ça, Babcock, là. Babcock, c'est mauvais. Mais mauvais pénis. Ouais, c'est méchant pénis, ouais, là. Méchant pénis. Ça paraît mal pour un coach. Mais lui, c'est cassé, on a le droit de dire des gros mots. Tout est permis. C'est le Evgeny Malkin qui pivote un petit peu dans le bout. Les mauvais déplacements, parce qu'il faut le dire, de Marc-André Fleury dans le premier match, puis des affaires. T'es-tu d'accord à date? Mauvais déplacement de... Non? Dans le premier match? Oui, dans le premier match. Okay. Un ou deux. Comme ça pourrait finir en 5 pour Détroit. C'est du passé. Ça pourrait finir en 5 pour Détroit. Non. Hello. Il dit que c'est du passé, lui-là. Là. Tout ça se peut plus. Parce qu'ils ont gagné un match de un but de différence. Tout ça, c'est du passé. C'est meilleur, là, Malkin, là. On vient de lui enlever 100 livres sur les épaules. Bon, Crosby est en plein possession de ses moyens. Bon, et Michel Therrien, lorsque hier il est revenu avec ses trios qui l'ont fait gagner les trois premières séries, j'étais seul avec moi-même. Et j'ai... T'étais seul avec ça. Comme toujours. Et j'ai dit à Michel, bravo. Parce que tu reviens tout le temps à la case départ. Avec qui j'ai gagné. Ouais. Et de revenir avec Dupuis, Crosby. Et ça a été parfait. Ouais. Moi, c'est là que je trouve qu'il est épais un peu. Il félicite d'être revenu avec ses trios. Mm-hmm. Alors que c'est le même gars qui a tout changé trio, qui a tout mis ça tout croche. Fait que, ils ont perdu le deuxième match, ils ont tout chamboulé trio. Puis là. Il a paniqué. Il félicite de revenir avec ses anciens trios, mais s'il n'aurait pas fait la gaffe de tout changer ses trios... Ça serait peut-être différent, c'est... C'est ça, là. Pourquoi tu le félicites s'il a fait une gaffe? Puis j'avais oublié, mais le plus beau move que je trouve qu'il a fait, c'est de, dans le troisième match, c'est de ramener Darryl Sedor. Puis il a dû faire ça bien avant. Son vétéran aussi, Gary Roberts. Gary Roberts, il l'a ramené dans le deuxième match. Ça aussi, c'est un bon move. Mais bon, l'équipe gagnait, ça allait bien. Écoute, ils perdaient jamais en série. Ah. Là, ils se font mettre... Peux-tu te dire, c'est quoi l'histoire? C'est Ligue de l'Ouest contre Ligue de l'Est. Exact, c'est juste ça. C'est deux ligues. Non, c'est parce que c'est ça. Ouais. T'as la Ligue Junior B d'un bar, puis t'as la Ligue des pros de l'autre bar. Exactement. Ils sont pas collés contre les équipes de l'Ouest de l'année. Ils savent pas c'est quoi ce hockey-là. Là, ça les a pris 3 matchs, là. Puis là, je pense qu'il va être trop tard pour s'ajuster, honnêtement, là. Peut-être que s'il aurait été dans l'Ouest, peut-être que ça aurait été différent. Faut qu'ils gagnent absolument demain. Pour avoir une petite chance. Puis là, en faisant ça, ben, la seule chose que ça fait, écoute, ça fait juste montrer, peut-être donner des doutes dans la tête des joueurs des Red Wings. Là, oups, c'est tout. Mais si, sinon, oublie ça. Tu connais Mike Babcock? Oui, le Big Cock. Le Big il va changer, il va changer ses tactiques, puis il va gagner. Ouais, c'est voilà. Ça. Mais, OK, bon. C'est bon pour ça. Fait que la grosse nouvelle, c'est tombée hier. Il y en a deux. Il y a une grosse nouvelle qui a vraiment fait le tour des manchettes médiatiques, puis il y en a un autre qui touche un peu plus moi personnellement, mais c'est dans la même ligue, c'est dans la même lignée, c'est des décès. Il y a Luc Bourdon hier qui a perdu la vie avec un accident de moto. En début d'après-midi, il a perdu le contrôle de sa moto. Y a-t-il une histoire d'alcool ou rien non, de louche? Non, absolument pas, y a rien de louche, puis il a percuté un camion remorque. Ça s'est passé entre Chipigan et Lamec, ça c'est à Nouveau-Brunswick. Ah ouais, c'est loin. Oui, c'est ça. Puis lui, bon, il était âgé de 21 ans. Il était originaire de là-bas, de Chipagan. J'espère que je le dis comme il faut. Oui. OK. Bon, lui, écoute, c'est un premier choix des Canucks en 2005. C'est 10e au total. Il a joué 35 matchs dans la Ligue nationale. Son premier match, il l'a joué le 10 octobre 2006 contre le Wild. Le Wild. Son hockey junior, il l'a joué à Val-d'Or. Ah oui, Foreur. Sa dernière année à Moncton. Il y a déjà 2 médailles d'or qu'il avait à son actif avec l'équipe Canada Junior, 2006-2007. Bon, c'est triste. Il avait un bel avenir, c'est un bon kid. T'es jeune. Il était jeune. Il avait tout devant lui. Bon, mais c'est des choses qui arrivent. Ah bon, ouais. C'est pas le premier, non. C'est pas le dernier. Ah non, c'est arrivé à Jonathan Delisle il y a 2 ans avec le CRS dans oui, la Ligue Semi-Pro. CRS Express. C'est arrivé à Roethlisberger. Il a fait un accident de moto, il est pas mort. Oui, le corps arrière de Pittsburgh. Oui, c'est vrai. Il y en a un autre des Browns de Boston. Il y a eu l'histoire de Danny Hitlib il y a quelques années. Exactement. Que lui, s'en est sorti, mais lui a tué le passager. Son passager est mort. Exact. Ben, les autres étaient chauds. Les autres étaient chauds. Ça, c'était plus grave. Les autres que je te nomme, c'est des accidents vraiment, là, bêtes. Ouais. Il y en a un autre, un Jonathan, s'il y en a qui peuvent m'aider. Il jouait pour les Browns de Boston il y a environ 4-5 ans. Pas Jonathan Roy. Non. Il a fait un accident d'auto puis il s'est cassé le bassin. Là. Oh, OK. Bon, puis je sais pas, il a pas fait de retour encore, là, mais bon. Juste pour dire que c'est triste, c'est super plate pour la famille. Écoute, je lui donne mes sympathies, mais c'est des choses qui arrivent. Ben ouais. C'est la vie. C'est ça. Pis c'est pas parce que c'est un professionnel, peu importe du sport, que t'es c'est invincible plus... ou qu'il peut rien t'arriver. Ils font partie au même risque que nous autres. Oui, oui, c'est sûr. Puis on tient juste à un fil. Exactement. Pis c'est ça que ça démontre. Puis pourquoi ça démontre? Pourquoi je suis comme ça? C'est que la semaine passée, il y a une fille, Valérie Castonguay. Ça a fait les manchettes cette semaine, mardi ou mercredi. Elle venait de terminer son barreau, 25 ans. Ses parents, ils ont acheté, ils ont fait un cadeau pour justement souligner la fin de ses études. Elle avait quelque chose à corriger au nez, je pense que c'était une bosse. Okay. Je la connaissais pas beaucoup. Moi, j'ai coaché sa sœur, Émilie, qui est présentement, qui étudie aux États-Unis. Et bon, c'est ça. La fille est morte sur la table d'opération. Ah, OK, oui, je l'entends. C'est ça. Exactement, chirurgie plastique au nez. Et c'est au niveau de l'anesthésie, je sais pas, il y a une enquête, le coroner est là-dessus, on sait pas ce qui s'est passé, mais elle est décédée, on dit que ça arrive une fois sur 1 million. Ça en fait une coupe de même. Oui. Ici, on me dit Jonathan Gérard des Blues. Exactement, ils Jonathan Gérard. Sérieux. Exactement, ça doit être Francis, merci beaucoup. Oui. Okay, on va chercher ce... Number one, l'ami Francis. Exact. Salut l'ami Francis. Donc, c'est arrivé vendredi passé. Moi, je l'ai appris le dimanche et aujourd'hui, c'était le service. Service qui était en haut de la... C'était au salon funéraire. Je me rappelle pas du nom, mais c'était en haut du Mont-Royal. Ah ouais, ben ils ont parlé des éphémérides tantôt. Là. Ah oui, c'est ça, le côte exact, des neiges, c'est ça. Ça doit être... Et non, c'est ça. Fait que moi, je suis allé là avec plusieurs filles du hockey. J'ai coaché des amis... à Émilie, parce que Valérie est plus là. C'est ça. Fait que y a pas juste des mauvaises nouvelles, là, parce qu'après ça, j'ai eu un petit dîner, puis c'est là qu'on m'a confirmé que Kim viendrait ici dans 2 semaines. Oui, officiellement. Mais, pour fermer le show, l'émission de fin d'année. Exact. On exact. Finit avec ça cette saison. C'est extraordinaire, sérieusement. Mais c'est là, très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. On a essayé de l'avoir quelques fois dans l'année, mais elle était très occupée, puis tout ça. Puis on comprend ça. Là, oh, écoute, oui, elle est en demande partout. Nous autres, là, on a un petit show de bénerie. Ben, c'est oui, pas... elle sait, là, écoute. Oui, elle sait. J'espère qu'elle sait. Amandouine. Ouais, non, c'est ça. C'est certain. On est des bons amis. Oui, ouais, c'est ça. On va la traiter avec classe. Puis l'autre nouvelle qui a retenu mon attention, c'est sûr que bon, la Coupe Memorial, on a suivi ça. Fait que la finale s'est déroulée dimanche passé. Et c'est les Chiefs de Spokane qui l'ont emporté 4-1 contre les Rangers de Kitchener que j'avais calé. Puis la coupe finale qui a tombé en morceaux. C'est ça j'allais dire. Après ça, on donne la coupe au capitaine. L'aréna est pleine, on s'en va faire le tour. La coupe casse en deux puis elle tombe sur la glace. T'as-tu vu ça, Nadia? Mais non! S'en allait de remettre la coupe à son assistant capitaine. Le joueur, puis là, la coupe tombe, elle casse en deux. Mais non, mais... C'est du plastique! Il a pas tombé, ça le pire, ça a pas tombé à terre. Là. Ah, c'est où ça a tombé sur la glace? Ben, moi, je l'ai pas vu. Oh, moi, je l'ai vu. Ouais? Moi, je l'ai pas vu tomber, honnêtement. Oh oui, les gars sont regardés. À moi qui l'ai figé. Coupé au... Ah, moi, je l'ai vraiment vu tomber sur la glace. Oh, oui, je te jure. Ah, c'était pas beau. Ben, ça tient à rien, là. C'était tout en 3-4 morceaux, là. Puis là, les gars, ils étaient tous mal à l'aise, hein. Ils regardaient tout à terre, ils bougeaient plus. C'était figé. La coupe. Ça a cassé complètement le fun. Tu sais, c'est des affaires qui datent de quoi, 50 ans, 60 ans, cette affaire-là, c'est d'histoire. Comme tu sais, tu veux pas trop modifier ta coupe, là, tu veux pas tout la changer. C'est des vieilles affaires du bois qui est en train de pourrir. Là, tu dis non, c'est pas moi qui l'ai brisé. Ben, oh non, ça c'est ta réaction. T'es là, tu sais, toutes les caméras, t'es supportes. Ben oui. Toutes les bulletins de nouvelles sont là. Là, tu viens de te garantir de voir ta face dans les top 10 de TSN pour les 20 prochaines années. Là. C'est sûr que tu sais, dans les top 10 des coupes échappées, là, tu vas y voir au top au numéro 1. Ça, ouais, c'est sûr. Parce que c'est pas la première fois, il y a des trophées qui lâchent, là, mais de même, là, ça fait. On a eu 2 cette semaine. Il y a eu celle-là, puis Fleury qui a tombé en pleine face. Ouais, ça aussi. Ces deux-là, ça a été bon. Un petit clin d'œil, il fallait, je pense. On peut pas passer à côté. Ben non, écoute, c'est du sourire. Bon, Puis j'ai une coupe de brèves. Ouais, des petites brèves. Coupe de brèves pour vous autres. Le camp d'entraînement des Alouettes commence dimanche. Oh, go, Als, go! Exact. Est-ce que les Alouettes sont plus populaires que les Canadiens s'ils se rendent à la Coupe Grey? Moi, je pense pas. Si, tu penses que les Canadiens seraient plus populaires s'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley? Même en première ronde. OK. Le Canadien est populaire, plus populaire que les Alouettes en finale de la Coupe Grey. Je pense que le Canadien en première ronde, on l'a vu. Ouais. C'est parce que j'ai déjà entendu ça. Ben, il y a des journalistes qui prétendent. Ah, des journalistes? Oui, oui, oui. Oui, des experts. OK. Attention. Oui. Et selon, écoute, le corps arrière, Anthony Cavillo, ouais, t'es encore l'homme de confiance du nouveau coach. J'ai pas eu une année facile en passant avec sa femme. Tu connais le nouveau coach, Mark? Oui, qui a l'air... Ben, c'est la mitaine à Pop. Ben, c'est ça. From NHL. Ben ouais, c'est ça, il vient de la ligue de football américaine. Mais c'est la mitaine à Pop, là. NFL. Pop qui sait les ficelles en haut, c'est sûr. Ouais, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui, Jim Pop? Pourquoi qu'on l'a pas crissé dehors? C'est-tu Larry Smith qui peut caler ça? Peut-être. Tu dis, va-t'en? Non, lui, il peut. Oui, Larry Smith, il a le pouvoir de le faire. C'est ça, mais son contrat, parce qu'il restait une année ou... Il voulait pas juste payer. Il voulait pas, c'est ça. Mais parce que là, t'es en train de me dire qu'il dévisse après la fin de la saison, là. J'espère. OK, on n'est pas sûr. Non, je pense. Je pense que oui. Ça va dépendre des résultats. On ne le verra pas, ça, c'est sûr. Hey, c'était désastreux l'an passé, sérieusement. Il n'y a pas d'affaire à coacher. Il n'était pas capable de prendre de mauvaises décisions. Je suis pas un connaisseur de football. Non, non. C'est pas ton sport. Non, mais ça se voyait à l'œil. Non, c'est ça, je m'en rendais compte. J'arrivais à l'école, puis il y a des experts avec qui je travaille qui disaient « Oh, oui, Pat, tu vois très bien, c'est ça, ça, ça. » Moi, j'étais un petit peu inquiet parce que je vais t'avouer que cette année, à Noël, j'ai offert à mon père un billet pour aller avec lui à la finale de la Coupe. Mm-hmm. Puis je voulais, moi, que les Alouettes se rendent. Ben, c'est sûr. C'est normal. Ouais, c'est normal. Oui, sauf que là, je me dis, c'est une année de transition, là, je pense. Tu sais, ça va être le nouveau coach. Pop est encore dans le décor. Mm-hmm. On a des nouveaux joueurs. Encore fini. Ben, fini, peut-être. Là. Je sais pas s'il y en a encore au moins une dans le corps là, qui pourrait nous donner. Là. Parce que Calvillo, son gros problème, s'est rendu en finale. Mm-hmm. Tout le long de la saison, il est capable de faire la job, mais exact. En finale, terminé. Il arrive tout le temps à quelque chose, il paraît mal, c'est pas son match. Sans être pourri, il est pas capable de se rendre au bout. Il pas vraiment son jeu au moment clé. Là. En tout cas, moi, je vais continuer d'espérer. Sinon, c'est sûr que ça va être une bonne game pareil. Là, ben oui. On va être écœurant. Ça sera pas aussi populaire que le Canadien. Là-dessus, il y a déjà 45 000 billets ou 48 000 des 52 000 vendus déjà. Pour la finale. Il en reste encore. C'est au Stade Olympique cette année. C'est au mois d'octobre, si je me trompe pas. Novembre même, c'est peut-être au mois de novembre. En tout cas, je sais que c'est tard dans l'automne. C'est novembre. Fait que gênez-vous pas. Allez faire un tour parce que ça va être une fête là, majestueuse. C'est chaud, là. Ça va être la petite ligue canadienne, c'est sûr que. Sauf que c'est ça, ça va être un bel événement. Une très belle attraction. Ouais. Ouais. Donc, ça part. Il y a le CH, ça me fait rire, est à la recherche d'un gardien de but. CH? Le Canadien de Montréal est à la recherche d'un gardien de but. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Carey Price? C'est pas le Jesus Price? Hein? Je comprends pas. C'est drôle. C'est bizarre. On avait un dans notre cours. Ouais, en même temps. On l'a échangé pour une poignée de 30 sous. Oui, moi, je me rappelle d'un bijou à un moment donné. Là, Bige. Attends, on l'a-tu encore, Bige? Je pense qu'on l'a flushé. Ben, on l'a-tu flushé un bijou? Ça se peut pas. Impossible. Bijou qui nous disait, là, même pas au début des playoffs. Tout le monde pensait que Price nous amènerait en finale de l'Est. Oh. Moi, je pense que c'est Rinfret. Oh, monsieur Rinfret. Moi, je pense qu'il va être deux. Soyons calmes. C'est ça que tu nous as dit en dehors des ondes. Écoute, je ne serais pas du tout étonné que Price soit la grande vedette du Canadien dans les séries. Ici. Ouais. Puis qui nous amène assez loin. Oh, je suis pas étonné du tout. Ouais, mais même après le match de ce soir, tu penses encore ça? Quoi, tu penses jamais arriver à personne, ça? Ouais, mais tu dis là, tu n'as pas dit que UA était faible. UA était faible. Non, on parle de Price. Suis Berg. Cristobal. Là, il est pas là. Ça, il était bon, là. Oui. On l'aimait dessus. Ils l'ont échangé pour rien. Ben, je l'ai expliqué pourquoi. Oui, tu l'as expliqué. Je me souviens très bien. Non, ouais, c'est juste pour ça. Puis là, regarde, là, oups, il s'en cherche un. Ben, aller chercher UA. Ben, ça démontre qu'ils ont échangé le gardien. Il n'aurait pas dû parce qu'il n'avait de besoin, mais ils l'ont échangé pour on sait pourquoi. C'est ça. Bon, comme on fait depuis des années, le Canadien sont reconnus à échanger le joueur aussitôt qu'ils sont mêlés à toutes sortes d'histoires. Dans une catastrophe. Exactement. Fait que là, la preuve, c'est qu'on cherche un gardien, là. Ah, regardons. Là, on a dit, par exemple, que dans le fond, échanger à l'AC, on aurait à peu près un deuxième choix pour ça. Eh oui. C'est ça le problème. Exactement. Donc, je voulais juste souligner ça, que le CH, présentement, est à la recherche d'un gardien. Ben, et ça me fait rire. Là, qui a lâché ça, cette rumeur-là? C'est Renaud Lavoie. OK, le gars d'RDS? Oui, c'est lui. Puis l'habitude est assez fiable. Ah ouais? Oh, oui. Mais moi, j'ai de la misère à croire. Je me dis, ça fait improviser. Mais... peut-être. Parce que... peut-être. Avec l'histoire qu'on sait, c'est peut-être ça. Il faut que je parle de Mademoiselle Alexandra Wozniak. Oui, qui continue son trajet. La semaine passée, j'avais dit qu'elle était sur le plateau principal de Roland-Garros. J'aurais jamais pensé qu'elle accéderait au troisième tour. Wow. C'est super. C'est gros, là. Mais donc, franchement, ça s'est-tu déjà fait, une Québécoise? Oui, non, pas à Roland-Garros. Je pense que c'est la première fois. Non, je réponds à où à la question sur Internet. Okay. À toi, non. non, pas du tout. C'est une première. Puis, écoute, elle a quand même éliminé une 22e au niveau mondial et la 50e. Demain, pour les amateurs, pour les intéressés, moi je vais regarder ça, c'est sûr. 9h AM RDS, ça va être en direct. Au troisième tour, elle va affronter Vera Zvonarenva. En tout cas, une 11e mondiale, je pense que ça va s'arrêter là. Fait qu'on parle du top 10, là. Ça va être difficile pour Mademoiselle Alexandra. Quoique, je souhaite la meilleure des chances. OK, donc, mais demain matin, 9h. Okay. Demain matin, 9h, c'est le troisième tour. Non, OK, c'est pas fini, là que ça finit. Ça finit une semaine. Là, mais pour elle, ça pourrait finir. Oui, pour elle, ça se termine ça demain, achève, hein? Demain matin. Quand t'affrontes une joueuse dans le top 10. À moins d'une chance, un peu de luck. Peut-être qu'elle se blesse. Des fois, l'autre est obligé de déclarer forfait d'une blessure durant le match. Des fois, ça peut arriver. On veut pas, mais ça arrive de même. Shit happens, comme on dit. Ouais, ben c'est ça. Théo veut rester au Colorado. Celle-là, je la trouve juteuse. Tant mieux. Bonne chance, ouais. Théo. Et surtout, tu vas signer à rabais. Ben oui. Ça, c'est mon call ici. 6, là. T'auras pas 6 millions, c'est fini. Terminé. Ça. J'espère que tu l'as gardé un petit peu de côté. Parce j'espère. Que mais j'espère que t'as pas tout dépensé avec Paris. Ah, oh, ouais. Oh. Paris, It's hot. Yeah. Angelo Esposito est dans la mire du junior de Montréal. Ah ouais? Ce que je souhaite aux juniors, c'est de checker les contrats, les gars. Les pas vous mettre encore les pieds dans l'eau comme avec le coach. Hey, Colin, ça, là, ça a pas d'allure, ça. Mais là, Angelo Esposito, mais là, il a pas été repêché, là. Oui, mais il est encore. Il est encore dans. Il est encore au niveau junior. Je pensais qu'il continue avec les remparts. Non, ben, c'est ça. On parle que peut-être un changement d'air pour lui, ça ferait du bien. Fait que, je sais pas. Je pense pas qu'il va continuer sa carrière à Québec. Il reste encore une bonne ou deux années junior avant de percer dans la Ligue nationale. Pense-y bien, Angelo, parce que les gilets sont lettres en tabarouette. Exactement. Et surtout, comme je dis, vérifier les contrats. Ben oui. Il y a le match en plein air de la Ligue nationale l'an prochain va avoir lieu à Chicago. OK. Ça, c'est officiel. Ben là, attends un peu. Il avait pas dit qu'il en ferait un pour Montréal pour le centième? Ah, mais c'est pas l'année prochaine, non, c'est l'autre non, d'après. Non, c'est l'autre année, oui. OK, c'est beau. Mais c'est l'an prochain, c'est à Chicago, comme je te dis. Puis là, il hésite entre faire ça au stade des Cubs ou celui des Bears. Je veux dire que le Wrigley Field, avec son histoire au baseball, ben oui, ça serait chic, ça. Ça va pas être intéressant. C'est à peu près la même capacité de monde. À peu près, peut-être un peu plus les Bears, là, mais bon. The Bears. Peu importe lequel, ça va être une belle événement. Ils ont annoncé quel club qui allait être contre, Non, je l'ai pas su. Encore. Y a Sundin qui a gagné le trophée. Oui. Mark Messier, ça l'a une bonne, qui souligne le leadership. Oh yes. Ça me fait rire. Écoute, moi, je pense plus qu'il a été choisi en raison qu'il a la même coupe de cheveux. Ça ressemble beaucoup. J'ai vu sa photo, puis on dirait que c'est des jumeaux, là. Oui, Moutz. Non, parce que, écoute, Matt Sundin, un grand leader l'an passé, pas du tout. Non, non. Mais et aussi, c'est pas motivant pour lui, là. Non, mais je veux dire, il y en a 10 en avant de lui, là, je pense. Oh, et d'un point de vue leadership, c'est sûr. Il y a d'autres qualités. C'est ça. Ils l'ont pris juste pour la coupe de cheveux. C'est probablement. C'est ce que je pense. Mais là, les rumeurs sont parties, là. Là, ah, il a dit. Montréal, ça a spiné cette semaine. Mais là, c'est terminé. Non, ce sera pas Montréal. Détroit. Les Red Wings, On va aller voir sa gang de Suédois, sont tout à fait. Mais là, c'est ça. Il s'en va avec le club de Suède. Est-ce qu'il va venir à Montréal? Voyons. Il s'ennuierait du Non, mais ça aurait de l'allure, les Red Wings, par exemple. Oui. Vraiment, oui. Oh, si j'avais un petit 2 à gager, là. Parce qu'il y aurait une chance. À Détroit. Il n'y a pas de coupe, lui, je pense, hein, de coupe cette année. Non. Bon, non, c'est, non, il en prend rien avant de partir. Ouais, c'est ça, en partant. Puis Toronto, non, pis ça fait depuis 1922 que ça. Il y a Barry Melrose qui va quitter ESPN pour aller. Ça va être le nouveau coach, pas encore annoncé. Okay. Ça va être officiel. Là, il est analyste, quoi. Ouais, c'est ça, il travaille à ESPN. Mais avant, en 93, c'est lui qui avait conduit le Los Angeles en finale contre le Canadien. Il avait perdu, c'était lui le coach. Ouais, 93. C'est 93, vrai, ouais. C'est le coach des... C'est quelle année qui était en finale les Kings contre Toronto? C'était pas longtemps. C'était 91 ou à peu près, là. Ouais. Parce que je sais que c'était dans ces années-là, à peu près, puis c'est la dernière fois que Toronto est allé aussi proche, là. 90-91. OK. C'était peut-être... Non, 93, c'est pas lui, d'abord. Non. En tout cas, ben, ouais, 93, c'était contre... C'était contre le Canadien, puis c'est lui qui coachait, puis bon, depuis ce temps-là, ben, pas depuis ce temps-là, mais il travaille à RDS depuis... pas RDS, mais ESPN. Mm-hmm. Puis, bon, ben, c'est ça, il va remplacer Tortorella. Ah, ouais. Qui est déjà sous contrat, qui le sait même pas encore, là. Ils vont l'éclairer sous peu. Il va se ramasser ailleurs. Il y a aujourd'hui une petite histoire, juste en terminant, parce qu'après, il va me rester juste la sellette. Oh, une sellette. J'avais pas le choix aujourd'hui d'en parler, j'ai vu ça tantôt, quand je suis revenu de mon dîner. Il y a Georges Larac là, qui a ramassé, George. Mais comme fou, il s'est publié sur la presse canadienne, puis il est allé contre la ministre Comment il s'appelle, mon Kodak? Couillard? Non, ça, c'est... c'était Courchaine, ça? Courchaine, c'est ça. La ministre Courchaine. Fait que lui, il est allé dire que l'histoire d'enlever les bagarres, puis tout ça, que là, on devrait appeler la Ligue junior majeure du Québec la Ligue de ballerines, le ballet du Québec. On dit qu'on va être la risée dans le monde si on fait ça. Parce que là, elle a déjà eu l'appui des homologues canadiens, ouais, pour faire passer ça. Les autres provinces. Lui, il s'oppose à ça. Il dit que tant qu'à y être, là, il a vraiment tourné ça au ridicule. Ouais, ouais. Qu'on devrait enlever les lames des patins parce que ça peut blesser. Ouais. Les gars de plus de 220 livres peuvent donner une mise en échec. Il y a une crise de gang qui s'en irait. Ben, on peut plus de lancer frappé. Il a vraiment tourné ça au ridicule. Puis il y a eu l'appui de plusieurs joueurs québécois, dont Talbot dans son équipe. Dupuis. Chuck Goon. Gino Jig a dû sortir. Pas des Goon, mais c'est parce que vu qu'il joue dans la même équipe que Georges, tu vois pas le contraire. Pour que d'une pratique, il t'en snap un sur le bord de la règle. C'est ça, tu dis, tu parles, tu dis comme moi. Si tu parles, c'est comme moi. Ils ont dit comme lui. Mais là, on écoute, j'ai trouvé ça amusant. Là, pis, mais c'est parce pas que... Pas tout à fait en désaccord c'est avec ça, lui. C'est ça, Georges, lui, son point, c'est de dire que dans le fond, si vous entraînez des joueurs pour aller dans la Ligue nationale où ce que tout le monde frappe. Exact. Puis là, vos joueurs sont un peu, comme entre guillemets, momoun, pis, ben ils vont se faire massacrer. Pis si les autres ligues du même niveau, eux, on voit les mêmes règlements, peuvent se battre. Ben, là, en finale, la Coupe Memorial, ça serait lettre. Ben là, exact. Là. Tu sais, non, il y en a qui tapent, il y en a qui tapent pas. Non, je trouve qu'on fait une tempête dans un verre d'eau là avec l'histoire des bagarres pis ça dans le junior. Je pense qu'on a voulu récupérer tout ça pour faire du capital un peu avec ça. En plein jeu. Je suis un peu d'accord avec la RAC. Il y a moyen... Je pense de donner des suspensions un peu plus sévères, c'est ça. Des coups salauds. C'est exactement à ça. À des histoires un peu peut-être comme Jonathan Roy, tout ça. Bon, qu'on mette nos culottes là, qu'on impose des bonnes suspensions, mais pour ce qui est des bagarres un contre un, que les deux sont d'accord, puis bon. Ça fait partie un peu de l'excuse, la game. Ça fait partie du match. C'est sûr qu'on veut pas avoir un concours de claques, là. Non, comme, c'est pas comme ça fait le festival de la Ligue nord-américaine. C'est ça. Mais ça, c'est le monde. Ils ont un marché. 3-4 000 personnes qui. Parfait. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça. Exactement. Mais c'est pas pour ça, mais bon. C'est aussi que aux États-Unis, on a de la difficulté à vendre le sport. Puis les deux choses que les Américains aiment beaucoup, c'est des matchs offensifs et des jeux de sport avec des buts. C'est pour ça que le soccer a de la difficulté un peu dans ce coin-là. Avec raison. Et puis de l'autre côté, ben ce qu'ils aiment avoir, ben c'est ça. C'est des fois sans être de l'agressivité, mais un peu de comment la dire. Vitesse. Ouais, c'est ça. Le jeu dirty, le petit combat de temps en temps dans le feu de l'action. Exact. Il aime ça. Fait que ça, je pense que Gary Bettman puis la NHL, ils prennent ce tournant-là un peu pour satisfaire cette gang-là. D'ailleurs, en parlant justement de soccer, il y avait pas un match contre Toronto, c'était cette semaine? Oui, c'était cette semaine. Match d'exhibition. Exactement. Ça a été perdu par Montréal, je pense. Mais ça me semble que j'ai vu 1-0, là. J'ai pas vu c'est qui a gagné, mais je pense pas que Montréal aurait gagné contre une équipe Montréal de la Major League. Non. C'est ça, hein. Ça a été Montréal qui a perdu. Oui. Mais en tout cas, il y en a qui disent que quand même Montréal n'est peut-être pas si loin que ça du calibre de Toronto, mais faut faire attention là-dedans parce qu'il faut dire que Toronto a probablement pas ouvert les valves. Pas ouvert la pédale, c'est exactement. Ça. C'est un match exhibition, ils veulent pas se casser le cul. Mais non. Ils sont là pour donner un show. C'est la ligne B qui joue. C'est ça en plus. C'est pas le meilleur. T'sais, l'impact va donner quand même un bon spectacle, je pense. Ceux qui aiment ça, là, parce que c'est vraiment faut s'y faire. Là, tu sais, des matchs de 0-0 comme le premier match. Là. Moi, je sais que je trouverais ça. Il y a l'Euro 2008 là, qui débute. Ça, j'aime ça. Je l'ai suivi en 2004. Ouais. C'est drôle parce que je travaillais j'ai travaillé avant ça dans un restaurant grec, comme tout, quand j'étais à Trois-Rivières. J'ai eu la livraison en même temps que j'étais à l'université. Puis... Pas au grec? Non, moi, c'était au Corfou. Mm. Dans le coin de la Pologne, là. Et non, c'est ça. Fait qu'après ça, je travaillais dans une compagnie ici à la Prairie en 2004. Puis j'avais pris les Grecs parce que, bon, j'ai travaillé pour les Grecs, puis ils gagnaient jamais. Ouais, Christian, ils sont rendus. J'ai gagné 20$, tabarouette. J'aurais dû aller miser. Ah oui, à Vegas. À Vegas, je serais millionnaire. C'est parce que tu étais 0 contre 1000, tu sais. Non, c'est sûr. Moi, j'avais pris ça pour faire le clown, puis le job, puis il y avait toutes sortes de tu sais, j'avais toutes sortes de nationalités où je travaillais, qui prenaient pour leur équipe, tu sais. Fait que là, moi, je lui dis, on va prendre les Grecs, tout le monde riait de moi. Les gros clubs sont tous tombés, puis les Grecs... Ils ont battu les bons aussi, oh, tu sais, quand oui, la France en a eu finale, République tchèque, je pense, en finale. Ils ont eu leur lot de chance, puis un petit exact. Peu de... Mais c'est ça, fait que je vois suivre ça un petit peu, parce que c'est des bons matchs, par exemple. Ouais, je suis capable d'en écouter un ou deux, là, au complet, là, j'aime ça, là, le Brésil. Faudrait en parler avec notre ami Mr. A, là, lui, il est un fan fini vrai, de soccer. Oui, d'ailleurs, il dit qu'il jouait au soccer. Oui, il a joué longtemps. J'ai jamais vu, moi. Ben, moi non plus, mais quand je l'ai connu, il terminait. Je l'ai pas vu jouer, mais c'était sa dernière année, je pense. C'est ça, là, il dit ça à tout le monde, mais personne, mais en tout cas, moi, ben, tu me dis ça, là, pis... problème de genoux, je sais pas. Lors je fais, si t'écoutes, là. Ouais, Frank, on va mettre ça au clair, toi, là, parce que toutes les personnes à qui que j'ai parlé de ça m'ont tout dit la même chose. Ouais, c'est vrai, ouais, tu l'as-tu vu? Non. Non. Ah ouais, toi non plus, tu l'as pas vu. Fait que personne l'a vu jouer. Monsieur s'en vante comme quoi il était un joueur étoile. Il est tout un joueur, selon ses dires. Un gros demi, comme on dit. Un demi-gros. Fait que moi, ça fait pas mal le tour de ma revue de la semaine. Hey, c'est bon, Pat, il va te rester une sellette, par exemple. Une sellette en fin de soirée. Ouais, c'est bon pour couler off, comme on Exactement, juste avant la fosse, peut-être, ça pourrait être... Dans ce coin-là. Parfait. D'ailleurs, on a des nouvelles de Mr. Gull. On n'est pas sûr qu'on va pouvoir l'avoir ce soir, là, parce qu'il est épuisé totalement. OK. Il dit qu'il doit aller dans la douche, mais il va peut-être passer après. Mais là, ça reste à voir. De toute façon, il dit tout ce qu'il y avait au programme ce soir, c'était chialer sur The Sex and the City. Oh non! Ah, tu vois, ça aurait été bon. Ça aurait été un bon sujet. Ouais, parce que, en tout cas, c'est là-dessus qu'il voulait nous amener. Là. Fait qu'en tout cas, Guillaume, si tu nous écoutes, si tu veux parler de Sex and the City, viens faire ton tour. On est encore là. On me dit, Dan, deux petites secondes, que c'était vraiment la meilleure équipe de Toronto qui était sur le terrain. Parce que c'était pour le niveau du classement. Là, ça comptait. Mais non, c'est exhibition. Ça. Oui, mais c'était non. Il dit que ça comptait pour représenter le Canada. Donc, c'était les meilleurs joueurs qui étaient là. Okay. Fait qu'on a offert une bonne performance. Beaucoup de monde au stade. Ouais, je pense que j'ai lu 22 000. Il y avait un line-up à l'extérieur. À partir de 8h30, il y avait des gens qui étaient pris à l'extérieur, qui ne pouvaient pas rentrer. C'est tant mieux. Là. Moi, je suis content que ça marche. C'est dans le coin de l'Est, il se passait plus grand-chose là. Fait que là, ça bouge. Ça bouge un peu. Puis Radio-Canada embarque là-dedans, ils diffusent les matchs. C'est juste que je trouve ça bizarre qu'on ne veuille plus diffuser les matchs de hockey à Radio-Canada, mais on diffuse les matchs de soccer. Je trouve ça spécial, mettons. Ouais, moi aussi. Je trouve que, en tout cas, on est capable de diffuser le soccer, on devrait être capable de diffuser un match par semaine. Mais ça, c'est le fan des Canadiens qui parle. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Et voilà. Hey, 21h39. Ça roule! Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on va aller faire un autre petit tour côté musical. Et puis, qu'est-ce qu'on a qui s'en vient? Ah, ben là, évidemment, on a d'autres sujets, c'est pas très gonflant. Peut-être la ministre Couillard ou encore l'histoire des rois nègres de comment qu'est-ce qu'il s'appelle là? Victor Lévi-Beaulieu. Ah oui. VLB qui se met les pieds dans la bouche comme ça se peut pas. On va aller voir ça là. Ça va être des sujets qui s'en viennent également d'autres sujets qui s'en viennent et peut-être Guillaume qui va finir par nous parler de Sex and the City, qui sait. Alors on repart ça. Truc. Merci bien, Pat. Des très bons plaisir, sports. Ça fait plaisir. Une fois de plus. On essaye. C'est très léger. On parle au monde. Et Pat qui continue sur MSN, il va avoir des ampoules au bout des doigts. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. Alors, vous êtes en direct de nulle part jusqu'à 23h sur la radio XL Tracks en français, radiosphère.ca et Franco Radio ou en rediffusion sur Tactical. On s'en va écouter un bon vieux AC/DC. Et Sin City qui joue pour vous. Comme on dit, ça tourne pour vous. À tantôt. We'll be right back. ladders and snakes. Ladders give, snakes take. Rich man, poor man, beggar man, thief. You ain't got a hope in hell. That's my belief. Fingers spinning. De quoi, là, take a kayak si on n'est pas loin. Sortez l'algèbre. Ah oui, c'est très bon. Très bon. À recevoir ça. Je suis persuadé que Céline, c'est pas juste une chanson. Et maintenant, on a Claudette. Claudette, là, va dire de quoi, là, take a kayak si on n'est pas loin. Sortez l'algèbre. Ah oui, c'est très bon. Très bon. À recevoir ça. Je suis persuadé que Céline, c'est pas juste une chanteuse. Je pense qu'elle a une mission dans la vie. Une mission? C'est aujourd'hui que se confirme ce qu'on a toujours pensé. Quelle mission? Quelle mission? De répandre la paix et de faire en sorte que les gens se sentent bien autour d'elle et qu'on se sent meilleur aussi. On se sent grand et on se sent... C'est très touchant. Oui, ça... Pour que le monde sente, pour que le monde sente meilleur. Non, j'ai l'impression que ça sent... La paix! Ça sent l'arrivée d'un gros chèque récemment. Oui, oui, oui. Elle a dû regarder la fille qui a posé. Ben, t'as peu, c'est quoi sa mission? Oui. Tu sais, c'est comme off-mic, d'ailleurs, un peu à côté. Répandre la paix. En payant des gros bills. La paix. Qu'est-ce qu'il faut envoyer Céline en Irak, on l'envoie en Afghanistan, on l'envoie partout. Céline répand. Écoute, elle a une mission dans la vie. Oui. Faire des gros cadeaux à Noël. Oui, hein? C'est une mission. Les enfants, la famille. Oui. Aïe, ouf. Elle va régler, le problème de famine, elle va le régler, elle. Puis en plus, les gens, ils se sentent mieux. Take a kayak. D'une capitale à l'autre, la Serpouillère a également rebondi au Québec. Problème de son, là. Pas d'erreur. Bon, alors, l'affaire Couillard, donc, d'une capitale à l'autre, a rebondi à Québec de façon quand même assez inattendue. All that I got. I can't fail the way I. turn your back on me, I won't pay it good. I can't stand the way I did before. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Time won't change this damage anymore. Don't turn your back on me, I won't be ignored. I can't stand. Don't turn your back on me, I won't be ignored. Time won't change. Parce que t'arrives là, t'as l'impression que t'es en pays étranger. C'est pas bien compliqué. T'es mal à Québec, t'as l'impression que t'es en pays étranger. T'es mal à l'aise. C'est pas bien compliqué, là. Pourquoi hein? On a l'impression d'être en pays étranger? Ben, premièrement, t'as trois conseillers de l'opposition, là. T'as huit personnes qui ont été nommées par eux autres. Ils parlent de quoi? Hein? Ils parlent de quoi? Ben, il y a une ministre. C'est déjà été une demi-heure, là. Je peux pas vous en parler bien. L'autre affaire, moi, de bien honnête avec vous, j'avais pas le temps. Okay? C'est pour ça que je vais avoir, moi, des gens de l'exécutif, oh. De la ville. Oui. Et en même temps, on va séparer le travail. Parce que tout seul, moi, j'ai pas le temps de faire ça, là. J'ai entendu le nom de Marc Simoneau. Pas que je suis inquiet, mais ça va être quoi son mandat précisément? Non, mais Marc, il est déjà là, lui. Il est déjà là. Ouais, il est déjà conseil. Là, puis Marc, on va le garder, lui. OK. Donc, parce ça, c'est... Parce que Marc Simoneau connaît le sport, puis moi, je l'aime bien, Marc Simoneau. J'ai toujours dit, c'est mon idole. Moi aussi. Es-tu fou? As-tu tombé sur la tête? Je vous laisserai pas dire n'importe quoi, là. Hello. Hello. Oui. Ben voyons. C'est qui ça? À qui voulez-vous parler, monsieur? Comment vous dites ça? À qui voulez-vous parler? C'est qui ça? Ben voyons. C'est qui? Ben, identifiez-vous, s'il vous plaît. Ici, Marc Simoneau. Comment ça va? C'est qui parle, là? Hein? C'est qui parle, là? Ici, Marc Simoneau. Madeleine, j'ai dit Madeleine. Ah ben maudit. Comment ça va? Là, c'est qui, là? C'est qui, ça? C'est qui? Hein? Je ne sais pas, tabarn***. Avez-vous du plaisir? Je mets la main dessus. C'est qui, ça? Okay. Avez-vous du plaisir? Non, non, ça, on sait jamais. Oui. Comment ça va? Oui. C'était plein de marde qui s'amuse. En direct de nulle part. Et toujours en direct de nulle part, mesdames, messieurs, et le bum qui me rappelle que Linkin Park, qu'on vient d'entendre une belle chanson, va être à Québec pour les festivités du 400e. C'est à peu près la seule activité qui pourrait m'intéresser dans tout ce que j'ai entendu à date. J'irai certainement pas voir Céline. On a entendu qu'elle a une mission de paix. La mission de paix de Céline Dion. Franchement, décrocher avec Céline, je suis écœuré de l'entendre. Ça n'a pas de sens. Ça a juste plus d'allure. Je sais pas c'est qui là qui pousse avec ça. Ça doit être René. Hein? René, il est puissant. Ben oui, il est très fort. Il est très, très fort. Alors, hier, j'étais sur l'île Sainte-Hélène, à côté de l'île Notre-Dame, où on prépare le Grand Prix. Et puis, on avait de la sécurité comme j'ai jamais vu. Et puis là, semblerait-il, on nous a dit que c'était à cause d'un show de Dick Rivers. Oh! Je capotais. On est en train de mettre les deux îles totalement en branle-bas de combat pour Dick Rivers. Ben oui. Qui, semblerait-il, vend encore des billets. Puis là, je me suis dit, est-ce que René est encore là-dedans? Parce qu'à un moment... Non, c'est Guy Cloutier. C'est vrai, c'était Guy Cloutier qui était là-dedans. Attention, toi! Guy Cloutier qui était comme producteur de Dick Rivers. Puis c'est pour ça qu'on entendait souvent des affaires de Guy Cloutier. Parce qu'il avait signé un deal avec Rock Détente. Avec le nombre de copies vendues, ça allait toucher, mettons, à chaque fois qu'une copie était vendue, le Rock Détente touchait de l'argent. Oh. Alors, ce que le Rock Détente a fait, c'est qu'ils ont spiné du Dick Rivers à perpétuité. Oui. Et c'est pour ça qu'on a eu la grosse vague de Dick Rivers à un moment donné. On se demandait, coudon, c'est quoi qui se passe, tout ça, mais c'est juste ça. C'est parce qu'il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent là-dedans. Gang de fourreurs. Alors, c'est ça. Donc, je me demandais si Renard Gélil allait être au casino demain pour aller voir Dick Rivers et peut-être jouer quelques petits milliers de dollars en même temps. Parce qu'il y avait tellement de sécurité, je me suis dit, ça doit être René qui s'en vient bientôt. C'est tout le temps ça, René. Il déplace de l'air. Qu'est-ce que tu veux? Bon, là, on est rendu à notre section pornographique. Porn aux enfants. Et oui, on va parler de Julie Couillard. cette dame qui a fait... oui, Miss Tits. Et non, Miss Fitz. Disons que c'est un mystère. C'est mystérieux, cette histoire-là. Oui, c'est très mystérieux. Je veux te dire, en affaire, là, cette fille-là, on n'entendait pas parler, puis du jour au lendemain, elle est comme devenue une méga star. Ça ressemble beaucoup au scandale qu'on a des Américains. Là. Le gouverneur, je pense que c'était à Chicago. Le maire de Chicago s'est fait pogner dans une histoire de fesses oui. avec des prostituées. Oui. T'as eu le sénateur dans le coin de New York aussi, oui. Vlokita, qui oui. S'est fait pogner. Puis elle a vraiment déclaré que ça en était une, prostituée oui. payée. Qui, elle, a commencé à faire sa carrière là-dessus, chanteuse puis toute l'équipe à cette heure. T'as eu Max Mosley, qu'on a parlé aussi il y a pas longtemps, oui. de la FIA, qui lui aussi s'est fait embarquer dans une histoire de... Ben, je sais pas trop, là, du sadomaso avec du nazisme. Là, ils sentent la pression, en plus. Là. C'est, ils veulent vraiment qu'ils prennent la porte. Oh, on parlait tantôt de Dick Rivers. Mm-hmm. Le bas me dit peut-être que Dick Rivers serait la deuxième victime secrète de Guy Cloutier. Peut-être. Oh, on peut-être sait pas. Si. C'est possible, ça. Il est plus âgé que Guy Cloutier, quand même. Ouais, c'est sûr. Attends. Oui, ouais, il est plus âgé que Guy. Bon, oui, c'est sûr qu'il. Mais peut-être que Guy serait capable, la victime. Peut-être que Guy était attiré aussi par ça. Je sais pas. Ouais. Mais c'est juste que aussi le gars c'est un Français, Dick Rivers. Oui. Puis c'est son nom d'artiste. Oui. Et je sais pas si avant qu'il s'en vienne ici au Québec ou en Amérique, on lui a dit que si t'on traduit ton nom, ça marche pas. Tu sais, ça fait pénis Rivière. C'est pas beau. C'est pas marketing. Ça marche pas. Ça mais marche. Lui, il a foncé dedans. Puis il a gardé ça. Moi, ça, je trouve ça bizarre. Tu sais, c'est comme comme on parlait il y a quelques semaines, le gars qui s'appelle Gaylord. Je changerais de nom, ça serait pas long. Hein? En tout cas. Alors, pour revenir à nos moutons, la belle Julie. Julie Couillard, écoutez ça, on dit, bon, là, ça a tombé cette semaine, elle est allée faire une entrevue à Paul Larocque de TVA, mm-hmm. et on a su, parce qu'elle a dit que je suis allée là pour la dignité, hein, ça c'était son prix, elle a dit que si elle voulait parler aux médias, c'était pour rétablir sa dignité, et on a aussi su qu'elle a demandé au Toronto Star la somme de 50 000 $ pour avoir l'exclusivité de son histoire sur la dignité. C'est de la dignité, ça. Oui, on sait maintenant le prix de sa dignité. Voilà. Ça se chiffre à 50 000 $. Fait que le ministre avait du cash. Là, elle dit... Ouais, non, c'est ça. Mais là, c'est ça, c'est TVA qui ont eu comme l'exclusivité. Puis elle dit qu'il n'y a pas de deal d'argent qui a été fait avec TVA. Mais non. OK, proprement dit, probablement pas, mais encore là, on sait pas. On le saura jamais. Sauf que, on sentait que Québécois et l'Empire Québécois est tellement gros qu'on s'attend à voir un livre arriver sur les tablettes dans oui. quelques semaines. C'est ce qu'on parlait, hein, juste avant le début de l'émission. Là. Probablement que ça si. Va sortir, ben, mais c'est ça. Le t'sais. Livre, le film, la télésérie. La série comme le négocieux. Ça part. Mm. Et puis, s'ils n'ont pas eu d'argent, si Madame Couillard et ses deux amis n'ont pas eu d'argent, c'est tout simplement parce qu'il y a probablement qu'il y a un deal qui a été signé pour une signature éventuelle d'un livre, l'apparition d'un livre, puis d'autres affaires de marchanding de même qui vont sortir. Puis la fille, faites-vous-en pas, là, elle va faire de l'argent avec ça. Là. Écoute ça. C'est vas-y. Clair. Il disait que, selon les derniers décomptes de la firme montréalaise mm-hmm. Influence Communication, ouais. 821 médias répartis dans 61 pays ont fait état des déboires de Maxime Dernier de sa liaison avec Julie Couillard. Ah oui. Ça représente 2500 articles et reportages. Donc, 70% de ces reportages ont été diffusés aux États-Unis. Ah oui, c'est une psychose totale. Puis ça a dépassé les limites c'est ça, de la province puis du pays. C'est rendu dans le monde. Parce que là, c'est ça, on est parti avec l'histoire des motards. Fait que ça a fait vendre beaucoup de copies parce que là, on coupe les coins ronds un peu. Puis là, tu sais, on associe quasiment Maxime Bernier qui aurait couché avec une motard. Mais bon, c'est par lien interposé, là, si on veut. Là. On s'entend, par exemple, que c'est pas très, très brillant de sa part là, de s'être trempé le pinceau là-dedans puis tout ça. Non. Je pense qu'il aurait dû réfléchir un peu plus puis laisser aller son bas-ventre parce que des fois, c'est ça. Hein, oui. Ça l'emporte, mais quand tu as des positions aussi importantes que ministre, tu peux pas faire ça. Là. Comme dirait, comment il s'appelle, là, Yvon, tu te dois de garder ça dans tes culottes. Il a dû utiliser la bonne vieille main droite. Ouais, c'est ça, exactement. Ou ben c'est parce qu'un gars de même qui, bon, ok, c'est pas un laidron, là, c'est pas mettons ben non, comment ben Michel Gaultier ou Bernard Landry, là, c'est pas quelqu'un tu sais qui est vieux puis il a du pouvoir. Il a du pouvoir, ouais. Il est capable de se trouver n'importe qui ou à peu près. Puis quelqu'un qui est capable en masse de s'exprimer. Là, ben oui, c'est ça. Ça. Il est articulé, il est capable. Fait qu'il aurait pu avoir n'importe quel, ben peut-être pas n'importe quel, mais à peu près n'importe quelle fille, exact. Sans trop avoir de problème. Puis là, bon, je sais pas si c'est vraiment une histoire d'amour ou quoi. Là, Nadja, tantôt, tu disais... Non, Oui, vas-y. Attends, ça disait que finalement, c'était un business deal. Ça, c'est elle qui a dit ça. Mais oui, mais elle a expliqué qu'il y avait, offert une offre. Puis c'est l'offre, c'est ça. C'était un business deal parce qu'il ne pouvait pas changer de blonde comme on change de chemise. Exact. Pour les fonctions officielles, c'était un minimum d'un an. Ça, j'avais entendu ça aussi. C'est ça. Mais business deal, y avait-tu de l'argent, là, c'est ça? Ben, business deal, ça veut dire business deal. Ben, c'est ça. S'il y a une entente, je sais pas si ça avait été signé, cette histoire-là, mais dans l'entente, c'est que lui, il avait comme, il l'avait fréquenté quelques mois, et après ça, lui avait proposé, dit, bon, OK, tu veux qu'on reste ensemble, c'est sûr qu'on pourra pas se séparer avant un an, et si ça marche plus, il va falloir quand même que tu m'accompagnes puis qu'on joue la game, si tu veux, là. C'est qu'on joue la game pendant les prochains mois, jusqu'à temps, parce que c'est vrai que, quand, tu sais, mettons, un premier ministre qui changerait de blonde à tous les mois, ça ferait bizarre. Quoique la société a évolué un peu là-dessus. Tu penses, toi? Ben, moi, je pense qu'il y en a encore des ministres ou des premiers ministres comme ça qui ont des parures de femmes, mais qui sont plus ensemble. Ouais, mais je veux dire que la société... en tout cas, moi, je serais capable de le tolérer. Okay. Tu sais, je veux dire, je verrais, mettons, un premier ministre qui changerait de blonde. Mais mettons, demain, le Jean Charest, il flush Michou, puis il se ramasse avec une fille bien jeune. Il va flusher. Hein? Ouais, c'est ça, ça regarde mal. En tout cas... Oh. On a des... Breaking news? Breaking news. Mais en tout cas, pour l'instant, ça tient. Probablement qu'ils ont signé un deal, eux autres aussi, puis que, tu sais, tant et aussi longtemps que le premier ministre va avoir la fonction de PM, ben, elle va rester avec. Mais, tu sais, c'est comme Hillary Clinton. Ben, c'est la même affaire avec l'histoire de Monica Lewinsky. Elle voulait plus rester avec, mais, tu sais, c'était pour bien paraître. On va rester unis, puis tout ça. Pis, c'est ça. Sauver les apparences, puis c'est ça que ça donne, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, je pense que... En tout cas, notre génération, plus jeune un peu, là, ils seraient capables de passer par-dessus ça. Peut-être que les plus vieux auraient de la difficulté à voir les ministres switcher de même, là, mais en tout cas, moi, je pense pas que ça serait bien grave. Là, mais en tout cas, là, on dit, par contre, dans toute cette histoire-là, il y a une chose qu'on oublie un peu. Le ministre Bernier a quand même été celui-là qui a fait le ménage un peu dans le CRTC, surtout au niveau des télécoms. Puis là, ben nous autres, on peut vous en parler, Popé, parce que moi et Nadja, on a travaillé... Ben moi, je travaille encore chez Rogers. Nadja a travaillé longtemps chez, on peut le dire, chez Fido. Et puis... Effectivement, les télécoms au Canada, ça fait depuis 1976 que la loi n'avait pas été changée, comme quoi que n'importe quelle compagnie qui voulait entrer sur le monde des télécoms pour concurrencer Bell, TELUS, Rogers, etc., devait être une compagnie canadienne. Et ça, ce qui faisait, bon, ce qui limitait un peu les appels aux capitaux, parce qu'on sait que développer un réseau sans fil, par exemple pour le cellulaire, c'est très, mais très cher, parce que notre pays est très grand, mais on n'a pas beaucoup de population pour soutenir le coût. Fait que c'était des coûts qui étaient assez élevés, et il y a certaines compagnies, seulement quelques compagnies qui avaient les moyens de se lancer dans l'aventure, et la dernière en liste avait été Fido avec Microcell, et ça avait pris toute leur petite chance pour développer un réseau, parce que effectivement c'était la plus petite des compagnies, et puis c'était pratiquement un miracle que Microcell ait réussi à se rendre où elle s'est rendue par ses propres moyens, sans appel de capitaux étrangers. Parce qu'il faut comprendre que Microcell, dans le temps de Fido, quand on voulait développer le réseau, on a eu des offres des compagnies allemandes, entre autres, je sais pas si tu te rappelles, Nadja, où la compagnie voulait prendre la possession de, je pense, 30 ou 40% de la compagnie Fido en injectant des milliards de dollars pour renforcer le réseau et développer le réseau. Et le CRTC avait dit non. Parce que faut que ce soit des intérêts canadiens qui développent ça. Et puis ça, cette vieille loi-là, ça date de l'époque, bon, de la guerre du Vietnam, entre autres, où on disait que si les télécommunications tombaient en des mains des pays ennemis, ben ça pouvait mettre le pays canadien en danger. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Si on a être en danger, je veux dire, ça va venir d'ailleurs, là, t'sais, ben franchement. Alors, le ministre Bernier a été celui qui a déréglementé ça lors de son passage en tant que ministre de l'Industrie en 2006. Il a travaillé un an là-dessus, et les résultats, on les voit cette semaine. Le bid est commencé, on développe une nouvelle bande passante pour les réseaux cellulaires, ce qu'on appelle la norme 3G. Puis là, c'est ouvert. Les bids sont ouverts, c'est comme des comment on appelle ça, des auctions, des enchères. Des enchères. C'est des enchères. Toutes les compagnies qui ont de l'argent à mettre, qui veulent avoir une bande passante, un spectre, c'est comme le FM ou n'importe quelle onde radio. Il faut que ça soit réservé à telle hauteur, c'est pour les lignes aériennes, telle hauteur, c'est le gouvernement pour l'armée, ci et ça. Mais là, il y a une nouvelle norme qui va être ouverte, une nouvelle bande qui va être ouverte pour les nouveaux. On dit que 40% de la nouvelle bande passante est réservée aux nouveaux acteurs, aux nouveaux joueurs. Et également, on ajoute aussi le fait qu'on va pouvoir augmenter le fait la participation des pays étrangers dans le financement des compagnies. Donc, c'est une bonne nouvelle là-dessus parce que ça apporte des capitaux. Et puis, qui est gagnant là-dedans? Ben, effectivement, les gagnants là-dedans, c'est pas les gouvernements, mais plutôt les personnes qui utilisent les cellulaires. Parce qu'en ce moment, je sais pas si tu le sais, mais ça coûte cher, là. Si on se fie, mettons, au prix des cellulaires ailleurs dans les autres pays, on fait rire de nous autres. Mm-hmm. Allez faire un tour aux États-Unis, pour les mêmes services, le cellulaire, ça va vous coûter 15$. Au Mexique, c'est une affaire de 5$ par mois. Mm-hmm. Puis là, vous avez votre réseau cellulaire ouvert à la, tu sais, illimité. Là, on pas parle d'illimité. Ce soir, effectivement, non, c'est ça. C'est vraiment propre ici au Canada, où on a des prix qui sont complètement ridicules. OK, mais on n'est pas allé en Europe, là. En Europe. Avec l'Europe, c'est beaucoup plus cher en Europe. Ouais, en Europe, puis d'après moi, ça dépend un peu des pays. Il y a des pays qui sont moins chers, parce que je sais qu'en Espagne, c'est pas cher. Okay. En France, je pense que c'est très cher. Très cher. Mais comme tout en Asie, c'est pas cher non, aussi. Non, c'est donné en Asie. C'est donné en Asie. Puis ça, souvent, c'est le fait qu'il y ait un ou deux concurrents comparé à des places où il y en a 12 ou 5 ou 15 ou 20 000. Comme aux États-Unis, il en pleut, là. Puis même, d'ailleurs, les compagnies américaines ont commencé à offrir des services, des packages pour les clients canadiens. C'est-à-dire qu'on prend son abonnement aux États-Unis. Eux, ils font une entente avec les compagnies d'ici pour la couverture, le roaming. Booming. Extérieur. Vous êtes facturé par une compagnie américaine en dollars américains, ben les prix, c'est les prix comme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'eux, ils misent plus sur la quantité que sur le volume que sur monter les prix pour c'est avoir des... Parce qu'ici, là, on s'entend là, qu'un service de base, là, tu t'en tires pas en bas de 30$. 35$ minimum. Sans les taxes, rien, minimum, c'est ça. Ouais. Puis c'est ridicule. Là. On a eu le scandale là, des frais de réseau là, qu'on a parlé, je pense, il y a quelque chose, là, où ce qu'on nous chargeait des frais de réseau pour des frais, dans le fond, qui n'étaient même pas versés au CRTC et tout ça. Fait que le ministre Bernier a fait une petite incursion là-dedans. Il a fait un peu de ménage. C'était pas terminé, mais il avait commencé à se battre contre le CRTC, puis le CRTC était obligé de reculer. C'est aussi lui qui a prouvé que le gouvernement était capable d'influencer le CRTC dans ses décisions. On a dit très longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, lors de la fermeture de choix, les libéraux qui est au pouvoir, arrêtait pas de dire que les gouvernements n'ont pas le droit de s'émincer dans les histoires du CRTC. C'est un bureau privé qui est indépendant, puis tout ça, c'est de la bullshit, parce que dans les lois, ben, le ministre Bernier, lui, a été capable de faire changer certaines choses. Fait que ça, bon, ben, lui, c'est bien dommage, lui, il était à l'industrie, après ça, on l'a mis aux affaires étrangères, puis c'est là que les histoires ont commencé. On lui a reproché les histoires de Joe Louis, qu'on a expliqué ici, à Kandahar. Là, on a dit que cette semaine, il y a encore d'autres bourdes qui sont sorties. On voulait envoyer des hélicoptères, puis là, il a fallu louer des avions, puis des bateaux pour envoyer ça là-bas, puis tout ça. Mais en tout cas, tout ça, je pense que on profite du fait que là, il est comme à terre à cause de cette histoire-là. Et puis là, c'est ça qu'on se posait dans l'avant-show, la question, est-ce que Julie Couillard aurait été comme une espèce de piège qui aurait été tendu par des gens qui auraient juste le goût de voir le ministre tomber. Le ministre et le gouvernement aussi, peut-être. Ben, très possible. Ben. Parce que c'est la réaction en chaîne. Là, parce que là, à voir comment on s'acharne depuis que c'est sorti cette histoire-là, t'as dit comment 800 articles tantôt, c'est des chiffres absolument incroyables. Là, c'est... Puis ça spin exactement, là, on le voit là, moi je le vois là dans les journaux là, ça en parle, puis là ça nous sort des histoires là. Bon, là il y a 2500 articles en quelques semaines, ouais. Tu sais, on s'entend que c'est pas fou dans l'idée du traquenard là. Ouais. J'y pense pas, j'ai jamais pensé à ça moi. Parce que la fille, bon, elle parle un peu comme une nounoune, mais en même temps c'est peut-être un rôle qu'elle joue, parce qu'elle est allumée, la fille. On s'entend que la fille, bon, là, a dit les fameux documents secrets, ça a été révélé dans l'histoire de Paul Larocque dans son entrevue là. Le ministre avait oublié des documents lors d'une soirée. En tout cas, tu sais, tu passes pour un petit bang-bang, puis là, tu sais, elle arrive, puis tu sais, elle t'accueille, là, tu sais, on s'entend, là. C'est accueillant. Fait qu'on va des papiers. Est-ce que tu résisterais, Daniel? Difficilement, je pense. Bon, et voilà. Mais en même temps, il y a beaucoup de députés, de ministres qui ont parlé cette semaine, qui ont dit, garde, ça nous est tout arrivé d'oublier, ben, pas des histoires de bang-bang, là, mais... Oublier quelque chose chez votre bang-bang. Oublier des documents. Chez votre bang-bang. Ouais, ça, ils l'ont moins dit, mais tu sais... La ceinture. N'importe quoi. Tu sais, ils disent des documents. Moi, j'ai eu des dans la famille des gens qui étaient en politique. Ça arrivait, tu sais, des documents traînent là. Tu sais, c'est la famille. La famille. C'est la famille. C'est sûr que les terroristes rentreront pas chez le gars pour commencer à fouiller ses documents. Je pense ça. Mais en même temps, on s'est comme servi un peu de ça pour dire, c'est grave, c'est la sécurité nationale. C'est ça. Et puis, On dit que le gouvernement a fait sa campagne électorale sur la sécurité nationale puis tout ça, puis il est pas capable de prendre soin de ses propres documents. Sauf que là, on n'a pas encore exactement la nature de ce document-là. J'aimerais beaucoup le voir. On dit, dans ce qui filtre présentement, c'est que ça avait rapport avec le sommet, un des sommets du G8, mais de l'OTAN, qui est, bon, c'est l'organisation, en fait, des pays alliés pour, bon, tout ce qui est militaire et tout ça. Mais on dit que ça pourrait être aussi banal que la liste de qu'est-ce qui allait se passer pendant le sommet, c'est-à-dire, mettons, à 8h30, petit déjeuner, 9h, conférence avec George Washington, 10 heures, partie de golf. 11 heures. Tu sais, une affaire de même, c'est un horaire bizarre. On le sait pas. On ne sait pas. Puis pourquoi elle a gardé ces documents-là pendant 5 semaines? Exactement. D'ailleurs, tu rappelles la personne, t'as oublié tes documents, bonjour, viens les chercher. C'est ça. Puis là, tu rejoins exactement, comment elle s'appelle, Nathalie Petrovski, qui dit exactement la même chose que toi. Elle dit, attends, je l'ai-tu là-dessus? L'histoire des documents officiels oubliés pendant 5 à 6 semaines, dégage un parfum trouble et un brin douteux. Si le document a été oublié, comme elle dit, à la mi-avril, pourquoi n'a-t-elle pas rendu à la mi-avril les documents? Ben parce oui, qu'on s'entend. Tu sais, ça a pas traîné en dessous du divan, là. Ça a traîné sur une table. Tu le vois et tu dis, ah, elle a oublié ça, tu sais. Oui, elle a oublié ça. Est-ce que Julie Couillard aurait gardé chez elle impunément comme une pièce à conviction, comme une monnaie d'échange? Une arme, exact, une monnaie d'échange. OK, on n'oublie pas que la fille, elle a un passé avec des Hells Angels. Oui. Elle est allumée, la fille, là. Elle parle avec nostalgie de son premier amour, Gilles Giguère, qui est mort assassiné. Oui. Écoute, là. Elle a un chum assassiné, elle en a un autre qui est passé au cash aussi. Peut-être pas que, justement, c'est qu'elle a peut-être discuté avec des gens de son passé. Puis là, on dit, hey, t'as ça, toi. Ça veut pas dire que c'est elle qui est allumée, mais là, elle a peut-être juste discuté à du monde autour. Garde ça. Oh, oh, regarde, on va faire ça, on passe à l'attaque, là. Puis, tu sais, c'est ça, est-ce qu'elle voulait faire chanter le ministre avec ça? Peut-être qu'elle a dit, garde, donne-moi ce que tu veux, parce que sinon, je vais te faire tomber. Exact. Est-ce qu'elle s'est servi de ça comme une vengeance parce que c'est lui qui l'a laissé tomber? Ça se peut. Parce que là, pendant les 4-5 mois qu'ils sont fréquentés, elle se promenait là sur les frais, là, parce qu'elle l'accompagnait. Ils sont allés, elle l'a dit dans son entrevue. Aruba, des endroits comme ça. En France, elle est allée rencontrer George Bush, elle est allée une couple de fois à New York. Tu sais, la grosse vie, là. Tu sais, les conférences, diplomates, regarde, puis là, la fille, ben regarde, c'est ça. Peut-être qu'elle a comme été un peu frustrée de se faire couper ça, puis elle a dit, garde mon tabarnak. T'sais, on sait pas, là. On l'a pas rencontré, ce fille-là, là. Mais c'est comme louche. C'est très louche. C'est très louche, c'est ça. Puis on dit, pourquoi que les journalistes posent pas ce genre de questions-là? On dit, on veut comme, c'est parce qu'il y a certains journalistes qui, justement, passent là-dessus le fait que, ben, ça va peut-être servir leur cause, c'est-à-dire de faire tomber le gouvernement en agissant comme de son bord, fait qu'on veut pas trop la mettre comme sur la sellette, pour prendre l'expression de Pat. En tout cas, je trouve que il y a des affaires là-dedans qu'on sait pas, puis qu'on dirait qu'on veut pas nous donner non plus, là, ni d'un bord ni de l'autre. Là, c'est quelque chose d'assez bizarre. Attends, j'ai des extraits, je pense. Mais là, j'ai pas eu le temps de les découper. Là, on va essayer d'aller les écouter en direct. Là, je sais pas ce que ça va donner. Là. C'est un test. À la ROC ou? Ouais, à la ROC, exactement. Ok, c'est bon. On va aller voir. Dans le discours, excusez, des Nations Unies, à Maxime. J'entends plus. Ouais, attends un petit peu. Oh, t'entends plus. Il y a beaucoup de choses sur vous ces dernières semaines. Okay. Vous avez vu ça? Tout à fait, oui. La presse anglophone a même dit que vous vous immisciez dans des réunions de travail presque privées de M. Bernier, que vous avez même changé à un moment donné des parties de ses discours. C'est vrai, ça? Ben non. Mais pas du tout, mon cher monsieur. Mon cher monsieur. Je n'ai jamais fait aucune demande. Là. Je sais très bien quel article votre relation est. Et elle parle un très mal français, c'est ça, pas ça. Très mal français. Et il m'a serré la main. Ah oui, George Bush. Un compliment. M. Bush avait eu l'occasion de rencontrer Maxime auparavant. Allez voir George Bush, vous avez rencontré le président américain. Oui, tout à fait. C'était un petit peu cocasse parce que, bon, Maxime, au moins, c'était bon parce qu'il s'était fait quand même briefer qu'on se place vite à la bonne endroit pour pas avoir le bon endroit. Alors, on était dans les premiers, littéralement, qui ont été photographiés. Vous tirez la photo avec vous, d'ailleurs. Hein? Oui, tout à fait. Et puis, quand on... Tu sais, elle avait amené son cadre avec la photo de George Bush, puis elle était toute fière de montrer ça pour fille. Je sais pas, c'est bizarre, Daniel, c'est bizarre. En parlant, justement, de sa très bonne française, elle dit, j'ai une couple de petites citations qu'elle a, elle dit, j'ai resté enfermé chez moi. OK. Ben, la bonne endroit, on vient de l'entendre. Elle dit la bonne exemple, la meilleure exemple. On dit souvent ça, c'est là au lieu de là. Là comme, elle dit, je sais pas quel article vous faites relation à. J'ai procédé à parler à la centrale. Je pouvais pas ébranler le sentiment depuis que tout ça est tombé au grand jour. Ouh! Le jeu n'en valait pas le chapeau. Ça, ça en est une bonne, ça. Au lieu de dire le jeu n'en valait pas la chandelle, elle dit le jeu n'en valait pas le chapeau. Et aussi invraisemblable que cela... aussi invraisemblable que ça peut sembler aux gens. Wouh! Et puis elle dit qu'elle était pas une vulgaire groupie qui se trouvait à la bonne endroit. Tu sais, c'est... Puis là, je me dis, là, j'ai entendu toutes sortes d'histoires. Et là, la fille serait probablement une agente de immobilière puis tout ça. Mais c'est pas vrai. Ils ont fait ça. Ils ont cherché. Ils sont allés voir. Ils ont eu une confirmation de investissement. Kevlar, c'est ça. Puis Kevlar a confirmé qu'elle n'était pas une agente immobilière. Elle a jamais vendu quoi que ce soit. Elle était comme dans la liste des agents possibles. Mais elle disait que... En tout cas, elle n'a jamais fait une transaction pour eux autres. Je sais pas c'est quoi, pourquoi qu'elle invente toutes sortes d'histoires de même. La même affaire que la fameuse histoire de la sécurité dans l'aéroport de Dorval. Ben oui. Elle et son chum de l'époque, en 2004, auraient soumis leur compagnie, qui était une compagnie de sécurité, pour faire la sécurité dans l'aéroport. Alors qu'on sait que s'il y a une place qu'il faut que ça soit clean, c'est là. Mais là, c'est parce que moi, ce que je trouve bizarre, c'est que c'est le Parti libéral qui a sorti cette histoire-là, puis qui a dit, en 2004, il est venu soumettre. Ouais, mais c'est parce que si tu vas en 2004, c'était le Parti libéral qui était là, j'ose. Tu sais? Est-ce qu'il paraît, elle aurait un passeport diplomatique? Ben là, elle l'a plus, là, mais à l'époque, quand elle était avec Maxime Bernier, c'est ça, les politiciens, eux autres, ils ont un passeport diplomatique, sauf qu'on doit faire une enquête avant de laisser ça. C'est ça que je me pose comme question, ils n'ont pas fait une enquête sur elle? C'est ça, là, l'enquête a peut-être été bâclée, là, parce que je sais pas. La blonde de? On dit que, il y a deux choses là-dedans, soit que l'enquête a été bâclée ou ils l'ont pas faite, ou alors ils ont fait l'enquête puis ils ont laissé passer, ils ont dit ben dans le fond c'est pas elle qui était else, fait que ça passe. Fait que mais par contre s'ils disent ça, ben là le premier ministre Harper peut pas dire qu'il était pas au courant de l'histoire parce qu'il était au courant de l'histoire. Fait que c'est ça, il y a une menterie quelque part là, c'est juste qu'on sait pas à quelle. Puis en tout cas, puis là après ça, il y a toute son histoire des bugs, des micros cachés. Là. Ah oui, je pense que je lis ça. Les microphones. On dit qu'elle avait caché des magnétophones dans ses sommiers. Mais pourquoi? On a fait le choix de quitter. Donc moi, le temps que j'ai été, le peu de temps, je devrais dire que j'ai été la conjointe de Stéphane, il n'était pas un motard, pas du tout. Il l'avait été. Il ne l'était plus. Non. Ça vous fait sourire? Oui. Le jour où M. Bernier montre... Je sais plus. En tout cas, mais elle parlait de ça. Elle disait qu'elle avait trouvé un petit trou en dessous de son système d'alarme. Mm-hmm. Et puis après ça, elle a dit que dans son sommier, elle a trouvé un trou. Mais là, elle a pas trouvé de micro puis rien de tout ça. Mais elle dit que c'est probablement un micro qui était caché là. Puis là... Elle pense que le gouvernement l'a mis sur écoute puis tout ça. Là je pense que là, on fabule. Tu sais, probablement que je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a vu, là, son sommier, parce qu'elle, c'est ça. Elle dit plein de choses. Mm-hmm. Personne, tu sais, demande de preuves. Puis là, tu sais, c'est ça. T'as bien beau dire n'importe quoi, là, ça va bien quand t'as pas à le prouver. Là, tu sais, regarde, je veux dire, regarde, SO, là, c'est à moi, ça. Ouais. Regarde. Je vous paye de la bière. Chez nous, là, j'ai trois ordinateurs, moi. Hein? Ah ouais? Ben oui. Ah, t'as un qui marche? Ah, ouais, on sait pas. Je suis venu en jet ce soir, Daniel. Ben, je suis obligé de te croire. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est que, ouais, OK, on pète de la broue puis tout ça, puis là, je pense que c'est pour ça un peu que les partis de l'opposition ont demandé une enquête là-dessus, c'est que tant qu'à sortir de la broue, ben, prouve-les. Si tu vas devant une commission, ben, là, il va falloir le prouver. En même temps, on a-tu tant d'argent, puis tu sais, ça vaut-tu la peine de commencer à se pencher là-dessus? Moi, en tout cas, j'accorde pas beaucoup de crédibilité à son histoire de micro, parce que de tous les experts qu'on a entendus cette semaine, tout le monde a été d'accord pour dire que c'est à peu près impossible de que ce soit des micros laissés par la GRC si c'est fait de façon professionnelle, si c'est le cas. Puis il n'y a pas vraiment de motif non plus là, à mettre un micro sur une blonde. C'est quoi qu'il s'attendait à trouver là, comme histoire? Là, il voulait-tu l'enregistrer en train de baiser? C'est des histoires de même. Là, ça tient pas. Là, c'est gros, puis on parle pas de ses seins. Là, c'est gros. C'est des grosses affaires, puis je sais pas pourquoi que... En tout cas, là, la seule affaire qu'on est sûr, c'est qu'elle va revirer ça à son avantage. Elle est en train de le faire. Oui. Québécois a embarqué là-dedans. Fait que c'est sûr que le livre s'en vient, comme on disait. Ouais, c'est parti. Le film s'en vient. La télésérie. Elle, ben, elle s'est mise sur la map, là, veut pas, là. Elle comptait même que c'était le ministre Bernier qui choisissait son linge. Excuse, là. Mais moi, toutes les filles que j'ai connues, c'est eux autres qui choisissaient mon linge, là, tu sais, c'est souvent c'est le contraire, là, tu sais. Je veux dire, avant de dire, ah, ben là, mets pas ça, mets ça, mets ça, Là, tu fais, t'as pas de blonde, là, présentement? Non. Ah, okay. Non, ben, mon linge, hein. C'est moi qui choisis, hein. Ça m'étonne que ce soit lui qui aurait choisi la robe décolletée pour aller à un petit cocktail de ministre ou je sais pas trop où elle, il s'en elle, c'est ça qu'elle dit. Elle s'en dit, elle dit que il a fallu quasiment qu'elle se batte avec. Pour qu'ils mettent le petit veston dessus. Sauf que toutes les photos que tu vois des cérémonies officielles, son veston il est ouvert puis les boules à l'air quasiment là. Tu sais, elle fait exprès pour les montrer. Et puis elle a l'air fière. Tu sais, je dis pas que c'est pas correct là. Tant mieux, oui. Tu sais, elle peut être fière, mais bon, c'est sûr que c'était peut-être pas à place non plus pour avoir montré sa paire de seins et tout ça. Mais aussi, faut comprendre, je pense qu'il y a un certain niveau de jalousie dans tout ça, là. Autant du monde comme Nathalie Petrovski qui écrit des articles là-dessus, qui des fois est très cinglante, là, dans son article. Je me dis, ouais, puis elle arrête pas de la traiter de belle fille puis tout ça, puis tu vois, ça la fatigue, là. Elle dit, ouais, c'est sûr, même en tailleur, elle est sexy. Oui, c'est vrai qu'elle est sexy, on s'entend, vrai, là, on peut pas. Ça, c'est la première chose qu'on voit, là, tu sais. C'est ça. Puis là, on dit, mais moi, je me demande, est-ce qu'on aurait la même histoire si on a une grosse pas belle. Mais il s'afficherait pas avec une grosse pas belle, c'est ça l'histoire? C'est ça. Mais il ferait pas ça. Sauf que si tu la compares avec les autres conjointes ou compagnes ou appelle-les comme tu veux, blonde, elle détonne. Ben oui, c'est ça. Et quelques niveaux au-dessus. Quelques niveaux au-dessus. Donc, est-ce que c'était par exprès? Il s'est dit, ça y est, j'ai quelqu'un qui détonne, je la montre. Ben, en tout cas, c'est ça, là, tu sais. Puis en même temps, ben, tu sais, ça se peut qu'il soit tombé en amour pour vrai avec elle. En 5 mois? Ben, ça se peut. Écoute, oui, l'amour est possible partout, là, mais je veux dire, ça monte, puis ça descend vite, hein. C'est rien que ces deux-là, dans le fond, qu'ils savent le vrai fond de l'histoire, puis c'est ça qui est plate, tu sais, qu'on le saura vraiment. Probablement jamais le fond du fond, là. Ben, en tout cas, tu sais, puis là, elle, c'est ça, l'affaire, c'est qu'elle dit ça, elle dit ces choses-là, puis en même temps, elle fait la sainte nitouche, elle veut, tu sais, comme tu dis dans son entrevue, elle était toute habillée. Elle était habillée en femme de ministre, là, collée jusqu'au cou. Petit tailleur beige, puis on voyait plus rien, là, on voyait plus de gabarit, on voyait plus de découpure, là, c'était un sac, pouf! Bang! Bang! Ça, en tout cas, moi, ça me soulève des doutes. Moi, quand je la vois agir comme ça, je me dis que c'est pas vraiment... En tout cas, c'est pas la fille qu'on pense. D'après moi, elle est plus intelligente qu'elle laisse paraître dans ses déclarations, là, qu'elle a l'air un peu de la nouille qui suit, là, puis qui fait rien, là. Je pense que... En tout cas, ça se peut, là, qu'elle ait été comme une espèce de... Tu sais, j'ai l'expression qui est, tu sais, comme d'un sport, mettons, le... Mettons, dans la course automobile, on appelle ça une plot attire. Daniel! Tu comprends Je le comprends, mais c'est pas joli à entendre dans mes oreilles. Joli. Mais c'est ça qui... Tu sais, c'est le même... Mais est-ce que ça serait comme la même chose pour elle? Tu sais, elle est comme une... Elle tripe sur le pouvoir, puis elle veut se rendre là, tu sais. Peut-être, il y a des filles qui tripent sur le pouvoir. Effectivement, elle était avec des gars haut placés, qui étaient aux Hells Angels, qui avaient de l'argent. C'est le même principe, plus ou moins. Tu sais, elle avait l'air d'être super fière d'avoir sa photo avec George Bush. Je te le dis, là, à l'entrevue, là, elle montrait la photo, puis dans le cadre, puis il garde, c'est lui, George, puis il a dit que j'avais des beaux seins, puis elle était contente de l'expliquer ça. Quasiment, sauf que sa femme, il a dit, attention, ne touche pas. Exactement, c'est ça. Mais oui, bon, bref, oui, mais... En tout cas, là, comment ça va finir cette histoire-là? Ben là, on sait que le ministre Bernier, c'est fini sa carrière, là. Là, il va être député. Probablement que s'il se représente en Beauce, il va encore être élu parce que ses électeurs sont avec lui dans toute cette histoire-là. Mais tous les postes de ministre, c'est terminé pour lui. On s'entend que c'est à moins peut-être dans 15 ans, là, mais à court terme, en tout cas, pour les 10 prochaines années, on est tous bien d'oublier ça pour lui. Et puis, je sais pas si ça va donner des leçons à d'autres qui auraient le goût de faire ce même genre de choses-là. Mais moi, je pense qu'il y en a d'autres qui le font. C'est juste qu'ils n'ébruitent pas la chose. Ça c'est la seule différence. Exactement. Ça s'est fait over and over. Puis ça a passé. Mais là, je dis... Mais en tout cas, moi, je pense encore la même histoire. C'est que vu que la fille est pas mal belle, elle détonne. Puis faut pas oublier non plus qu'il y a eu beaucoup de recherches de journalistes dans cette histoire-là. Hey, on a sorti toutes sortes d'histoires. Là, les affaires de l'aéroport, on est allé fouiller dans son passé, tout trouver ses conjoints. Là, c'est une grosse job journalistique. Puis on se dit, pour d'autres sujets qu'on aurait besoin peut-être que ça fouille davantage... Ils font pas. Ils font pas. Fait que ça aussi, moi, ça me met la puce à l'oreille, comme quoi qu'il y a une job qui a été calée là-dessus. On voulait comme essayer d'influencer un peu ce qui allait se passer. Puis là, on sait que, bon, le gouvernement est minoritaire, c'est plus facile à faire tomber. Fait que c'est peut-être le genre de choses qui vont influencer la population. Puis en bout de ligne, ça risque de faire un changement des résultats de sondage. Comme on disait, le prochain qui sort à mi-juin, on va checker. Je serais pas surpris de voir que ça va avoir planté, en tout cas, de quelques points facilement, à cause de cette histoire-là. Puis le fait qu'on le voie partout, l'histoire, là, parce que là, on est écœuré un peu. Là, ben franchement, la fille est bien belle. Mais là, là c'est vu. Là. Assez, là, moi, mais je pense que c'est pas fini. Moi, non, c'est... Non. Là, ça va s'en venir à tout le monde en parle. Ah, ben là, c'est oui, fini. Ben, ça va être fini, là, mais en tout cas, sûrement qu'elle va passer. Elle va faire le tour des talk shows. Elle est allée à Paul Arcand cette semaine. Elle est allée à La Rock. Là, c'est ça. C'est parti. C'est là, parti. Là. C'est parti. Puis c'est une autre façon que Star Academy. Là, ça en est une autre. C'est ça. Ouais, c'est une autre version. C'est une autre version un peu plus weirdo, comme on dit. Bon, fait que ça, c'était pour notre amie Julie Couillard. Là, on s'en va tout de suite. On s'en va-tu là? Le dessert. OK, je pense qu'on va mettre une petite chanson rapide avant. Oui, c'est bon. Avant de s'attaquer à notre dernier morceau. Notre VLB. VLB. Attends un peu, ça, on a ça là. Juteux. Ouais, ça va être propre et bon. Attends, on va tasser ça ici. OK. Ça, là, c'est quelque chose. OK. Alors, ouais, c'est ça. Je pense qu'on est prêt à démarrer tout cela. Hey, 22h24, c'est épouvantable. Comment mais ça se passe? On bat des records. Hey, t'as sur MSN, aussi, Pat. Oui, c'est pas grave, mais on bat des records sur MSN, je voulais le dire. Là. J'ai jamais vu autant de personnes connectées là, depuis le début de l'émission. Et pourtant, il fait chaud. C'est incroyable. C'est grâce à moi. Ben, c'est ça. C'est sûr, ça, non. La voix féminine. Mais non, mais non. Ouais. Non, mais on nous l'a dit, ça. La voix féminine, ça pogne. C'est winner. Bon, mais je reviens l'année prochaine, mes c'est amis. C'est ça. Je m'engage. Tu t'engages, notre gars. Bon, alors, on s'en va écouter une chanson de Keija qui s'appelle Here I Come. On s'en va écouter ça et on revient tout de suite après en direct de nulle part. To Palma Rose and tell me to come. So she didn't have a daughter, she didn't have a son. She said, no, it doesn't work, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna know that son. So I grab a bunch of clothes and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shouldly waddle. I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that swing DJ and blow. Pull it down the radio. Swing. And the intercom rolls, it tell me to go. Said she didn't have a daughter, she didn't have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of clothes and I started to run. Here I come, whoa. 2 months later, she said, come and get your son. Cause I don't want your baby to come tie me down. Cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoot it away. Extra size, extra size, extra size than size way. Extra broad, extra broad, extra broader than Broadway. And the intercom rolls, they tell me to come. That you didn't have a dot, that you didn't have a son. Here I come, here I come. Whoa, whoa, swing. Cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. They tell me to come. Said she didn't have a daughter, she didn't have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, here I come. 2 months months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down, that cause you are old, and I am young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun, run me down, shoodly rap, boom, boodly diddle, whoa, swing, cause I'm broad. Ici Gaétan Bacon. Vous écoutez présentement en direct de nulle part sur les web radios xltracks.com, radiosphère.ca, francoradio.com et sur tacticalfm.com en podcasting. Pour rejoindre l'équipe via email et sur MSN, studio@eddnp.com. C'était Gaétan Bacon. Bon week-end rock'n'roll. Commentaire de Claude ce matin. Claude, vous avez apporté votre ballon soccer. Ouais, ouais, ben c'est, on sait que c'est, ça représente tous les pays qui ont participé à cette mondiale-là. Alors, voici. Et c'est l'Italie. Vous savez, tous les hymnes nationaux, on voit l'exemple américain. Français? Les Français sont... Ah, voilà, le Français, Canada. Canada, ils ont quand même participé. Ah, on va l'arrêter. La France, peut-être. Ah, c'est sûr. Non, non, c'est non, l'Iran. Ça, pas, ben, moi, la c'est la même couleur. Ben, pas oui, c'est la même couleur. Mais c'est pas grave. Mais je pense France. Que... On peut mettre de, on France, un autre là, pays. Là. On met des États-Unis, même si on peut. C'est tellement beau, là. Allez, c'est beau, l'hymne national américain. À moi, à peine. Merci beaucoup à la source. C'est ça, avec les images qu'on avait diffusées, les gens sont très surpris de cet acquis. Ben, tout le monde est dépassé, mais là, juge, je l'ai expliqué, moi. Hey, ça a été long, hein. Commencé vers 2 heures, ça a fini vers 4 heures. Mm-hmm. J'ai son jugement, 30 pages. Okay. Puis lui, il a décortiqué ça, puis je l'ai dit, il faut faire attention. Ouais. Les images, l'hélicoptère monte ouais. du haut des airs. Ouais. Il y a des choses qui se sont passées en bas, il y a eu des témoins. Le juge a accordé beaucoup d'importance aux témoins civils qui ont vu des choses. Alors ça, c'est sûr. Puis quand les policiers m'appellent le matin, parce qu'on peut connaître ça, quand c'est des policiers ou des policières, vous défendez une droguée puis sa fille de votre boss, ça n'a rien à faire, moi. Pierre Carl Pelledo, pas lui qui décide ce que je dis dans mon émission le matin. Vous m'écouterez à 9h ce matin. Faut connaître Claude pour savoir qu'on lui dit pas quoi dire. The bottom line is that the government is getting what they have ordered. They do not want your children to be educated. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained so that you don't get in the way of important people by doing too much thinking. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. Alors, il y aurait le Québec dans son discours. Là. Elle a parlé que le Canada ne fait nation. Elle ne connaît pas l'histoire parce que c'est pas une seule nation. Il y a deux nations, c'est ça le problème. Hein? Puis il y a une nation qui a toujours été plutôt refusée. Alors, C'est quoi? Pas compris? Pardon? La castration chirurgicale, c'est drastique, ça, là. Ben là, c'est drastique. Lorsqu'une femme se fait enlever l'utérus, est-ce que c'est drastique? Ben, Là, je comprends pas, Pierre, va falloir que tu m'expliques, c'est quoi le problème de prendre deux petits testicules puis d'envoyer ça non, dans non, la poubelle? Non, non, quand même, soyons honnêtes, là, c'est drastique. C'est irréversible. Ben oui. Et dans ce cas-là, on est, quand on même... On est dans les organes génitaux masculins et féminins, ben, mais là. Oui, mais c'est... Ah, c'est quoi tes sacro-saints testicules, là? Hey, si t'es pas capable de t'en servir comme du monde, on les met à la poubelle, ça s'arrête là. Arrêtez moins ça, drette là, tout de suite, d'essayer de décortiquer, puis de trouver le trou, puis la scène, la zozone. Venez faire un tour chez Saint-Daniel Barbecue Masticotte. À seulement 12,99$, on va t'offrir une belle boîte de hot chicken avec extra coleslaw et notre pizza Getty jambonaise très délicieuse avec extra mayonnaise. Venez faire un tour chez Saint-Daniel Barbecue Masticotte. C'est pas cher, ça coûte pas de beurre, c'est bon à calvaire. Venez faire un tour, notre chicken est extraordinaire. Et également, en spécial pour la rentrée, offrez à vos enfants les nouvelles petites croquettes d'âne à seulement 6,99$ pour un paquet de 12. Cela répond aux besoins de 3 enfants en manque et malpeine. Vraiment, chez Saint-Daniel Barbecue Masticotte, on t'offre tout avec des serveuses bien sympathiques et sexy pour le petit canard portant. Les rôtisseries Saint-Daniel Barbecue Masticotte. Si tu exagères. Attention, le Tostoulou, ça va gicler en direct de nulle part. Oh, tu reconnais ça, hein? Cross-check. attends, j'ai quelque chose de meilleur encore. Ah, attends, oui? Ouais, oui. Non. Un petit peu, là. Une petite seconde, je te sors ça. Oh! Oh. Notre table ronde, là, des grands génies du sport mondial. Oui, la table de 110%. 110%. Eux autres, la saison achève, là. Ben, c'est pas, c'est une des affaires qui va être regardée à TQS, hein? Ben, 110, ça oui. score. Oui, il reste... Toute la gang va rester. Ah, ils ont le public, là. Oh, ouais. Jean Perron, Bergie. Tant que ça coûte, tant qu'ils reçoivent plus en publicité pour vendre que le coût de la bière que ça coûte. Ou en cachet. Ou en cachet. Tout est sous contrôle. Ça coûte cher. Alors, la célèbre deuxième partie des sports en rafale. La célèbre qui est juteuse cette semaine. Ben oui. Je fais la suite de Trevor Graham, que j'ai parlé la semaine passée. C'est l'entraîneur d'athlète là, que j'avais parlé qui était en procès. C'est le frère de Biscuit Graham. Ouais, le beau frère. Cookie. Le beau frère de Cookie Graham. Fait que là, jeudi, lui, il a été déclaré coupable. Mm. Bon, parce qu'il avait fait des parjures comme M. Guy Lafleur. Ah. Il avait compté des mentries à des agents fédéraux qui enquêtaient sur une affaire de dopage. C'est pas propre. Fait que là, il est reconnu coupable. On va connaître sa sentence le 5 septembre. Assez long. Et on parle d'une possibilité de 15 ans d'emprisonnement et d'une amende qui peut aller jusqu'à 750 000 $. Et pour un parjeur? Pour un parjeur, oui. C'est cher payé au stade. Mais c'est concernant le dopage, ça, right? Oui, exactement. 15 ans pour un parjeur? Exact. C'est fou, hein? Ouais, Guy devrait se tenir tranquille, là. Il fait une fleur. Il veut marcher les fesses serrées. La fleur. Et la fleur. Oui, c'est parjeur québécois. Ouais, c'est bien différent. C'est beaucoup moins grave. C'est très différent. Et c'est une légende du sportif du Québec. Ça excuse tout. Et tout voilà. Est excusé, effectivement. si je te parle de Umberto Cota. C'est pas une sorte de sauce italienne, ça? Non, c'était le receveur des Rockies du Colorado au baseball. Ah, j'étais pas loin, voilà. Fait que je vous avais épargné du baseball cette semaine. Ouais, c'est quoi l'histoire, là? J'ai dit, m'en en ramener un, c'est assez célèbre. Cette semaine, j'écœure pas avec le baseball. C'est pas game over. Non, c'est lui. C'est pas gagné. Je tenais d'en parler. Ben, c'est correct. Non, c'est ça. Fait que M. Cota, il a écopé le 50 matchs de suspension pour avoir, lui-ci, enfreint à la politique d'antidopage du baseball. Ah, boy. On essaie de nous faire croire que le ménage est fait. Puis que dans la ligue ils font de des baseball, exemples. Ben, ça n'a pas d'allure. Ce petit gars, lui-ci, sa petite seringue dans l'enclos. Avant d'aller au BAP. Tu penses-tu, par exemple, avec tout l'argent qui était impliqué là-dedans, là, ouais. Tu sais, les équipes sont-tu au courant de ces affaires-là? Ben oui. À 100%. Tout le monde, pas tout le monde. Les équipes sérieuses, comme New York. Mais oui, ils savent. Les Sox, ils savent tout ça. C'est comme ça partout. C'est partout comme ça. Mais la meilleure que j'ai gardée, ça, c'était juste des petites... Des sourires, des petits clins d'œil. Docteur Duquette, salle 3. Docteur Duquette, salle 3. Ça, c'est incroyable. Monsieur Maurice Duquette. Doc. Il a plaidé coupable cette semaine de 14 chefs d'accusation devant... j'ai toujours de la misère avec ça, là, devant la commission des... des médecins. Ouais, exact. Et le collège des médecins. Le collège, exactement, merci. Puis parce qu'il semblerait-il qu'il aurait administré des doses de PO à des athlètes. dont Geneviève Janson. Ah, c'est lui, ça. Oui, ouais, c'est lui. Et des joueurs du Canadien. Ben, c'est ça, il s'est ouvert. Là. Des joueurs des Alouettes. Moi, je suis allé gratter. Puis, de la façon qu'il parlait, c'est que c'était 2000-2001 que les joueurs du Canadien ont cessé d'aller le voir. C'est des joueurs qui étaient blessés, qui demandaient de l'EPO pour augmenter leur valeur marchande puis de récupérer plus vite pour pouvoir les mettre dans la vitrine puis les échanger. Fait que moi, je suis allé gratter. Ben, j'ai eu l'aide de M. Francis, l'ami Francis. Ouais. Grâce à lui, qui m'a retracé les échanges du Canadien de l'année 2000-2001 et compagnie. Exact. Donc, on a 4 noms sur la liste. Parce que lui, il dit que les joueurs du Canadien avaient quitté pour l'Ouest. C'est qui? C'est ça qu'on veut savoir. Fait que là, l'Ouest, je vais te le dire, mon run. Là, je me demande si c'est l'Ouest, l'association Ouest, ou l'Ouest, Edmonton, Calgary, c'est pas précisé. Non. Fait que j'ai tenu compte des deux. OK. Ça nous donne 4 candidats. Ouais. Scott Thornton. Il a été changé au mois de janvier en 2000 à Dallas. Dallas. Ça pourrait être lui. T'as Sergei Zoltok qui a été changé à Edmonton. Ben oui. Ça en fait 2. Et les deux derniers les plus juteux, je les garde pour la fin. Benoît Brunet et Martin Rosinski ont été échangés à Dallas le 21 novembre 2001. Donc, tu es en train de me dire que ces quatre gars-là étaient blessés. Oui. Et puis, éventuellement, ils auraient pris des substances X. Ben, étaient blessés. Benoît Brunet, c'est sûr qu'il était blessé. Il était toujours blessé. Ça n'a pas rapport. Mais ce qui veut dire, je me rappelle pas à l'époque qui était blessé là-dedans. C'est sûr que Benoît Brunet, il est toujours blessé. Oui, il était souvent, oui. Mais c'est les quatre qui ont été échangés dans la période que lui dit que les joueurs ont été échangés dans l'Ouest. OK. Fait que t'en as un qui a été échangé à Edmonton, puis les trois autres à Dallas. Bon. Donc, ça fait partie des coupables potentiels. Bon. Ouais, mais là, il peut-tu avoir des... Parce que moi, j'ai entendu des affaires de même. Y a-tu des... Ben là, il y en a qui sont à retraite là-dedans. Ça date de 2001. Ouais. Il pourrait-tu avoir des recours contre, mettons, le Canadien de Montréal pour avoir échangé des joueurs... tu sais, des vices cachés là, après des joueurs. Là. On pourrait-tu aller jusque-là ou... Ça serait mal. C'est douteux un peu. Ouais. C'est pas une maison, non, là, ça. Non, c'est sûr. Mais tu sais, c'est parce qu'eux autres, ils ont promis comme un joueur en bon état. Voilà. Là, on le push pour faire pareil. Tu sais, comme un charge, justement. Ouais. Là, t'sais, ouais, on patch. On patch, tu sais, puis là, trois semaines après, tu sais, tout pète, c'est ça. Mais c'est ça. Oui, vas-y. Ce que je me demande, c'est que en jouant au hockey comme ça toute sa vie, ou en tout cas, un sport X, t'es jeune, tu commences, t'es adolescent, t'es fringant, tout ça, éventuellement, tu vas te blesser. C'est clair. Puis éventuellement, cette blessure-là va revenir, tu vas en faire d'autres. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais pour te remettre en forme si tu veux continuer? Il y a quoi? C'est la solution? C'est l'entraînement, le repos. Okay. Premièrement, c'est le repos complet. Okay. Puis ensuite, c'est l'entraînement, puis de vraiment aller renforcer les muscles qui sont autour de la région qui est affaiblie ou qui est souvent blessée. Parce que souvent, c'est ça. Hein? Souvent, on se blesse à des endroits... Mais c'est relié parce qu'on a les problèmes musculaires autour. C'est ça. On pas assez. Exactement. T'affaiblis ton système. Ou on n'a jamais donné le repos essentiel pour revenir à 100%. Surmener. On revient pas à 100%. Ou on utilise des substances qui fait que là, on va jouer, qu'on sent pas trop la douleur. Puis dans le fond, on empire le coup. Comme l'histoire de gagner. Là, c'est ça qui s'est arrivé. Fait, repos, rétablissement à 100%. Après ça, un bon entraînement. D'après moi, c'est la solution. Est-ce que t'en as connu des joueurs de n'importe quel sport qui ont été blessés, qui se sont reposés, qui sont revenus plus forts qu'ils étaient avant? Oui, il y en a. C'est clair. Des noms. Ben, des noms. C'est pas des professionnels. Ben, ouais. C'est ça. Non, c'est parce que les professionnels, eux autres, sont tous surutilisés dans le sport. Ils sont trop surentraînés. Ben, les pratiques. Oui, exact. Ils utilisent toutes des substances légales ou illégales. Tout à fait, des compagnies. Ils prennent toutes, des petites pelules, tout ce qui est légal, ils en prennent toutes. Puis il y en a beaucoup qui prennent des choses illégales. Fait que les autres, quand ils sont rendus là, ils peuvent plus faire ce que tu demandes. Une question d'âge aussi, c'est qu'au début, c'est bien beau à 20 ans, ton corps il va être capable d'en prendre. La machine à 32, 33, ben, c'est le backlash. Là. Exact. Ouais, ouais. Ça revient. Là. Fait que c'est ça. On me dit exactement, c'est vrai, Zoltok avait des problèmes de cœur. Ça, je m'en souviens dans c'est le temps. Puis écoute, je pense qu'il y en est mort. Là. C'est tout du monde, c'est ça, qui n'ont pas eu d'une carrière époustouflante là, après. Là. L'ami Francis me confirme que Benoît Brunet et Martin Rosinski, les deux étaient blessés à l'époque. Comme on en Vois. Fait que c'est très crédible on que ces deux-là soient là. De M. RDS. Là, tu pourrais vérifier les Alouettes, éventuellement. Peut-être une prochaine chronique, on ferait... Fait que moi, ma sellette, c'est pas mal ça. L'histoire du quête, le Canadien, je me suis dit, je m'en vais fouiner. J'ai eu de l'aide de l'ami Francis. Il est solide comme c'est le rock. C'est ce que ça a donné. Ah, écoute, 5 minutes après, j'avais le lien. Mais pas drôle, moi, j'ai cherché 20 minutes. Oh oui, c'est vrai que moi, je suis vraiment un débutant. Avec c'est un newbie. Comme lui, c'est un pro. Ouais, oh oui, Francis, il déplace. Un vrai. D'accord. Bon, ben merci Pat pour la petite sympathique. Good. Alors nous, on, ben là, il reste plus grand temps. On va faire ça vite vite. De toute façon, Victor Beaulieu là. En gros, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un gros toton. Hein? Lui-même, regarde, je vais vous passer une petite entrevue qu'il a faite. C'est, je crois que c'est avec Paul Arcand. Et puis on va en reparler après. C'est ses explications sur Michael Jean et toute son histoire qui dit que c'est, ça dérange pas là, de l'appeler reine nègre parce que c'est accepté dans le jargon populaire. Puis en tout cas, où ça? Quand ça? Ça. Ben, je veux des preuves. C'est ça. Là, lui, il est allé fouiller. Il est tellement bon. Il dit, non, non plus, je suis allé fouiller sur Internet pour voir. Tu sais. Ben oui, on croit bon. Tout il ce qui est écrit bon. Sur Internet. Il dit, ouais, mais ils ont fait un article sur Nicolas Sarkozy qui le traitait de roi nègre. Ouais, mais tu sais, what the fuck, là, ça dérange pas. En tout cas, on va aller écouter ça, puis on va en reparler après. J'ai dit de Mme Jean qu'elle était une reine nègre, dans le même sens qu'on l'a toujours utilisée pour parler de gens qu'on nomme à des positions officielles et pour faire les jobs sales qu'on doit faire. Je me sens autorisé à faire ce que je fais et à appeler. Tu sais, moi, je suis tanné qu'on n'appelle pas un chat un chat. Alors, la job qu'a fait à Ottawa, c'est celle d'une reine nègre, d'un roi nègre. Elle fait, elle veut que les principes politiques de Harper, qui veut faire du Canada un pays multiculturel d'un bout à l'autre, donc défavoriser le côté canadien-français ou québécois-francophone. Ça fait très redneck, là, son histoire à la date. Là. Alors, elle fait cette job sale-là, et à partir du moment où elle fait cette job sale-là, je me sens autorisé de dire qu'elle agit comme un roi nègre, comme une reine nègre, dans le sens voilà, tu sais, puis tu sais, faut pas, tu sais... Mais en même temps, vous comprenez peut-être la sensibilité de gens, par exemple, d'origine haïtienne ou africaine, qui disent... On comprend peut-être le sens historique, mais en même temps, il y a quelque chose de provocateur là-dedans. Ouais, mais il faudrait que les Haïtiens d'origine qui sont au Québec, qui se sont intégrés, soi-disant au Québec, cessent de se comporter à chaque fois qu'on mentionne le mot noir ou le mot nègre comme une classe particulière qui fait bloc, exactement comme les musulmans le font, exactement comme les Arabes le font. Je veux dire, ils sont des Québécois, puis entre Québécois, on peut bien se parler, puis on peut bien se dire les quatre vérités qu'on a à se dire. Mais il faut assumer ce qu'on est. Donc, que Mme Jean ait fait cette job-là, qu'elle ait accepté de la faire, bien qu'elle assume ce qu'elle a fait, et que moi, comme Québécois, contente de noyer dans la grande mer canadienne, je dise, bien, la job que vous faites, c'est une job de reine nègre. Et si elle avait été blanche, auriez-vous écrit la même chose? Ben oui. Avec la même expression? Pas avec la même expression. Roi nègre, là, c'est une expression... du vocabulaire courant. Je veux dire, on l'utilise aux États-Unis. J'ai été voir sur Internet juste pour voir, pour me rassurer, mais pour me confirmer dans ce que je pense. Mais entre vous et moi, ça vous a quand même inspiré. Vous êtes un auteur, un pamphlétaire, un écrivain. L'image est venue facilement, non? Bah, moi, mon point de vue est assez simple là-dessus. Est assez simple dans le sens que moi, je suis un polémique, je suis un pamphlétaire, et évidemment, la job du pamphlétaire, c'est d'abord et avant tout de savoir viser sur le bon clou pour qu'on parle en fait des vraies affaires. Et voilà. On n'avait pas parlé de Victor Lévy-Beaulieu depuis 10 ans, là, puis là, il fallait qu'il sorte de sa caverne pour que là, il s'est dit, je vais choisir un mot, la dame, elle est noire, donc je vais choisir un mot, ça va rentrer dans le dash, puis là, tout le monde, tout le Québec va parler de moi, c'est ça? Ben, ça marche. La façon qu'il parle, on dirait qu'il l'a fait d'une façon comme au hasard, là, que c'est quasiment pas relié. Non, ça a été étudié, il a étudié ça. Comme Paul Arcand lui dit, c'est que quelqu'un qui est auteur, qui a écrit plein des affaires plates, là, Bouscotte puis des affaires de même, mais en tout cas, qui a écrit plein de téléséries, des livres. Le temps d'une paix. C'est très bien. Comment ça s'appelait l'autre? Montréal PQ, puis toutes des affaires de drogués, là, en tout cas. Lui, il est capable de faire le discernement des mots, il sait le poids des mots, il sait qu'en utilisant ça... Voyons, c'est un auteur. Il sait très bien que ça va faire et l'utilise pareil. Puis c'est là que je trouve qu'il dépasse les bornes un peu. C'est que, regarde, moi, je suis pas un défenseur de Michael Jean. Non. La fonction qu'elle occupe, oui, je trouve que c'est inutile parce que ça représente une reine qu'on a même plus puis tout ça. Ça, on n'a pas de besoin non plus. Je suis d'accord aussi dans son histoire qui dit que oui, elle fait un peu des actions politiques en servant de tout ça. Oui, ça, on peut lui reprocher, mais là, commencer à parler de reine nègre, puis même si, comme il dit, c'est quelque chose qui est expliqué, puis qui est consacré, puis tout ça, c'est qu'en utilisant ça pour une personne noire, puis tout ça, tu fais exprès pour justement faire un effet qui est pas nécessairement souhaitable. Puis lui, comment qu'il fait pour se justifier de ça? Il dit, je suis un pamphlétaire, je dois de faire provoquer le monde, je me dois de provoquer le monde pour faire parler des vraies affaires. Fuck it. Ben franchement, là... Il sort de ça où? Il sort de pourquoi il a sorti ça comme ça? Parce que, comme je te dis, on n'avait pas parlé de lui depuis longtemps, il n'y avait pas eu de contrat, il a écrit un livre, ça n'a pas fonctionné, il a écrit une série, ça n'a pas marché, puis là, il fallait qu'on parle de lui. Ben Victor Lévy-Beaulieu, là, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'est quand il parlait de Pauline la schizophrène, Pauline Marois, que encore, je suis pas vraiment pas un défenseur. Non. Mais là... Mais regarde, elle dit un mot stupide, là. Ben, c'est ça. Là, je pense que c'est ça. C'est des accusations, c'est des mots pour gratuit. C'est gratuit. Puis c'est, tu sais, il l'écrit, il dit, il en parle partout, puis ça passe. Regarde, ça, c'est Pauline la schizophrène. Non, ben, schizophrène, vous savez, ben, moi, je dis, ben, il faut qu'on se réveille là-dessus. Là. Le Parti québécois, ben, surtout que depuis que Pauline Marois est là, c'est, excusez le mot, mais c'est de la merde. Je pense pas que même André Boisclair aurait été à ce point aussi schizophrénique pour proposer des aberrations comme celles que Mme Marois vient de proposer. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'elle est une traître, qu'elle fait un acte de traîtrise envers la nation québécoise. Mais là, il est-tu alcoolique, lui? Je sais pas, je pense que oui. Ben, franchement, là, ou sinon, c'est de la drogue, l'opium, ou je sais pas, du crack, là, mais... l'autre fois, il parlait de Michel Tremblay, il le traitait de toton, si on veut dire. Ben, l'économie, on en a pas besoin, tu sais, puis parce que on parle juste de ça, ben moi, l'idée d'indépendance, je crois plus à ça. Je trouve que c'est absolument aberrant, c'est toton. C'est toton. Et je trouve que c'est un peu trop de cul de dire une affaire de même, au moment où 50% de la population québécoise dit qu'elle est en faveur de l'indépendance. Ben là, 50% en faveur de l'indépendance, prouve-le, mon ami. Là, ben moi, je trouve que c'est des propos de quelqu'un qui est frustré. Ben moi, c'est quelqu'un qui est frustré, qui a pas de vie, puis qui veut qu'on parle de lui, puis c'est monde, tout. Le monde a le droit à son opinion, pas parce que le monde pense pas comme lui qu'on est nécessairement des trous de cul, ben des là, caves. M'amener, moi, là. Je m'excuse, mais quelqu'un qui pense à la souveraineté, il a son opinion, il a le droit, c'est pas un cave. Non, parce c'est pas ça. C'est pas un trou de cul. Il n'y a pas eu une autre lieutenant-gouverneur avant qui s'appelait... Clarkson? Adrian Clarkson. Ouais. Est-ce qu'il l'a traité de reine nègre, elle? Non. Il dit que, justement, s'il l'aurait fait parce qu'elle était chinoise, ben, ça aurait pas fait autant de tollé, mais... Ben, je suis pas sûr, il l'aurait pas fait non plus, il l'aurait pas traité de reine nègre. Ben, voyons. Alors, où est la logique là-dedans? Moi, mon point, c'est de savoir pourquoi lui a le droit de tout ce qu'il veut. Il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Mm-hmm. C'est-tu parce qu'il est juste du bon bord? C'est un souverainiste qui est comme protégé par je ne sais pas trop quoi, une notoriété, des amis dans le système, des ou je ne sais pas. Je suis pas sûr qu'il va en avoir longtemps, moi. Il n'y en aura plus, moi. Ben, moi, je pense qu'il y a du monde qui, oui, ils se claquent dans les mains quand ils entendent parler un gars comme ça, puis ils disent, bon, ben, il a dit, tu sais. Puis en même temps, je trouve que c'est malsain, moi. C'est bien malsain parce que ça a fait pas avancer le débat, parler comme ça, puis commencer à traiter le monde dans la boîte. Puis comme je l'ai dit tantôt, là, regarde-moi, Michel Jean, là, je suis pas son défendeur, loin de là. Moi non plus. J'ai ri bien gros quand j'ai entendu quand il était un peu sa brosse quand son assermentation. Ah, ben tu sais, c'était comique, tu sais. Ben ouais. Sauf que là, c'est pas une raison pour commencer à traiter le monde de nègre pis tout ça. Ça fait redneck, ça fait vieux, ça fait des, je ça sais fait pas. Old school, ça sort de ta caverne. On n'est plus là, on n'est plus rendu dans ces histoires-là. Puis une autre affaire, lui, il est là puis il compare souvent les Canadiens français comme les nègres blancs d'Amérique. Puis ça, je suis tanné d'entendre ça en sacrifice. Ouais. Parce que c'est pas vrai. On peut pas dire que les Canadiens français, les Québécois, appelez ça comme vous voulez, ont eu les mêmes difficultés que les peuples qui étaient esclaves pis tout ça. On peut même pas comparer ça. On peut même pas mettre les Juifs là-dedans non plus, c'est complètement d'autres choses. Là. Puis commencer à se comparer aux Juifs puis aux Noirs qui ont été des esclaves, là, je trouve que c'est une insulte à ces peuples-là. Mais qu'on arrête de se comparer, premièrement, puis qu'on s'assume c'est ça, en tant que Québécois, là, puis qu'on parte de quelque chose, puis qu'on fasse quelque chose. Au lieu de trouver des raisons pour expliquer nos misères, ben levons-nous debout, on secoue les manches, puis on y va. On travaille, mais sûrement pas comme ça. En plus, arrêtons de mettre des étiquettes sur les gens parce qu'ils sont d'une couleur aussi. Ben, je veux dire, et c'est fini, là. Je sais pas si c'est vraiment le mouvement souverainiste ou quoi, parce qu'on avait un extrait de, comment il s'appelle, Falardeau, qui lui, dans l'époque de la sermentation, qui se gênait pas sur la radio Québec Radio pour traiter Michel Jean de salope. Puis ça a passé free, y a personne qui en a parlé. Mm. Puis pourtant, je trouve ça gros, c'est dégueulasse, check là ben, il est pas gêné, là, tu sais. Des aplats ventristes, tu sais. Des gars comme le gros Coderre, tu sais. Bon, ils font leur argent, ils vivent sur notre dos, tu sais. C'est pas juste parce qu'ils connaissent pas ça. C'est intrinsèquement des salopards. Des salopards. Tu sais, Jean-Daniel Lafont, puis sa gouverneur. Sa reine des bas arrive, tu sais. Ils savent exactement ce qu'ils font, tu sais. Quand elle va danser à Haïti, tu sais, elle sait que c'est une salope. C'est quoi ça, c'est-tu un gars qui est supposé avoir une tête, qui fait des films, qui veut propager son mouvement d'indépendance. Je m'excuse, là, mais ça me convainc pas. Puis c'est un peu pour ça, moi, que... Regarde, un moment donné, je me suis écœuré de cette histoire-là d'indépendance. À voir le côté redneck, moi, ça me gênait. Ouais. Je trouvais que c'était inapproprié. Dans un monde, en 2008, là, on n'est plus là, là, à faire des clans, là, puis traiter le monde de salope, puis tout ça, parce que, voyons, donc, là. En tout cas, moi, je trouve que c'est gênant pour eux autres. Puis, ben franchement, ils devraient tous s'excuser. Puis, ça se fera pas, évidemment, là, mais ça fait pitié. Ça fait pitié de voir ça aller. Pat, il revient pas. Il est bouche buée. Là, ça prend la fosse, parce que je vais me dire. Ouais, regarde, on s'en va là parce qu'il nous reste peu de temps. Mais en tout cas, tout ça pour dire que Victor Lévy-Beaulieu, là, si vous voyez un de ses livres, là, ben, sacré le don vidange. Non, mais là, au feu, brûle ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Un toton de même, là. Il traite le monde de toton, fait qu'on peut le traiter de toton. C'est un gros Chris de cave. Ah oui, effectivement, là, ça, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mauvais que ça, là. Puis c'est ça, c'est pas une écartade, là. C'est qu'il en a fait 3, 4 puis 10, là, tu sais. Ouais, ça fait petit peuple. C'est rendu son trademark, ça là. Fait petit peuple. Il veut que le Québec soit sur la map. Lui, il a des idées arrêtées. Et petit peuple, reculer. C'est ça. Bâcher pour se remonter. C'est une belle technique. Non. Ça. C'est une belle technique qui fait très québécoise, soit dit en passant. Mm-hmm. Alors, on va passer à d'autres choses, là, pour se dépomper un peu. On va finir ça en beauté avec la fosse. Ah, la fosse sceptique. Ouais, je vois déjà des gens qui pleurent là, parce que c'est le début de la fin. Oui, effectivement, c'est souvent c'est quand pas on est assez long. Ça sonne la fin là. Non, écoutez, la semaine passée déjà qu'on vous a tiré ça d'une heure là. C'est vrai. Puis là, chialez pas. Non, c'est ça. Faut s'en garder pour les la semaine prochaine puis l'autre là. Dans deux semaines, ça va être bon. Dans deux semaines avec Kim puis tout ça là, écoute bien là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a là, comme on dit là. Alors quand même, cette semaine on va vous avoir une fosse quelque peu bon. On va l'étirer de 4-5 minutes. On va passer au travers quand même. Parfait. Okay. Ben, on finit pas à une heure, là, ça, c'est sûr. Mais un petit 5-10 minutes de plus, why not? Moi, je suis game. Bon, OK. Fait que là, je commence très bas dans la fosse. C'est une toune, un groupe québécois. Je donne un petit indice pour partir. Hein. Mais c'est pas super connu, là, quand même. Là. Mais là, si le bas m'a ça, il est bon. Hein. Belle pause la fosse. Ouais, OK, là, un petit peu. Pas besoin de décrocher, hein. Ouais, vas-y. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Hey, est-ce que j'arrive en plein dans la fosse? Ben oui, absolument. En plein dedans. Bon, ben c'est ça, je voulais pas manquer. Bon, ben t'es dedans, là. Comment ça va? Ça va, mort, fatigué. Ouais. Mais, écoute, c'est pas grave, Guillaume. On va se reprendre la semaine prochaine. Ça va, je voulais quand même faire petit coucou, vous dire salut, voir comment ça s'était passé. Puis je me suis quasiment endormi dans le bain, tu sais. Et on était plate. Ben non, je vous écoutais pas. On dirait même pas. Ah, c'est pour ça. Je peux pas vous écouter dans le bain, malheureusement, j'aurais eu des chocs électriques. Ouais, ça c'est sûr, ça. Fait que t'es là la semaine prochaine? Ah ouais, là, c'est la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il a pas entendu la grosse nouvelle, là? Non, il est pas au courant, vas-y, tu peux y annoncer. OK, dans deux semaines, pour la dernière émission, on a Kim Saint-Pierre qui a officialisé sa visite. Moi, là, OK, je vais m'exciter les papilles quand je vais en voir. Ah. C'est vrai que ça fait 4-5 fois qu'on dit qu'elle va être là. Mais celle-là, j'y crois. Mais là, j'ai dîné avec à midi et c'est officiel. Le contrat est signé tout. C'est signé tout. Le contrat est signé. J'ai réussi enfin à trouver l'entente idéale. Parfait. Bon, alors, Guillaume, avant que tu partes, tu peux nous identifier la fosse? Non, mais tu peux continuer avec la fosse, OK. OK, bon, alors, celle-là ici, je sais pas si Guillaume entend. T'as entendu quelque chose, toi, Guillaume, de la musique? En background, un petit peu, mais pas en onde. Donc, pas fort? Pas sur la ligne. Là, c'est-tu mieux? T'as entendu quelque chose, là, Guillaume? Oui. OK. Bon, alors, c'est... nous autres, on l'a entendu, par exemple? Oui. Oh, oui. OK. J'ai aucune idée, c'est quoi. Hein? Moi, je pense savoir c'est quoi. Oh, vas-y donc. Pas WD-40? Oui! Oh! Alex Jones! Hey, j'ai un CD d'eux autres. Ah ouais, même ça. Ben oui, il y en a de la fausse là-dessus. C'est vrai. Mais moi, je veux le nom de la toune, parce que c'est ça le gros punch, là, c'est le nom de la toune. OK, là, je l'entends mal, par exemple. Mais je reconnais le gros Alex, par exemple. Francis dit qu'on n'entend rien, là, les auditeurs à la maison. Ouais, ça c'est moins fort, un peu. Non, celle-là, elle me dit rien. Tu connais le vieux stock, là, il n'y en aura pas de culottes, ouais. Mon écœurant, ou je sais pas quoi, chien sale, ou je sais pas quoi. Celle-là s'appelle Là où les chiens jappent du trou de cul. Ah, mon Dieu! Wow. Recherché. Non, mais moi, je me souviens de concert. C'est quoi? On est allé voir ça avec mon oncle Serge. Le Noël Noir. Le Noël Noir. Ouais. C'était de toute beauté. Le drummer tombant en bas de sa chaise. Tout le monde était sous, là. C'est wow. Autant sur, dans le staff que sur le stage, tout le monde était sous. La foule était saoule. D'ailleurs, on va continuer avec WD40, avec l'heure classique. Et Guillaume parlait tantôt. Ah, le son. Ah non, c'est pas ça pantoute, excusez, je l'ai flushé, là, je pensais que ça marquait. Ah, ça! Ça, tu connais ça? Ben oui! Ça, c'est plus dans la même, grappe, là. Est-ce que c'est Nadia qui chante? Oui, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. As-tu fait ta chronique sur Facebook? Non, je l'ai pas faite, on a parlé d'autre chose, mais je t'attendais pour qu'on parle correct. Sex and the City. Ah, ça, non, là, je manque de jus, là, sérieusement, ça... Hey, je vois ça partout, là, tu sais, c'est partout, là. Ben oui. Je vais dans le métro, n'importe où, là, c'est... Ben oui. Partout, là, partout. C'est la folie furieuse. C'est la folie. Le plus drôle, c'est nos artistes québécois qui s'identifient au personnage, tu sais, c'est à mourir de rire. Mais en tout cas, bon, continue avec la fausse. On a... Ah! Tu l'as, Nadja, c'est quoi le band? Ah, je m'en souviens. Boston. Ah oui, c'est ça, c'est bon vieux. More than a feeling. Boston. Mon patron, Jean-Max, harcelait sexuellement les gens, mais moralement, sexuellement, oui. Parce qu'il nous comparait à des Timbits avec nos seins ou avec des Bostons. Ah, c'est Boston. Ah, voilà. OK, quelque chose maintenant de... Ah, elle vient de partir, là, la cochonne. La voici, les petites culottes de WD-40, un autre classique. Ben, moi, je les connais pas, désolé, là, mais... Ça, faut que j'aille vous faire entendre le refrain, là, parce que c'est là que ça se passe, là, quand même. Là. Ça, c'est Alex Jones, toujours le grand band de WD-40. Dans une période assez noire de sexe. Ouais. Ce soir, ma chérie, ne pleure pas, je t'en supplie. C'est une chanson d'amour, hein? Faut le dire. Tourmenté, là. Oui. Il faut dire qu'il y a des filles, des fois, qui lancent leurs petites culottes à Alex Jones pendant ce temps. Oh, bah, interesting. La tune s'appelle « Il n'y en aura pas de petites culottes ». Je ne sais pas. Je ne sais plus. Il est vieux. Faut bien que je sois pas là pour te mettre des tunes que je connais. Ben oui. Oh, c'est parti. Des petites culottes à soi. C'est un bijou. Ouvre-toi. Montre-moi ta touffe. Oh, encore une fois. Incroyable! C'est le goût de plat. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Incroyable! Ils ont fait des disques avec ça! Oui. Oh mon Dieu, ils ont pensé combien? Oui, mais ils l'ont donné quand je les lançais dans la foule quand je faisais le spectacle. Ça m'étonne pas que t'en l'as donné. Non, mais là, ça, pour comprendre, là, c'est l'équivalent là, de genre « I wanna hold your hand » des Beatles. Ben oui, c'est son hit. C'est là, je dis, en termes de popularité du groupe, là. Ça, c'est pas un succès radio, là, mais... C'est sa chanson romantique, là. C'est, oh, c'est triste. OK, on va tomber dans quelque chose de plus décent, là, quand même, là. Plus connu aussi. Là. Footloose! Ah, ouais, non. T'es pas Nadja, t'es très bonne. Je pense qu'avec le bomb, là, vous êtes pas mal d'étapes. Mais qui chante ça, hein? Oh. Kenny Loggins! C'est bon. Effectivement, c'est Kenny Loggins avec Footloose, avec le film, bien sûr. Hey, on a assez dansé là-dessus, tu sais. Ah ouais. C'est mon époque, ça. Moi, je me rappelle du film, là, mais je me rappelle pas. Ben oui, je me rappelle pas. Je me rappelle pas d'avoir dansé. Non, pas là-dessus. Nous autres, on dansait, c'était jamais assez sous. Ouais. Dans un collé. C'est pas bien mieux, ça, Drake Voisin. Donc, Footloose, pas mauvais. On va aller voir le hook, là. Le beat. Oh, on l'a-tu passé? Ah, c'est peut-être dance. Oh! Aïe, aïe, aïe. C'est diable. Ah, hein, c'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Franchement, là. OK, next, maintenant, on s'en va. Ah, c'est pas mal assez connu, ça aussi, par exemple. Hey, Tainted Love. Tainted Love, ben oui. Facile. Je vais te donner un break. C'est New Order? Est-ce que c'est New Order? Non. Ça, c'était la reprise, c'était New Order. Dépêche Mode. Non. Ben non. Non, excuse-moi, non, c'est... Tu l'auras pas, Pat. Tainted Love, je l'aurais pas? Non. À moins d'être aidé, là, par tes recherchistes, là. C'est pas un choix de le faire. Ah, mais attends, avant de quitter, je dois remercier XL Tracks en français, radiosphère.ca et Franco Radio qui nous diffusent, qui le serveur vont déconnecter présentement. Là, ils sont en train de déconnecter. À la semaine prochaine, les amis. XL Tracks continue son show. Nous autres, on est là vendredi et on rediffuse sur Tactical FM tout le week-end. Et on poursuit pour un extended mix pour la fosse pour terminer ça. Et on a deux. Ça, là, Tainted Love, là, ça a changé. Le groupe qui ont chanté ça, là, ils, ça ils ont changé plusieurs fois de nom. Moi, je peux dire, c'est Soft Cell qui chante ça, ok? Oh. Oui, là, tout le monde. Je peux dire que c'est l'Internet qui m'a aidé à le trouver. Ben, c'est parce ça. Que... T'as fait comme Victor Lévi-Beaulieu. Mais là, j'écris Tainted Love dans Google, ok? Ouais. Et la première chose qui m'a sorti, c'est la vidéo de YouTube. La description de cette vidéo, c'est gay, so gay to function. Like... Ben oui! Ben oui! Ben oui! Écoute, t'sais. Ben oui! C'est pas moi, là. C'est mauvais, là. Guillaume l'a eu, Francis l'a envoyé, le Bob l'a envoyé. Écoute, ben oui. Tout le monde l'avait sorti. C'est une free ride, celle-là. Là. Mais c'est... quelle bonne chanson! Ah oui! Ah. Mets du volume un peu, c'est bon. Ah ouais, ouais, je m'en allais à partir. Ah, ah, c'est bon, pourri. Excellent. Damn, écoute comme four. Ça fait la fureur un peu, votre affaire. Ça fait la fureur. Aïe, aïe. Ah, ouais. Okay. Mais bon, c'est bon, ça aussi. Mais oui, c'est bon, ça. Ouais. Qui chante ça? Ça, c'est le groupe Punk Cover. OK, mais c'est sûr que je connais pas ça. Le mot punk, c'est fini. Ouais, c'est, ouais, ça. C'est ça. Puis la reprise que tu parlais tantôt, quel groupe t'avais dit? New Order. Ouais, t'étais pas loin, c'était pas tout à fait ça. Mais Soft Cell, New Order, je pense que c'est les mêmes chanteurs. Mais la reprise, c'est Skinny Poppy. Ah, Skinny, oui. Poppy, OK. La version Marilyn Manson est très bonne, hein, Tainted Love. Très bonne. Ouais, je l'ai. Ben, Skinny Poppy, c'est un peu plus New Wave. Là. Ouais, c'est plus weird un peu. Ça fait un peu moins village gay, mais ça le fait quand même un petit peu. Quoi que ce soir, ça se peut que j'aille faire un tour. Ah oui, Pat, ça va veiller à ce soir. Au Drugstore. Au Drugstore. Ouais, monsieur. Attention pour pas te faire... C'est toute nuit, moi, là, même mon jackstrap. J'ai mis à l'envers. Ouais. Protéger l'arrière-train. Protéger l'arrière-train. Comme la fameuse Joe qui dit la patate, c'est mettre en arrière. Oh, en arrière. Oh, ouais, on a une autre chose. On a Human League. Hein? Ben oui, ben oui. Woo! Ouais, ben oui, c'est qui, c'est quoi la toune? Aucune idée. Aucune idée, hein? Je l'ai dans mon ordi, là. Ah, okay. Ah, c'est pas ça là que j'ai. Non? C'est un autre de ce groupe-là. Moi, je me rappelais pas de ça, pensé. Moi, c'est un autre de ce groupe-là. Mais déjà, on est en plein dans ses... Ah oh, ouais, dans son crâne, ça. Je pense que ça s'entendrait bien avec le bum, hein? Me first and the game. Gimme, gimme? Non, non, non, non. Ça, Human League, c'est bon. C'est le bon band. Attends, c'est pas... Ça va arriver un refrain à un moment donné. Hein? Oui, mais une chance, c'est ça. Ah oui. Oh oui, je reconnais ce bout-là. Ah, il vient de le dire. Je m'en souviens pas, c'est quoi le titre? Keep feeling fascination. Ah, j'ai l'impression, mais faites mettre en attente dans une mauvaise compagnie. C'est vraiment pas bon. Ben, c'est toi qui nous as appelé. Bon. Ouais, je sais, là, mais. Votre appel est important pour nous. Fallait bien que je chiole un peu, là. Votre appel est important c'est pour vrai, vous. C'est vrai, t'étais pas aussi. Hey, ça, c'est le début du New Wave, hein, en parenthèse. Oui, oui. C'est un spécial New Wave. Hein. Ben oui. Ok, là, c'en a un autre. Ça va être plus pour Pat, je pense. Très 80. Oh, je sais, c'est quoi? Hein? I'm hard of time. Elle l'a pas à peu près. Complètement battu. Je pense qu'on vient de trouver quelqu'un pour se battre contre le bum. Out of touch. Ouais. Ben c'est ça. C'est en plein ça. Je sais pas où vous allez chercher ça. Ben, c'est mon époque. Ouais, je m'en souviens très bien la chanson. Ouais, tout le monde l'a entendu. Celle-là, par exemple, j'étais un peu plus jeune quand ça a fait les. Vraiment, là, les, ça a tourné au bout. Ouais, ouais. J'étais pas encore. Fait que j'ai pas trop accroché. Écoute, vous avez les cheveux crêpés comme ça, là. Ouais, là le gel, le spray net. Le jeans, là, où on voyait la circoncision, là, parfaitement. Tellement que c'était tight. Tight. Tight. C'était les années rock'n'roll de Nadja. OK, la prochaine, là, on tombe dans le fond de la fosse. Là. Okay. La fin approche, puis ça paraît. OK, si vous avez ça, vous êtes pas pépé en tout. Là, c'est dans le francophone. Oh. On va changer de beat un peu. Ça fait mal. Non. Ça... Guillaume va l'avoir. Je connais, par exemple. Je connais. Ah, ouais, t'as entendu ça? Comme si je n'existais pas. C'est pas Boule Noire, non? Mais non. Je sais pas. Non, non. Elle est passée à Yannick Noir. C'est vraiment dingue, je pourrais connaître ça. Hein? Quoi, il y a Guillaume? Tu m'insultes en me disant que je pourrais connaître ça. Je connais par cœur. Guillaume, il connaît ça, tu sais. Oui, Guillaume va connaître ça. C'est Aïcha. Hey. Hein? Ouais, c'est Aïcha, mais c'est qui chante? Mais qui t'a dit ça, toi? C'est je pas sais, ben, pareil. Non, mon sang! Non. Tu peux pas nous en compter, ici. On est pas. Je... Fais pas ta Julie Couillard, là, nous compter des pipes, là. Vous êtes sûr, là? Cachez ce sein qu'on ne saurait voir. Oui, Guillaume. J'ai aucune idée c'est quoi, ça, mais ça me fait oui, penser. Je connais par. Excuse, vas-y. Je vais mettre une toune de Michel Louvain juste pour finir. C'est son 50e anniversaire, là, de carrière cette semaine, là, pour ça. Ouais. Il faut fêter ça, là. Je pense que je les ai toutes effacées, les tounes de Michou. Mais non, ben, je te jure. Je vais pas céder en arrière, là. Ben oui. Qui chante? Ça? C'est Shish Kemosh. Non, c'est Cheb Kebab. Cheb Caleb. Ah, oh, Cheb Caleb. C'est Caleb. Ouais, c'est ça, je connais ça. Comment ça s'appelle? J'allais dire un Iranien, mais c'est pas un Iranien. Non, c'est un Tunisien ou un Marocain. Ça doit être Tunisien. C'est très mauvais. Casio. Oh. Oh oui, hein, Casio. Excusez-moi, la feuille de continue, continue. Les effets sonores, vas-y, Guillaume. Non, mais là, attendez, je vais peut-être m'amuser. So beautiful. Oh boy. Ça sonne un petit peu Backstreet Boys. Ouais, hein, c'est des petits beats qui viennent. Fait que la version originale est-tu moins pire? Non, c'est aucune, pas, hein. Aucune. Et pour clore Aïcha. Un massacre. Ouais, le massacre, c'est le mot est faible. Là, je vous donne pas le nom de l'artiste. Vous allez le trouver assez vite, merci. J'existais pas. Ah oui, oui. C'est le gars des. Le gars qui voyons, qui édite des livres, là. Ouais, le Trisomique 21, là. Comment il s'appelle? Doc Mayou? Non, non. VLB? Non. Ça va. L'autre. Attends, il y en a. Ah, Michel. Ouais, Michel. C'est lui? Non, c'est pas lui. Wow. Mais ça, Renaud hein? Birouet, toujours. Non plus. C'est lui qui avait les intouchables brûlés, ça ressemblait à ça. Oui, c'est vrai, t'as raison, ça se ressemble. Mais ça, non, c'est le même gars qui chantait Désirless. C'est ça qui écrit Michel Brûlé. C'est Mike Brûlé. Hein. Non, c'est pas lui. Non. Il y en a un autre qui pensait que c'était Michel Brûlé. Ah, ben, hein, c'est vrai que ça porte à confusion. Ouais. Oh, ouais. C'est qui? On va citer un bout. Ouais, on écoute. Il va bien. Dans les pays d'ivoire et d'Ibène. J'sais pas ce l'était là. C'est un Africain qui chante ça. Je pense pas. Je pense que c'est un Français, honnêtement. T'as pas fait jouer dernièrement une tourne de lui, parce que quelque chose. Oui. Désirless. Oui. C'était qui? Oui, ben, j'étais là même... cette soirée-là. C'est le gars qui a offert la tourne de Désirless. Oui, oui, voyage, c'est le même. Mais je m'en souviens. Dicky. Dicky. Je m'en souviens. J'ai entendu ce voix-là, je le connais ça, c'était sûr, il y a pas longtemps. C'est ça, hein? C'est ça. Mais étais-tu sous quand tu la chantais? Non, c'est tout naturel. Tu pourras jouer l'autre, juste voir la version Désirless. De... Désirless? De Désirless, ouais, toi, c'est pareil, c'était carré. On dirait que c'est une copie conforme, sauf que je changerais les paroles. C'est fou, là. Oh mon Dieu! Il était sous. Non. Non, parce qu'il a fait un album au complet. C'est ça que ça me rappelait vraiment. Mais ça, c'est voyage. Sauf que c'est lui qui a fait, imagine. Voyage. Dreaming. C'est mauvais. C'est que. Au-dessus des vieux volcans. C'est Dicky! Oh, ça fait mal. Arizona, mes rêves. Ça fit même pas les paroles. Je pense que c'est un Africain. Ben, je pense, moi, qu'il est... Ben, en tout cas, c'est peut-être un afro-français. Oui, là, parce qu'il y a un accent... Ça se peut. Attendri comme le vent. Voyage. tout cas, il n'y a pas de talent. Ça, c'est fait un album pour lui, là. Oui, c'est juste pour lui, ça. Puis pour nous autres. OK, là, ça va faire. Une autre tune, une autre tune. Oh oui, on a d'autres. Ah, ça, c'est tough, ça. Vraiment tough. Pour un grand, regarder un peu pour la prochaine saison, non? Faites-en pas, on va en avoir encore. Guillaume, il a mal aux oreilles. Ça regorge au Québec. Mais maintenant, que vais-je faire? Avec attention. Maintenant, c'est bon, c'est le nom de la toune. C'est ouais. Madame Saint-Onge qui chante ça. C'est la claviériste de l'hôpital de... Des trisomies, quoi. Non, je ne sais pas si... La chorale de l'hôpital Douglas. Oui, c'est ça! C'est ça que je cherchais. Ça se peut, mais elle pousse les hautes pas à peu près. Là. Horrible, David. Une autre. Okay. Ouf, on a mal. Ben là, si tu pires ça ou Dicky, hein, c'est dur. Hein? C'est dur, je pense. On se repasse à l'aimer, là. Ouais, hein? Ouais, ouais. Les enverrons, j'ai l'impression que c'est 100 fois pire à chaque tour. Ah ouais. C'est le but, c'est de pousser dans l'écran encore. On s'enfonce, comme on dit. Ça, c'est pas si mal. Oh, Peggy Sue! Ouais. Oh, well, I love you, Kelly. So love you, Peggy Sue. C'est pas la version de John Lennon? Non, ben non, pas en tout. Non, mais John Lennon l'a reprise. Et Simonac. Ah ouais? Ah ouais. Je savais pas ça. Ben non, c'est plus vieux que ça, c'est pas mal, c'est l'original. Oh, ah ouais, ok. Ah, c'est Country Boy. Non. Oh, well, I love you, Kelly. So love you. Ça, c'est Weekend Rock'n'Roll avec Guy Tambacon. Oh, c'est un super de voir là. Je l'ai, ça, quand Peggy Sue. Peggy Sue. Pretty, c'est Buddy Holly! Oh! Le seul, unique Buddy! Okay. Hey, Buddy! Un vrai de vrai nerd! Ouais, ça, c'est le vrai de vrai, l'authentique nerd. Ouais. Bon, on retombe dans les 80 pour une petite dernière 80. Relax, yeah. Don't do it! Yeah, relax! Hey, ça, Frankie sonne. Goes to Hollywood! Wow! Woo! C'est ça. Ben, ça sonne 80 au incroyable. Bout. Incroyable. La base, don't. Hey, c'est mon époque! Oui, on sera pas une, hein. Toi, ça te prendrait la fosse, hein. Faudrait que je te transfère toutes mes tours. La fosse. Hey, oublie ça, ça va être CD oui. À tous les jours à l'auto. Don't do it. La vie s'organise un party down chez vous, là. Je suis pas sûr que je vais venir. Ah, mais, c'est parce que. Je suis pas sûr que j'écoute ça tous les jours. C'est ça qui est le fun de la fosse, c'est qu'on n'est pas obligé d'écouter ça longtemps. Ça. On écoute des petits bouts, puis on est correct pour 10 ans encore. Ouais, c'est ça. Ouais. On se revoit dans 10 ans. Bye bye. OK, next. Ah, ça, par exemple. Ça a été popularisé par un tata qui fait des annonces. Bien changeant, ça, quand même. Ah oui, c'est vieux, ça aussi. Ah, c'est quoi dans ça? C'est les annonces de Familisti, je pense. Ouais, c'est ça. Familisti. Mais c'est qui? Hein, c'est qui, hein? Parce que tout le monde l'a entendu à cause de cette annonce-là, finalement. La toune, premièrement, s'appelle Don't You Just. Attends, c'est parce que je l'ai pas tout au complet. Don't You Just Know It. Ah! Okay. Don't Know It, c'est important. Ouais, know It, know c'est it. Un Know It. Exact. Et le groupe, c'est en fait, c'est un collectif d'auteurs. Ouais. Domino Reilly. Non. Toi, avec tes fausses... Ouais, le bum, là, il en a perdu un peu. J'essaye. Non, c'est Francis. Ah, c'est Francis qui s'essaye. OK. Là, il a essayé. Non, c'est... C'est pas ça non plus. Pas ça non plus. C'est Huey Piano Smith and the Clowns. Ah, ben oui. And the Clowns. And the Clowns. Ils étaient 10 à chanter dans ce groupe-là. No Hits, the Clowns. The Clowns. Facile à retenir après. Ah, Guillaume, elle était tough, celle-là, hein? Ouais. Elle était pas facile. T'en veux-tu une copie, Guillaume? Non, c'est bon, là. Mais j'aurais une coupe de prescription à faire valider. OK, on a un autre titre ici. Hein, ça y va? Ah! 80, ça aussi. Je l'ai pas, personne. Je l'ai pas. Guillaume aussi, je là. Je me souviens, le vidéo, c'était des animaux dans le vidéo, des sangsues, des serpents. Ah, ça se peut-tu, ça? C'est un gars qui joue du piano. Merde. On va attendre qu'il commence voir à chanter. Là, un moment donné, ça va nous aider. Là. Elle connaît les paroles, fait que tu dois pas être bien loin, Nadja. Ouais, je pense que c'est la raison pour la vidéo. Oui, oui, oui, oui. Il y a du monde, j'en peux plus. Là. Ah, c'est tough, hein, cette semaine. Attends, redis-moi, s'il te plaît. Non, un bon refrain. Life, c'était bon dans le titre. On va au refrain, ok, d'accord. Hey, là, les cerveaux travaillent, personne n'est capable. C'est l'enfer. Les moteurs de recherche sont tous partis. Ah ouais, hein. Ouais. Ils sont tous sur leur ordi, le bon Francis, tout le monde. Hey, tout le monde, là, oubliez ma chronique de la semaine passée sur la torture, là. Ça va tout. Ça, c'est la torture. Ça, c'est un beau compliment que tu me fais, là. Hey, oh. Même les Chinois, ils prennent à apprendre bien des affaires chez vous. Il n'y a pas de refrain dans ce tune là, on dirait. Non, il n'y en a pas. Big King. Big Jim. King. Jim. Non, c'est pas ça. T'es pas là, Dan. On s'éloigne. C'est pas là. Ça. Il y en a qui dit que le hamster saigne des oreilles. Oui, les miens aussi. Ça suffit. OK, petit indice, le nom commence par T. Même, je pourrais dire TT. Tapageur. Non, pas Mr. T non plus. Ah! Oh. Ah, oh, mais la belle plug. OK, ça s'appelle... Attends. Oh! Non, vas-y. Ouais, c'est ça, vas-y, je te dis quand. Talk. Oh oui, Talk, mon gros. Ben oui, la toune It's My Life. Oh. Excellent, It's My Life, Talk. Non. C'est pas ton groupe, je pense. Fais jouer It's My Life. Je suis sûr, c'est ça. Non, c'est pas le même groupe. Ben oui. Non. Talk. It's My Life, c'est Bon Jovi, ça. Non, ils ont le même titre. Oui, hey, oui, c'est Life is What You Make It. Ah oui. T'avais dit, moi, Life is What You Make It. C'était pas loin. Mais tu t'as dit ça? Non, mais oui, alors. Moi, j'ai entendu Life, là, mais en tout cas. T'avais dit Life is What You Make It. On va aller à la reprise vidéo, à la reprise audio. On recule. Bon, il en reste deux. Oh, t'as tellement grand prix à gagner, hein. Ben oui. Écoute, c'est dans les demi-finales, là. Il en reste trois, là. Hey, écoute, là, on achève, là, on arrive dans le fond de la fosse, là. Je vais tellement m'ennuyer. Tu vas être déçu. Oh! Ah! Zouk! Breakdance. Break. Ça, c'est instrumental. Ça va être tough. Mais tout le monde a entendu ça. Ben oui. Même Guillaume. Ben oui. Ouais. Ben oui, Guillaume. Oh ouais, je sais pas si j'ai entendu ça. The Box, non, c'est pas ça? Non. The Box, c'est deux groupes canadiens, tu vois? Oh! C'est parti. Woo! Mais je me souviens qu'il y avait des boîtes qui marquaient jouer avec des jambes. Oui, pour ça, mais... Oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ils ont juste fait des tours instrumentales, ce groupe-là. Ouais, c'est pas Rocket. Non. Le nom de la toune? Non. Rocket. Rocket, oui. C'est ça. Mais c'est deux gars avec des lunettes. Ah. Oui, c'est ça. Attends. C'est Internet. Merde. It's My Life, bien, je l'ai. Ben oui, mais c'est deux tours dans le phare, Pat. Ah oui, je sais. OK, hein, c'est instrumental. C'est Herbie Hancock. Ah oui! Je l'avais, Herbie Hancock. Fait, il y a tout, mais deux tonnes en retard. Ah, elle l'avait, pour vrai? Oh, menteur. Non, on me l'avait envoyé, c'est juste que j'ai flushé. Oh, bon. C'est n'importe quoi, on sait bien. Oui, on sait. Francis l'avait, sérieux. Bon, la dernière, elle est plus écoutable, mais pas nécessairement plus facile. Oh, j'aime ça. Ah, c'est bon. Oh, Stephen Wolf, ça. Non, mais c'est des années 60. Oui, ben oui. C'est dans la bonne décennie. Ben oui. J'ai Trottel. Non. C'est n'importe quoi, là. Wouhou! Tax the rich, feed the poor. Dick River. Non. Non, c'est pas Dick. Bob Marley. Dicky, comme on dit. Bob Marley. Non, c'est une tune qui a été popularisée dernièrement, la dernière fois, par Michael Moore. Pour dans un de ses films. Ouais. Non, pas celui-là, mais comment il s'appelle? 9-1. Ouais, c'est cool. Ça. Non, c'est 9-1. C'est Fahrenheit 9-11. Et puis, là, on va aller au crunch, parce que sinon, ça vous arrive. Le petit solo de guitare. Ouais. Herbie Hancock. Ben non, mais... Deux jours plus tard, Pat. Nope. C'est de l'humour. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Faut savoir saisir. Ouais, ça, hein. C'est, mais c'est des années 60, on est correct là-dessus. Mais oui, mais oh, oui, oh, mais attention, oui. Attendez. Non, c'est pas lui, c'est pas l'autre. Oh, ouh, c'est parti. Bad Company. Ouh, c'est bon, ça. C'est pas bon. Et la guitare, Guillaume. Encore Dicky. Hey, là, je me rends compte, là, je vois l'heure, là, ça fait au-dessus d'une demi-heure. Hein, oui, et 20, et 20. Ah oh, oui, ça fait un bon 20 minutes. Là. 11h21. On n'arrête pas tant qu'elle n'est pas finie. Ben, c'est la dernière. Ben, bonne. Tant qu'on l'a pas trouvé, le titre. Ah, ça, ça va être long. Le nom du band, c'est 10 Year Afters. Oh! Et c'était pour le film Fahrenheit 9/11. Woo! I would like to change the world. Oh! Oh. Peux-tu l'envoyer par courriel? Oui, je pourrais faire ça. Envoyez-le là, tu peux-tu l'envoyer? Non, pas là. Tantôt, oui. OK. On va se le faire. C'est bon, pareil. Ouais. Eh ben, coudon, hein, ça finit d'une fausse, d'une belle façon avec le petit solo de guide, quand même. Super! Super duper. Alors, je pense qu'on va finir le show là-dessus aussi, parce que là, moi, faut que je fasse mes niaiseries de serveur pis tout ça. On a des protocoles à observer. À suivre. À suivre. Donc, on va vous donner quand même rendez-vous la semaine prochaine, puis il reste deux shows. Yeah. Avant la fin de la saison 2008. Donc, soyez là à partir de 20h vendredi, en direct de nulle part. Merci à Tactical FM pour la rediffusion. Merci à Radiosphère pour la rediffusion en direct. Merci également à Excel Tracks en français qui nous fournit le serveur officiel et Franco Radio également qui nous diffuse partout sur ses 12 000 serveurs partout sur le monde. Et merci également à Nadja qui est venue faire un tour. Merci, super gentil. Merci, merci. Avec Pat aussi, fidèle au poste. Toujours, on compte plus les fois qu'il est là. Merci à Mr. T de sa présence. Son absence. Et le téléphone de Guillaume. Oui, merci à le téléphone de Guillaume. Salut, téléphone de Guillaume. Ben oui, attends une seconde. Ah. Hein? Faut aussi saluer Francis et le Bombe qui sont toujours là, qui ne nous lâchent pas du début à la fin. Nos recherchistes. Écoute, sans eux, ça serait pas pareil. Là. Non, ça serait bien différent. Merci les recherchistes. Yeah. Donc, là-dessus, ben, on vous souhaite une joyeuse semaine et faites attention à vous autres et de retour la semaine prochaine. Yeah! Bye bye! Ciao! Michel soit congédié, mais ça n'arrivera pas parce que Michel Therrien, envers et contre tous, il va encore gagner cette année. Ouais, ben écoute, c'est parti pour ça. On va voir comment il va être capable de faire gagner son équipe samedi. C'est un match crucial parce que s'il perd samedi, mon Michel, ça se finit en 5 à Détroit. Si. Si. Si ma tante. Si ma tante avait. C'est ça. Moi, je veux dire, hein, vas-y. Bon week-end. Bon week-end. Ça va être correct, Dave. Ouais. Dave, ça va être correct. Oui, je passe pas la fin de semaine chez vous. C'est correct, Dave. Tout est correct, le terrain est à point, les fleurs. Dave, tu me comprends? Oui, je te comprends. Ouais, toujours d'accord avec toi, moi. Ça va être correct. Salut, Burgui. Bon. Bon, mais les étoiles ce soir. Je sais pas. Daniel, aïe, je suis pas certain. Patrick, que je vous dise, c'est un des meilleurs. Guillaume a été correct ce soir, sauf que je ne l'ai pas vu administrer une seule mise en échec. Allô, allô, allô, allô. Toujours un plaisir. Au revoir.